merci beaucoup hein, et merci à vous tous parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter l'émission. On est là tous les soirs de 20h à 23h Love in Fun sur Fun Radio et vous êtes aussi de plus en plus nombreux à écouter Mickaël tous ah les bon soirs. Bonsoir oui, Mickaël. Il est là, ah bon? Mais oui, mais oui. Ah, mais je savais pas. Je crois qu'on était seul le soir. J'ai les chiffres. Mickaël. Ah bah putain, et donc c'est bon ça. Eh, Mickaël. Ouais. Quel est ton poids et ta taille, s'il te plaît? Je fais 1m12 et 87 kilos. Oh là là, quelle des conneries là. J'aime ce qu'il pue. Quoi? Il s'amuse avec tous les boutons qu'il a et quand non, il balance tout. Karima ne peut pas dire ça. Karima a dit un jour dans cette émission. J'aime ce qu'il pue. Je parle avec toi, Karel. Tu vas adorer ouais, Tom un... alors. Ouais, en même temps, les gens qui bossent avec vous sont bizarres. Hein. Suce ma bite. Ouais, entre Lilou, Karima, le doc, bon. Tu sais, on pourra jamais faire pire que Karel qui chante Papa Outé. Oui, c'est vrai. Effectivement. Bon, moi, je vais y aller. Hein. Ouais. C'est ça, j'ai une petite soirée à New York là. Je m'en vais. Hein. Oui, tu veux un petit jet? Je te le prête. Ouais. Bah écoute, t'en as un? Bien sûr, évidemment. Je prends volontiers, Mickaël. T'inquiète pas, il est là, regarde. Hop là, on est arrivé là. On est au taquet. T'inquiète. Putain, vous avez du matos. Bah, attends, les gars. Qu'est-ce que tu crois? Moi, j'ai mon jet, faut pas déconner. Bon, bah, bonne soirée. Vous, demain salut soir, 20h sur Fun Radio. Exactement. Et rencard demain, d'ailleurs, hein, ce sera la deuxième de Levin Fun et donc l'avant-dernière. Presque, presque, presque. Allez, bonne soirée à vous. Bisous, bonne à soirée, Mickaël. Allez, c'est parti jusqu'à minuit. Jusqu'à 2h. Je vais y arriver. Mickaël, No Limit, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Eh oui, bonsoir tout le monde là, bonsoir. Comme vous êtes de plus en plus écouter l'émission un peu partout dans le monde, à nous rejoindre chaque soir. Ouais, je me la raconte un peu, et alors hein. Bon, soyez les bienvenus. Alors, si vous voulez, si vous nous découvrez, justement, moi, c'est Mickaël. On se retrouve du lundi au jeudi de 23h à 2h, et puis le dimanche soir, évidemment. On est là dès 20h sur Fun Radio jusqu'à minuit pour délirer avec vous. Et si vous voulez venir délirer avec nous, justement, rejoindre l'émission, n'hésitez pas. Il y a deux numéros, un pour la France, un pour la Belgique. Alors, 01 42 48 5000 pour la France, 02 851 4x0 pour la Belgique. Et puis, cela dit, puisqu'on parlait du monde, si vous êtes ailleurs, vous pouvez aussi faire le 00 33 1 42 48 5000 évidemment, et vous arriverez ici par exemple comme Anaïs qui est avec nous. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. Comment vas-tu Anaïs? Bah très bien, et toi? Ah, ça fait plaisir d'avoir une fille comme ça d'entrée de jeu. Ouais. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Oui, on c'est est vrai. Plutôt ça, bien. Ça me fait plaisir. Mais oui, t'as 19 ans Anaïs, t'appelles de Grenoble. Oui, voilà. En forme à Grenoble? Ah, toujours. Bon, eh ben écoute, très bien. Écoute Anaïs, t'as passé une bonne journée, t'as fait quoi aujourd'hui? Rien de spécial. Rien de spécial. Alors, bon, bah, d'accord, ouais. Ok. Bon, non, mais quoi, tu travailles pas? T'es à l'école? T'es quoi? Non, je fais rien. Ah, et sinon, d'accord. Combien mesures tu, Anaïs? Dès le début, là, 23h02, Tof, on a même pas le temps de s'installer, quoi. Bah, écoute, moi je suis chaud. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Allez, combien mesures tu, Anaïs? Combien mesures tu? Oui, en non, toi. De toi, hein. Combien je mesure? Oui, quelle est ta taille en centimètres? Qu'est-ce que tu comprends pas dans cette question? Non, mais parce que je trouve ça bizarre comme question. 1m68. Combien pèses-tu en kilos? 65 kilos. Quel est ton tour de poitrine en chiffres et en lettres? Oula, 90B. D'accord, et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36. Ah ouais. C'est un compliment Anaïs. Bon, ah mais j'adore. Tant mieux, on va parler de quoi dans quelques minutes avec toi? Ben écoutez, attends, on va être gêné, je suis à la radio. En fait j'ai eu une petite aventure avec un garçon mais qui a une copine. Ah très bien, attends, Tof arrive hein. Je suis déjà en route. Il est sur son scooter là. Bon très bien, t'as eu une aventure avec un mec qui avait déjà une meuf, c'est ça, t'étais la maîtresse quoi. Voilà, exactement. D'accord. Bon, alors c'est bouge parfait. Pas, on va en parler, Anaïs, ne bouge pas. Il y a Sandro qui est toujours au standard, la deuxième jour de régime. Alors comment ça se passe? Ah, ça se passe bien pour le moment. Ouais, mais ça se passe bien comment? Ça se passe bien pour le poids ou ça se passe bien pour la graisse? Ah non, pour l'instant ça se passe bien au niveau des écarts. Je fais pas d'écart. D'accord, ok. Bravo. Très bien. Bravo. Allez, bravo. Le poids versus la graisse. C'est pas mal. Allez, pour Sandro, est-ce que Anaïs, tu penses qu'elle va y arriver, Sandro, avec son régime là? C'est le deuxième jour, mais c'est la 407e fois que c'est le deuxième jour. Ouais. Faut le savoir. voix. Non mais c'est vrai. Au début c'est facile. Ah oui, au début c'est sur ça. Bah oui, il faut continuer. Elle est tombée sur un 4 quarts, c'est exactement, tout, voilà. C'est le 4 quarts, il était là, il n'était pas prévu, puis une catastrophe quoi. Bon, Etoff qui va partir à la recherche de nouveaux amis encore ce soir. Mais oui. Bah évidemment, de nouveaux amis qu'il rencontre tout au long de l'émission, bien été tout au long de la semaine d'ailleurs. Hein. Dans ton cul, connard. Voilà, donc là on était bien effectivement, puis après au hasard. Va te faire foutre, connard. Voilà, que des gens agréables. Et ta mère la pute, et si je l'avais tous les soirs, sale bâtard. Voilà, que des gens tellement gentils. Oh, tu te fais chier, espèce de con. Voilà. Petite saloperie, va. Ouais, saloperie, va. Voilà, c'est ça. Donc, c'est tous les amis que Toff rencontre, évidemment. Alors, je ne sais pas encore pourquoi on va téléphoner ce soir. Je me tâte, je réfléchis. Donc, si vous avez des idées, hein, n'hésitez pas. Des idées de gens qu'on peut appeler, surtout pourquoi. Eh ben, n'hésitez pas, évidemment, à faire un mail directement à Toff, toph@funradio.fr, pour lui proposer des numéros de téléphone de personnes encore debout à cette heure-ci, jusqu'à 2h du matin. T'en connais-toi, Anaïs, ou pas? Oui. Ah, tu peux m'intéresser, Anaïs, là, alors ne bouge pas de là. Bon, et puis cette émission ne serait évidemment pas la même hein, sans Polo et son Pipo, que la terre entière nous envie, bien entendu. Toujours ce grand talent tous les soirs, hein, et... Eh oui, on voit les choses en grand. Ouais. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez pipo, ce soir? C'est un pipeau ancien. Oui, c'est exactement, voilà. Oui, exactement. Taillé dans du bois de flûte. De foutre, pardon. C'est ça, ouais. C'est ça. Et puis, comme tous les soirs, on va suivre l'évolution également du top tweetos. Et déjà top tweet. À 23h, bientôt, j'ai même pas le temps de parler. J'ai même pas le temps de dire bonjour que parfait. Déjà. Bon, bah, merci beaucoup. Hein. Comme d'habitude, je vous remercie puisque c'est grâce à vous. Nous, on fait rien au final hein, pour être top tweet. Bon, du coup, on va célébrer le top tweetos. Donc, ça sera l'auditeur. Il y a pas une bouteille de champagne. Le plus influent. Ah merde. Non. Bah, non, pas de gâteau. Oh, Sandro, c'est le régime là. Donc l'évolution du top tuto ce soir. Donc si vous ne connaissez pas encore le principe, bah c'est pas très compliqué hein. Il faut simplement faire un maximum de tweets avec le hashtag Mickaël. Et puis à la fin de l'émission, on relève les compteurs et on donne le top 5 de ceux qui ont été les plus actifs. Soyez donc au taquet le lundi. On a souvent des surprises dans le classement hein. Donc voilà. Donc un maximum de messages avec le hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. Vous mettez Mickaël_officiel pour m'ajouter. Et puis moi je vous ajouterai également avec plaisir. Tu m'as déjà ajouté, Anaïs? Est-ce que tu m'as déjà fait un follow sur Twitter? J'ai pas Twitter. Ah bah il faut en créer un parce qu'en plus je follow les filles par derrière. Ah d'accord, bon bah oui. C'est intéressant. Alors là c'est intéressant. Ah voilà, donc tu vois, tu crées un compte Twitter, tu rajoutes Mickaël_, donc la petite barre en bas, et puis officiel. Et puis bah dès que je vois que tu m'as ajouté, bah moi je te follow par derrière. Bon, pour les mecs c'est une poignée de main évidemment. Et il n'y a pas de soucis. Ah parce que j'ai vu un petit rouquin qui voulait que je le follow par derrière. Sale, je lui dis que c'est hors de question, hein, pas les mecs. Ouais. Ah non, les mecs c'est une poignée de main. C'est follower mais par devant, mais pas par derrière. Donc je compte sur vous. Vous nous rejoignez évidemment, Twitter bien sûr, Mickaël_officiel, et puis vous mettez un maximum de hashtags et Mickaël tout simplement. Voilà, on va c'est quoi ton son préféré du moment, toi, Anaïs? Moi en ce moment je pense pas que, enfin vous passez pas ça à la radio, bah, donc, dis-moi. C'est quoi? Bah moi j'écoute plutôt la crime en fait. D'accord, ok, effectivement on l'a pas pour le coup. Bon, alors un autre titre éventuellement qu'on a. Alors si je te mets par exemple est-ce que t'écoutes souvent l'émission, déjà la première question? Oui, quand même. Très bien, donc tu connais mon remix bien sûr de Britney Spears? Non. Oh, tu connais pas le remix? Non, je connais pas. Alors le remix c'est ça, attends, je te mets un bout. Petite saloperie, va. Espèce de pourri de bâtard. Sale con. Bon, ben, bref, c'est un remix évidemment avec que les insultes de tous les amis de Toff, bien entendu, que nous mettons peut-être tout à l'heure avant minuit. Voilà, si vous voulez l'entendre, le remix de Britney Spears version Mickaël, bien entendu. Hein. Et bien n'hésitez pas, hashtag et Mickaël, hein, vous balancez tous vos messages. On écoutera aussi le nouveau son, et ça c'est une tuerie, le nouveau Pitbull et Kesha avec Timber. J'adore le début, on a l'impression qu'on est au Texas avec le Luc. Ah ouais, c'est la folie. Bon, Pitbull et Kesha qu'on écoutera tout à l'heure. Et puis bah, si vous voulez écouter des sons particuliers, hashtag et Mickaël, demandez, n'hésitez pas. Et puis avant de parler avec Anaïs, on va se faire également la colle avec Ruben. Est-ce qu'il est là, Ruben? Ouais. Comment va, Ruben? Ça va, et vous? Bon, vous avez fait une belle peinture? Ah bah c'est drôle ça. Bon, on va parler cadeau également maintenant, Ruben. Alors deux choses. Déjà, attention, chose exceptionnelle, en exclusivité totale mondiale, intergalactique, dans toutes les galaxies. On vous offre, non pas comme chez certains, des fausses boîtes remplies de PS4 et d'Xbox One, mais nous on vous offre, parce que nous on a les couilles, on vous offre la boîte vide. Ouais. Elle est là. Totalement vide. Attention, il n'y a rien dedans. Oh, comment t'as la sucre là. Elle est là. Il n'y a rien dedans. Ah, trop fort. Parce qu'il y en a plein. On offre de l'air et ouais. Ça, c'est beau. En fait, il y en a plein comme ça, des boîtes qu'on a trouvées à la Fnac. Et c'était d'ailleurs, merci à la Fnac, elles nous en ont filé. Il y a marqué réservé là maintenant. Et donc, du coup, il y en a qui cachent le truc et donc il faut croire que c'est la vraie boîte. Mais du coup, il n'est pas sorti. Elle sort que à la fin du mois et avec fun en plus. Donc, du coup, vous serez ici. En revanche, les vrais premiers à la voir. Donc, restez à l'écoute de fun. Et donc, la boîte vide, je vous l'offre, la PS4 de la boîte vide ou même la Xbox One. Attention, on n'est pas des enculés ici. Hein, on fait les deux et on fait les choses en grand. Non mais attendez, je veux dire, on vous l'offrira tout à l'heure sur le Facebook de l'émission. Donc dès maintenant, vous pouvez nous rejoindre facebook.com/michaelofficiel. Tu rêverais, Laïs, d'avoir la boîte vide de la PS4 ou de la Xbox One? Ah oui, alors ça serait génial. Hein. Ah putain, mais moi aussi, attends, c'est une folie totale si je peux avoir attends, ça. Ouais. Et toi, Ruben, est-ce que tu rêverais d'avoir la boîte vide de la PS4 ou de la Xbox One? Avant moi, tout le monde. La PS4, hein. Ah bah avant tout le monde, attention, et c'est ça l'exclu justement, c'est de la voir, c'est vraiment la folie quoi. Toff, tu rêverais d'avoir cette boîte. Attends, moi je l'ai eu en main puisque je suis allé la chercher. C'est vrai. J'ai failli ne pas revenir à la radio, j'ai voulu partir. T'as dû la rendre. Et t'as dû la rendre, c'est ça le pire quoi. Ça c'est vraiment scandaleux. Bon bah donc du coup on vous l'offrira tout à l'heure. Venez nous rejoindre facebook.com/michaelofficiel. Bon Ruben, alors vas-y, fais péter la colle pour gagner le PC portable ce soir. Ouais, alors on me sent mais on ne voit pas. Qui suis-je? On me sent, mais on ne me voit pas. Qui suis-je? C'est bien ça, Ruben? Oui, bon, si vous avez la bonne réponse, c'est le PC portable. Là, par contre, il est dans la boîte, hein, celui-là. On va vous l'offrir, mais il est là. le PC portable qu'on vous offre donc ce soir dans la colle pour répondre. Eh ben, c'est facile. Vous envoyez M-I-K-L, espace la réponse, au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Donc, Ruben de Meudon qui a posé la colle. Si personne ne trouve la bonne réponse, c'est lui qui gagne. Si quelqu'un trouve la bonne réponse et qu'il décroche quand on l'appelle, eh bien ce sera cette personne-là qui gagne. On fait le tirage au sort avant minuit 30, Ruben. Tu restes avec nous? Ok, oui, pas de problème. Bon, c'est parfait. Bon, bah voilà. Donc, on me sent, mais on ne me voit pas. Qui suis-je? Voilà, vous envoyez M-I-K-L, espace la réponse, au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Il y a Nanou qui dit putain de rire, malgré votre folie, on vous aime. Bah, c'est gentil, Nanou. Christophe qui dit demain, je suis en sécurisation du Stade de France pour le match France-Finlande. Je vous enverrai des photos en direct du stade. Avec plaisir, Christophe, c'est gentil ça. Kawet qui dit je kifferais gagner la boîte vide. Bah oui, mettez un maximum de hashtag Mickaël hein, pour voir si vous voulez gagner la boîte vide ce soir. Et puis rendez-vous sur le Facebook de l'émission, on fera des tirages au sort pour vous offrir votre boîte vide, la PS4 et de la Xbox One. Car nous, on a peut-être pas la boîte remplie. Mais au moins on vous offre la vraie boîte vide car nous on les a. Ouais. Les boîtes vides. Il y a Nanou aussi qui dit je veux la boîte pour mon anniversaire, c'est dans deux semaines. Bah, dommage Nanou, c'est dans deux semaines qu'il faudra jouer. Et Erwan qui dit la Britney Spears featuring Michael No Limit Work Beach, il est énorme. Bah, ouais. Peut-être tout à l'heure ça va arriver, on verra. Bon allez, bonne soirée tout le monde et Anaïs. Oui. Ah, Anaïs qui est de retour. Donc toi on va parler avec toi donc non pas de la boîte vide bien entendu, mais du fait que t'as couché avec un mec qui était maqué avec une autre meuf. Exactement. Mais tu la connais la meuf? Mais c'est pas grave. Eh ben en fait, minimum. Je me suis retrouvée dans une soirée avec elle. Ouais. Et lui à côté. D'accord. Et avant ou après avoir couché? Après. D'accord. Et en fait le problème c'est que tout le monde était au courant. Jusqu'à son meilleur ami, sauf elle en fait. Dans mais c'est, t'as remarqué, enfin je sais pas si t'as remarqué, mais c'est toujours comme ça. Hein. C'est-à-dire que le principal intéressé n'est jamais au courant. Ouais. Alors que tout le monde autour le sait, se fout de sa gueule. C'est mais toi t'es là au milieu et tu te dis bah je comprends pas, qu'est-ce qu'ils ont? Hein? Je comprends pas, qu'est-ce qu'ils ont? Et au final tu te rends compte et tu te rends compte effectivement que tout le monde se fout de ta gueule. Ouais. Et là au final c'est même pas tant que t'as été trahi par le, en l'occurrence là par le mec, c'est que tu sais qu'en fait tout le monde sait où tu ta gueule autour de toi. C'est grave. Et ça c'est beau. Bon. Et donc du coup Anaïs, il s'est passé quoi? Eh ben en fait le problème est que j'ai des sentiments pour lui en fait. D'accord. Du coup, mais il est toujours avec la meuf là après maintenant. Ah oui toujours et j'ai l'impression que c'est encore mieux qu'avant. Enfin au début. Ah bah oui mais ça en fait il a comparé, il s'est rendu compte que c'était pire ailleurs, du coup il préfère rester avec la première. Non. Je sais pas comment t'es au lit Anaïs. Non c'est pas possible. Généralement à quatre pattes mais bon. Merci. Non. Bon Anaïs, on va en parler dans quelques minutes. Reste avec nous, ne bouge pas de là j'ai envie de dire. Et puis bah si vous avez vous aussi peut-être déjà été trompé ou déjà est-ce que vous avez trompé, comment ça s'est passé, venez nous en parler, vous appelez Sandro au standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Tu restes avec nous Anaïs? Toujours. Parfait, ne bouge pas et puis on va te reprendre aussi en antenne pour avoir des numéros de téléphone de gens à appeler ce soir puisque bah, on va encore je vais encore réfléchir à un truc, à une idée pour que Toff puisse appeler pour faire chier les mondes. Oui, bah écoute, donc, tu sais moi je suis toujours prêt. Idées, hein. Bah si vous avez des idées, n'hésitez pas hein, donc bah on vous attend, voilà, bougez pas et puis oh déjà Déjà ah, le remix ou pas, je me tape. Remix. Je sais pas. Moi je veux bien. Parce qu'il faut que je le fasse en direct à chaque fois, c'est pas enregistré, on n'est pas des enfumeurs. À chaque fois c'est une version remix mais différente. Bon je sais pas. Il paraît qu'il y a des mecs qui les enregistrent toutes. Hein. Bah il paraît ouais. Bon bah hashtag et Mickaël, dites-moi, vous avez le temps de la pub et Dieu sait qu'elle est pas longue pour bah, vous décider si vous voulez la version remix de Britney Spears et Work Beach, remixée par moi-même bien entendu en live and direct. On revient juste après ça, c'est dans moins d'une minute sur Fun. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. No limit, Mickaël. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, allez soyez les bienvenus. Bon je sais toujours pas si on va faire la version remix de Britney Spears. Je allez, sais pas, j'hésite. Vas-y. Bah j'hésite. Bon et puis il y a la colle aussi toujours là, la colle. On me sent mais on ne me voit pas. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer maintenant. Vous envoyez tout simplement la réponse par SMS au 64 900. Donc vous débutez le message par M-I-K-L, espace la réponse, et vous envoyez le tout au 64 900 pour tenter de gagner votre PC portable. Pour la rentrée, ça peut être sympa un petit PC portable, hein, à la cool, pépère comme ça. Donc bah oui. Si vous avez la bonne réponse, hein, on me sent mais on ne me voit pas. Qui suis-je? Bonne chance. Bon, plein de messages qui disent on veut DJ Mimich, vous déchirez. Il y a Clem qui dit ouais, on veut Work Beach, la version remixée. Allez, vas-y, DJ Mimi. C'est un nouveau pseudo là. Et Louise qui dit oui, le remix. Bien sûr qu'on veut le remix by Mika, c'est Gabriel, il est mieux que l'original. Elle va être contente, tiens. Bon, ok, d'accord, ok. Je laisse une minute le temps de préparer mes sons et bah d'ici une petite minute, là, je vous cale la version remix de Britney Spears avec Work Beach sur Fun Radio. Voilà. Bon, bah, comme ça, vous l'aurez. Voilà. Faut juste que je me prépare psychologiquement là, je vais. Il se fait masser. Ouais, exactement. Ouais. Très bien, ça marche. Ah. Bon, je vais le faire dans un instant, là, bougez pas de là. Il est 23h16, c'est Mickaël No Limit, bienvenue sur Fun Radio. On est jusqu'à 2h. T'as mis au mot ta caractéristique sur ton front, connard. Mickaël No Limit. Allez vous faire foutre, il fait des têtes de con. Tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Oh, on est en direct sur Fun Radio, bienvenue là, je suis essoufflé, ce remix là en direct live. Ah bah oui mais ça m'a fatigué là. Il faudra filmer un jour vu la puissance de plus du truc. Attendez mais moi je vais poser, t'inquiète pas, moi je mets le petit le casque qui pousse et tout là. Non bien en mode DJ tout ça. Bon 23h20 sur Fun, on est en direct avec vous toutes et vous tous, bienvenue si vous venez de débarquer. Il y a Oregon aussi qui dit je suis nouveau, j'aimerais un message de bienvenue. Bah vous en avez eu plein là pour le coup hein, pendant le petit remix là. Mais allez, rien que pour toi. Allez vous faire foutre. Voilà Oregon. Charles qui dit au passage je kiffe le remix. Benji qui dit DJ Mimi mix tous les soirs dans Party Foon. Exactement. Tony qui dit toujours aussi excellent les remix de DJ Mimi. Ah j'ai eu un petit peu de mal au début, j'étais pas très chaud au début, puis finalement ça s'est bien passé. Il y a Julia qui dit ah tellement génial le remix. Alexandre qui dit salut je suis nouveau, est-ce que je peux avoir un petit message de bienvenue? Salton. Voilà c'est fait. Youssef aussi qui dit ouais je le veux ton remix. Il y a Poupette qui dit super le remix. Et Julia aussi qui dit tellement génial ce remix. Ah bah vous avez bien kiffé le remix apparemment, bah tant mieux alors. Et Léa aussi qui dit oui le remix en live il déchire. Et puis un message aussi qui est arrivé, Loïs qui dit oui pour le remix. Et ben voilà, on l'a fait le remix là. Et Lusitano aussi qui dit vous déchirez, j'aimerais avoir la boîte de la PS4 s'il vous plaît. Bah écoute ouais, alors je vous rappelle encore une fois qu'on vous offre nous, contrairement à d'autres radios qui prétendent offrir des PS4 mais sauf qu'ils les ont pas, bah nous on offre vraiment la boîte parce qu'on l'a. En revanche oui, nous avons vraiment les boîtes, nous ouais, avons la vraie boîte, elle est là, vous pouvez la voir d'ailleurs sur le Facebook de l'émission, on vous la offrira tout à l'heure avant la fin de l'émission. Venez simplement faire un like et un partage sur la page Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel, pour choper justement votre boîte vide bien sûr de la PS4 ou de la Xbox One. Y a moyen d'en gratter une? Non. C'est pour mon petit frère. Non, bah t'as qu'à jouer devant ton petit frère qui s'inscrit. Ah ouais. C'est tout. Non, y a pas de passe droit, hein. C'est pas la peine. Y a pas de passe droit. Bon voilà, donc si vous voulez la choper, cette magnifique. Elle est belle en plus, hein, belle boîte vide, magnifique. Ah, classe, franchement. Voilà, y a marqué comme toutes les autres boîtes que vous pouvez voir sur internet, réservez-la. Ouais. Hein, vous pouvez la réserver dès maintenant si vous voulez. Hein, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, donc allez-y, hein, n'hésitez pas, facebook.com/MIKL officiel. Et Lauriane aussi qui dit salut Mickaël, salut toute l'équipe. J'ai eu un flirt avec un homme marié, mais ils disent tous la même chose, qu'ils ont des sentiments et puis après plus de nouvelles, qu'elle fasse attention. Alors Lauriane, si mes souvenirs sont bons, Tof, elle était plutôt bien, on avait déjà fait un chiffre et lettre avec elle. Oui, oui, oui, non, elle est très très bien. Il me semble. Ah oui, oh là là. C'est le Y du Lauriane qui me fait rappeler qu'on l'a déjà eu à l'antenne, Lauriane. Bah, tu repasses quand tu veux, cela dit au passage. Papa aussi qui dit, Papa Scandy qui dit énorme leur mix. Je peux avoir le. Ta grand-mère, elle suce des nains. Oui, tu peux l'avoir. Attends une seconde parce que. Allez, moi j'ai plein de sons en fait, mais ils sont nommés pas tous comme il faut. Parce que bon, c'est le stagiaire qui fait ça, donc c'est pas toujours facile non plus. Où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est Bah, je te le mets dans un instant, le temps de le trouver, t'inquiète pas. Dès que je l'ai, je te le mets, y a pas de souci. Il doit pas être loin, il doit vraiment pas être loin. Mais il doit pas être loin. Bon, mais t'inquiète, je l'oublierai pas. Et puis, Will Remix, il déchirait. C'était quoi la colle, c'est Alexandre? Bah, la colle, c'est on me sent, mais on me voit pas. Qui suis-je? On en reparlera dans quelques minutes d'ailleurs. Bon, alors Anaïs, qui est de retour. Oui. T'as kiffé oui. le remix ou pas, comme tu le connaissais pas là? Ouais, franchement bien. Ah, bien, il était bien. Au top, non? Et ça m'a. Je suis des gouttes, hein. Attention, ouais. Il y a des gouttes qui coulent. Ah bah oui. Bientôt, ah bah c'est un vrai professionnel. Ah bah attends, mais ça m'a fatigué tout ça. Non, vraiment, hein, vraiment, vraiment. Il y a Maeva is the girl qui dit une boîte vide avec un pet tof dedans. Bah oui, pourquoi pas, ça peut être une idée. En plus, il est là, tout est là. Moi, je veux bien péter dans toutes les boîtes avant de les envoyer. Voilà, bah super. Il y a Dotby aussi qui dit mort de rire, une boîte vide, c'est pas mal comme cadeau. Et en plus, on vous l'envoie ce soir. Donc, si la poste gère bien, oui. Vous l'aurez d'ici deux jours, normalement. De 3 jours, grand max quoi. Allez, 3 jours, on dit 3 jours. Allez, 3 jours, voilà. Nanou qui dit mort de rire, la boîte vide, c'est sympa. Ce serait possible d'écouter Econ, c'est un caca bleu qui veut ça. Ben, on va essayer de te le mettre tout à l'heure, tiens, un bon vieux son d'Econ, tiens, pourquoi pas. Et puis, message qui dit, well, remix, il est chiré. Salut l'équipe, j'aimerais bien écouter Tsunami. C'est Christophe Lamif qui avait envoyé ça. Bah, pas de problème, on te le mettra le son de Dubs tout à l'heure. Le son de Dubs, pour ceux qui connaissent pas, c'est ça. Hein. Ça, tu connais quand même, Anaïs? Je sais pas, faudrait en mettre un petit peu plus d'extrait. Enfin, bah, c'est la même chose en même temps pour tout le titre. Hein. Ça fait Tsunami. Ta-da-da-da-da. Ça te voit pas ? Bon, bah, c'est pas grave, non, c'est quoi ? Oh, quel inculte. Je te ferai écouter tout à l'heure, je te ferai découvrir, Anaïs. D'accord. D'accord. Et Lilou qui dit, moi, je veux la boîte vide apportée par Toff. Oh, ça peut se négocier, hein. Bien sûr, je peux monter sur mon scooter. Exactement. Immédiatement. Ce grand scooter qui peut démarrer à tout moment car il est prêt, il y a l'essence, il y a de l'huile, surtout de l'huile. Et puis c'est parti, hein, il démarre directement. Voilà, en toute simplicité, bien sûr. Bon, Anaïs, tu nous avais appelé donc toi parce que t'appelles de Grenoble, mais c'est pas ça le souci a priori, mais simplement parce que t'as couché avec le mec d'une fille que tu côtoies. Voilà. Bon, exactement. T'arrives encore à la regarder dans les yeux? Ah bah oui, parce que je... Ah ouais, oui. Parce que j'en ai rien à foutre, hein. Moi j'ai... C'est scandaleux. Aucun problème avec comment ça. Comment tu peux faire ça? Moi je me suis foutu de sa gueule, mais aucun souci, hein. Alors que des mecs célibataires, il y en a des milliers. Exactement. Moi, toi. Oui, il y en a des milliers, mais... Ouais. Oui, mais pourquoi aller sur le mec qui a déjà une gonzesse? C'est ça qui me fait chier, moi, ça me saoule. Mais oui. Tu vois ce que je veux dire? Il est pris. Bon, il est pris. Il est pris, voilà, voilà. Tout simplement. Il est pris qu'il croyait prendre. Merci Sandro. Avec plaisir. Bon, Anaïs, Sandro, ça t'est déjà arrivé toi, je parie, de coucher avec un mec déjà pris? Non. Oh, allez, arrête. Ah bah, où je le savais pas, mais... Oui, non, parce que là, elle le savait, Anaïs. Mais moi, hein, je suis novice en même temps. Mais Anaïs, c'est dégueulasse quand tu sais ça en plus, là. Oui, mais au début je savais, mais on s'est mis d'accord. Non, on s'est mis d'accord de rien. T'avais qu'à lui dire, ok, moi, ben, tu m'intéresses, tout ce que tu veux, mais dégage-la, oui. Pardon, avant que je prenne ma place. Vous savez pas toute l'histoire. Alors nous sommes toutes oui, Anaïs, écoute. Eh bien, du coup, on s'est rencontrés dans une soirée. Oui, cool, voilà, très bien. C'est passé ce qui s'est passé. Mmh. Et ensuite, il a quitté sa copine. Mais okay. Le truc, c'est que elle a pas accepté la rupture. Et en fait, son frère était là pour lui dire « Mais te mets pas avec elle, c'est pas une fille bien pour toi. » Du coup, il s'est remis avec sa fameuse copine. Ouais, là, le mec, c'est un peu casse-couille. Là, il est un peu casse-couille, effectivement, ouais. Bon, voilà. Bah, alors, d'accord. Alors, je suis d'accord, t'es peut-être pas pour grand-chose non plus. On va quand même demander aussi l'avis de Charles, qui est avec nous du Mans, maintenant, dans la Sarthe, là. Salut, Charles. Salut, ça va bien quoi l'équipe? Ah bah ça va bien et toi? Salut, Charles? Ah, fais calme, on est là. Hein. Un petit message de bienvenue? Ouais bah s'il te plaît. Bah, avec plaisir. Sale con. Voilà. Je t'en remercie, c'est gentil. Bah écoute, avec grand plaisir. J'en ai un autre si tu veux, mais celui-là il est violent. Tu veux ou tu veux pas? Vas-y. D'accord. Et dans ton cul au connard. Voilà, sinon j'ai. Te nique t'as. Ah, voilà. Sympa. Bah, sympa, avec j'aime plaisir. Bien. Tu sais bien que nous on est toujours là. Ah sur... bah ouais, on est là pour ça. Hein, bah le bon accueil, tout ça. Enfin on est bien quoi. On est à la cool. Bon, non, alors ouais. Charles, sois le bienvenu. 19 ans du Mans, donc tu voulais réagir aussi à Anaïs. Alors est-ce que tu as déjà trompé ou est-ce que tu as déjà été l'enfoiré qui était l'amant d'une meuf ou au contraire on s'est foutu foutu de ta gueule. Non, parce que justement, dès que t'as dit ouais, les mecs ont trompé, j'ai appelé direct. Ah, parfait, bah écoute, sois le bienvenu. T'as vu, t'as appelé direct et passé direct. Alors on t'écoute. Ah, ouais, non, c'est cool. Bah écoute, en fait, si tu veux, c'est simple, ça remonte à quoi? Ça remonte à il y a deux semaines. Ouais. J'étais avec une meuf, et puis donc en fait, j'ai couché avec deux de ses meilleurs amis en même temps. D'accord. C'est ce que je savais pas, c'est qu'en fait, ces meilleurs amis-là, ils ont décidé de me la mettre à l'envers. Ouais. Elles m'ont tous les deux envoyé un message le même soir, elles ont dit oui, hier soir c'était trop bien, j'aimerais qu'on recommence tout. Puis tu sais, moi j'étais foncé, j'étais en boîte, j'ai dit vas-y, c'est parti, on recommencera quand tu veux et tout. Donc en fait, ma meuf, c'est qui j'étais, t'as calme-toi là, ouais, attends, parce que tu t'es emballé. Reste calme. Tu vas nous faire un infarctus. J'en suis à deux de ses amis. Ouais, ça, c'est moi aussi, grosso modo. Charles, est-ce que tu pourrais pisser dans le petit pot? C'est juste pour vérifier ce que tu prends. Pas dopé. Non, justement, y a rien. S'il vous plaît, là, on surveille là, la radio pour pas qu'il y ait des gens dopés. Bon, il y a la brigade, attention. Ah merde. Bon, et donc du coup, on en était avec les deux amis. Voilà, donc en fait, j'ai couché avec les deux. Ouais. Et, sauf qu'ensuite, après, ces deux-là, en fait, elles l'ont appris que moi, je sortais avec leurs potes. Ouais. Donc du coup, en fait, le même soir, elles étaient tous les trois en boîte le même soir. Et puis, elles m'envoient un message, comme ça, les deux avec qui j'ai couché, elles m'ont fait, oui, hier soir, c'était trop bien, nanana, j'aimerais qu'on recommence, tout ça. Puis moi, tu sais, j'étais en boîte aussi, j'étais un peu fumé. Je fais, vas-y, on recommencera quand tu veux, mais ce soir, je suis chaud et tout. Sauf qu'en fait, les deux meufs, elles étaient avec la meuf avec qui j'étais normalement. Oh, elle est belle, hein, franchement, elle est belle. Enculé, salope. Ah, tu leur as dit ça ou pas? Non, même pas, non. Ah, mais tu l'as pensé très fort. Ah ouais, j'aurais dû, ouais. Mais ah bon. Bah oui, ah, ça se fait pas là quand même. Mais ça se fait pas. Vous êtes grave, hein. Non, si, ça se fait pas. Attends, elles ont couché, ça se fait c'est pas. C'est ça, ouais, voilà, ça se fait pas. D'après, ça se fait pas, je veux dire, ça se fait pas. Voilà, bah, elles sont copines, c'est normal qu'elles se le racontent. Mais non, ça se fait non, pas. Attends, ça se fait pas. Non, elles auraient pas dû. Voilà, c'est ça, ça se fait pas. C'est malhonnête. Moi, j'aurais pu avoir trois, maintenant j'en ai qu'une. C'est malhonnête. Et oui, c'est malhonnête de leur part. Ah oui, merde. Et t'as réussi à en garder qu'une quand même. Ouais, c'est la même, d'ailleurs, elle a côté de moi dans la voiture. En plus, bah passe-la-nous, Charles. Attends, Charles, passe-la-nous et on va la prendre juste après Selena Gomez. Bouge pas. Comment elle s'appelle? Adeline, bah on va te reprendre, Adeline. En plus, enfin, Adeline, te reprendre. Oui, bah bien sûr. Adeline, ça rime avec pin. Bien entendu, évidemment. Bah oui, voilà, c'est bah oui, évidemment. Bon, Richard, reste avec nous, Anaïs, ne bouge pas. On aura Romain et Émilie également. Vous êtes là tous les deux? Oui. Ça va bien? Oui, ça va. Bon, Émilie, 23 ans de Bordeaux et puis Romain, 24 ans de Nîmes. Comment ça va? Romain, lui, il est décédé. Hein. Oui. Romain? Ah non, ça va, très bien, il est de retour. Salut Romain, bouge pas, on va parler avec toi dans quelques minutes. Vous vouliez aussi réagir par rapport à Anaïs. Et puis on aura aussi d'ailleurs tout à l'heure le chéri, je peux te faire cocu. Vous savez que c'est le lundi, hein. Bah oui, c'est vrai. C'est le lundi, le chéri, je peux te faire cocu. Et on va vous en mettre un tout à l'heure. Évidemment, si vous voulez participer, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez encore vous inscrire maintenant, bien sûr. Vous appelez Sandro au standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Des cadeaux à la clé, je vous explique comment ça se passe d'ici quelques minutes. Le temps de se faire le son de Selena Gomez avec Slowdown. Et juste après, on parlera également j'ai trouvé un bon plan pour Toff là, pour les appels. Now that I have captured your attention, baby, slow down the song. Venez foutre le bordel tous les soirs. Tu me dégoûtes. No limit. Fun radio. Nickel, no limit. And fun radio. Sur Fun Radio, il y a Kawet qui a envoyé un message sur le Twitter là avec le hashtag et Mickaël. Elles ont bien fait, même si elles n'ont pas géré, du fait qu'elles couchaient avec lui. Ça, c'était par rapport au sujet de Charles. Hein. Donc Charles qui s'est tapé deux meufs, il a réussi à en récupérer une qu'on va voir au téléphone dans quelques minutes. Julia qui dit coup de pelle pour lui, il parle trop vite là. On n'a pas le temps. En tout cas, il s'est bien fait niquer la solidarité féminine et le coup de pelle, évidemment, avec plaisir. Hop là, c'est fait, c'est le premier de la soirée. Julien qui dit tof, il s'est dopé, ça c'est sûr. Et Lilou qui dit pareil, il y a quoi de bandant à baiser avec un mec déjà pris? Moi, j'apprends qu'une meuf a couché avec mon mec, je l'égorge. Ah oui, carrément. Donc, ok, très bien, ça c'est noté. Et puis Henri qui dit demain, éval d'histoire, heureusement que vous êtes là, je serais mort sinon, Mickaël, pour me remonter le moral sur Fun. Avec plaisir, Henri, mais merci d'être là aussi. Et puis Megumi qui dit, je suis un peu d'accord avec Polo, aucun intérêt de draguer un mec pris, s'il est pris, il est pris, tout simplement. Et Yumi Closer qui dit, c'est mon anniversaire, dans une heure, passe la chanson de l'anniversaire. Bah, dans une heure. Bah ouais, avant ça sert à rien. Ah bah oui, c'est avant l'heure, c'est pas l'heure. Bah exactement. Donc tu nous redemanderas dans une heure, je compte sur toi. Comme ça au moins on est sûr que t'es encore avec nous. Et Henri qui dit quel cochon. Ah là là, bah oui. Bon, on va en parler. T'es toujours avec nous, Anaïs, hein? Oui, toujours. Oui, très bien. Dis-moi, pour faire les appels de Toff dans quelques minutes, il y a encore Émilie, toujours là, Émilie aussi? Oui, toujours. Charles, pareil? Normal. Parfait. Alors, je viens de recevoir un mail de Florian de Liège qui proposait qui avec les 8 choses que les gens préfèrent au sexe. Donc, c'est-à-dire, en gros, qu'est-ce que vous feriez pour en échange du sexe. Donc, c'est-à-dire que vous ne pratiquez plus la relation sexuelle pendant un temps en échange de quelque chose. Et donc, 12% eh bien, seraient prêts à ne plus avoir de relation sexuelle contre une bonne nuit de sommeil. Mais que dalle, moi, je préfère baiser, pas dormir. Hein. Bah ouais. Ouais, la même. Hein. Eh, pareil, et toi, Émilie, Anaïs? Ouais, moi pareil. Pareil, très bien. 33% des sondés préféraient également se passer de sexe que de téléphoner pendant une semaine. Ah, moi je préfère pas téléphoner même pendant un an hein, pour baiser. Bah, ouais, la même, pareil, c'est de ouf. Attends, qui c'est qui envoie un message en morse? Non, parce que j'entends. Ah, c'est moi, je fais mon téléphone. Aidez-moi. C'est un message du Titanic qui arrive ou il s'est passé quoi là? Bah, justement. Ah bon, d'accord. Bon, ils l'ont retrouvé, ça y est. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, et vous les filles, Anaïs, Émilie, est-ce que vous seriez prêtes à vous passer du sexe pour le téléphone pendant une semaine? Non. Qui a dit oui? Anaïs? Ah oui. Ah, toi t'es capable, d'accord, ok. Alors, il y a aussi la majorité des étudiants qui préfèrent avoir de bonnes notes plutôt que de s'envoyer en l'air. Ah non, moi je préfère m'envoyer en l'air. Attends, redoubler deux fois et baiser avec tout le monde. Bah oui, alors j'en ai d'autres, hein, je le lirai au fur et à mesure de l'émission. Et 43% des Canadiens sont prêts à abandonner le sexe pour du bacon. Alors là. Bah, non. Hey, c'est vraiment qu'est-ce des Canadiens. C'est Canadien. Bah oui, attends. Qu'est-ce que ça veut dire cette Canadienne? Pourquoi tu abandonnerais le sexe pour avoir du bacon? Pour du bacon quoi. Du bacon quoi. C'est ça, moi j'y changerai jamais un laidron pour du lard. Hein. Et vous les filles, Anaïs, Émilie? Ah ouais, j'ai compris la question. Bah, en gros, il y a les Canadiens, 43% des Canadiens interrogés sont prêts à se passer de relations sexuelles à condition qu'ils peuvent continuer à manger du bacon. Non mais j'aime pas le bacon. Bon bah ça résout le problème effectivement. Bon bah très bien Émilie. Bon bah dites-nous les autres hein, qu'est-ce que vous seriez prêt à faire, enfin à avoir plutôt en échange du sexe. Donc, enfin ouais, je me suis mal exprimé. Donc en gros vous on vous propose quelque chose contre le fait d'être de faire abstinence au sexe. Donc par exemple Sandro, je te dis bah soit t'as plus de relations sexuelles mais par contre pendant une semaine, mais du coup tu peux téléphoner pendant une semaine ou avoir internet pendant une semaine ou je sais pas moi partir en vacances pendant une semaine mais pas de sexe en échange quoi. Ah oh, une semaine ça va quand non, même. Mais hein. Ça peut être une semaine, 15 jours, un mois, une vie, ça dépend de la monnaie d'échange. Tu parles à la meuf qui a plus fait l'amour depuis un an. Ouais, c'est pas un fou. An, t'es gentil, ça fait 3 piges. Ouais. 3 ans. Bah. C'est long ça. Oh là là. Attends, on va voir. Bah, écarte tes jambes, Sandro, là, pour voir. Non. Ah ouais, ah, mais il y a bien 3 ans, là. Ah ouais. Non, ça fait un an, mais la dernière relation, elle compte pas. On t'entend mal, hein, il y a la mouche. Ouais, bah laisse-la. Enfin, il y a les mouches, là. Oh, et puis il y en a plusieurs, en plus, hein. Les mouches vertes. Les mouches à merde. Ah, j'ai dit qu'il m'a galère. Elle est revenue. Attends, elle va se poser. Si elle se pose, je la nique. Aïe! Oui, bah il fallait la taper, hein. Je suis désolé, mais il y a un moment il fallait se débarrasser de cette mouche, je suis désolé. Oui, beaucoup d'appels aux standards d'entreprises qui veulent venir faire le nettoyage à l'intérieur. Ouais. Pas de problème. Et disponible le numéro 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 pour la Belgique. Si vous voulez faire le nettoyage, n'hésitez pas. Bah du coup, Tof, on va faire quelques appels dans quelques minutes. Mais on y va quand tu veux. Moi, bah écoute, chaud, d'ici quelques minutes, le temps de prendre le numéro de téléphone. Si vous en avez d'ailleurs des numéros de téléphone à donner de gens qu'on pourrait encore faire chier à cette heure-ci qui sont encore debout, eh bien, vous faites un mail à Tof, toph@funradio.fr. Bon, Charles, est-ce que ta copine est là? Ouais, mais elle veut pas en parler, elle assume pas. Ah non, Adeline. Adeline, elle fait chier, elle veut pas. Elle est partie, elle est sortie de la voiture, elle est partie. Allez, non, je suis déçu là. Bah ouais, bah moi aussi, très. Bah oui, c'est un peu normal. Hein. Bah attends, c'est un peu normal. Donc je rappelle l'histoire. Hein. Donc Anaïs nous avait appelé parce qu'elle a couché avec le mec d'une fille qu'elle côtoie. Charles nous a rappelé en disant bah ouais, mais moi aussi, moi je me suis tapé 2 meufs, elles en ont parlé, du coup j'en ai gardé qu'une seule. Ce qui est déjà miraculeux, Charles, hein, au passage. Ce qui est déjà bien. Sur les 3, effectivement, ouais, tout à fait. Et donc du coup, bah en gros, donc t'es encore avec elle aujourd'hui, ça se passe bien malgré qu'elle n'ose pas nous parler. Bah écoute, ouais, là, ça se passe pas trop mal. Hein. Bon bah écoute, très bien. Alors Émilie également qui est avec nous, là, 23 ans de Bordeaux. Émilie, comment ça va? Ça va bien. Bon, toi aussi, t'as déjà été trompée, tu as trompé, tu étais la maîtresse dans un couple, comment ça s'est passé? J'ai été trompée. Ah, tu as été trompée, je vais vérifier. Laisse-moi vérifier pourquoi. Combien mesures-tu? 1m60. Combien pèses-tu? 47 kilos. Faut manger maintenant, hein? Mais non. Quel est ton tour de poitrine? 85D. Ah, D comme... B comme B comme bien aussi. Oui. Et la taille des pantalons? Comme bas mal. Au bas mal. Comme bas mal. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Ou bas 38. 38, ah oui. Qu'est-ce qu'elle est bonne, qu'est-ce qu'elle est bonne. Attention, j'annonce, nous avons deux bonnes dans le standard. Bonne. Voilà, Émilie, Anaïs. Oui. Bonne. Non, je disais qu'on avait deux filles plutôt mignonnes dans le standard. Je l'avais dit de manière un peu plus vulgaire, mais dans l'absolu, ça voulait dire ça, effectivement. Et donc ce n'est pas à cause de ton physique. Non, hein, bah c'est pas à cause de ton physique, Émilie. Au contraire, il est même plutôt un peu con, en fait, ton ex. Hein. Ben en fait, apparemment, il est infidèle avec toutes, donc ah ouais, moi, d'accord. C'est pas ma faute, quoi. Non, mais très bien. Tu l'as appris comment? Ben en fait, ça faisait 5 mois que j'étais avec, et son ex n'arrêtait pas de me dire qu'ils couchaient encore ensemble, et je voulais pas la croire. Ah. Et un jour, à force qu'elle me le dise, je doutais, et du coup, je lui ai dit, dis-moi la vérité, t'inquiète pas, je te pardonnerai, tu peux me le dire, et il a tout avoué, cet abruti. Effectivement, il est con. Donc, et où tu dis, bah, effectivement, qu'est-ce qu'il est con. Mais oui. Il s'appelait Charles, non? Il s'appelait pas Charles, non, des fois que... Non, du tout. Oh merde, attends. Putain, tu t'es reconnu Charles pourtant, non? C'était dans l'appareil. Sauf que moi j'ai eu du mal à avouer même. Ah oui, mais jamais avoué, hein. Je vous en parle aussi, jamais avoué. Bon, attends, Charles, reste avec nous, on va encore essayer d'avoir ta copine quand même. Émilie et Anaïs, restez là aussi, les filles. On va revenir dans quelques minutes avec le son de Pitbull. La grosse tuerie du moment avec Kesha sera Timber. Et puis Jerry, je peux te faire cocu également, qui arrive sur Fun. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900. Sur Fun Radio. Sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Mickaël, No Limit. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio, je vous rappelle également qu'on sera à la Paris Games Week, hein. Ce sera la fin du mois d'octobre, c'est le 29 si mes souvenirs sont bons. Vous pouvez évidemment aller voter pour le jeu vidéo de l'année. Quel est pour vous le jeu vidéo qui déchire tout et qui a tout déchiré Pac-Man. Cette année 2013? Ouais, c'est drôle ça. Bah n'hésitez pas, funradio.fr, ou alors vous allez sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel, et vous allez pouvoir peut-être gagner votre console au choix. Vous allez pouvoir choisir celle que vous voulez gagner. Et puis venez également nombreux à la Paris Games Week, vous allez pouvoir tester avant tout le monde la PlayStation 4 et la Xbox One qui ne seront pas encore sortis à ce moment-là et qu'on vous offrira, vous allez pouvoir la tester. Et attention, je vous offre la boîte vide également, hein, la boîte vide, puisqu'il y en a d'autres là qui proposent de faire semblant de vous faire gagner la PS4 alors qu'en fait elle ne sortira pas et qu'elle sort avec Fun Radio, donc pour le coup il n'y a que sur Fun Radio que vous allez pouvoir la choper. Donc si vous voulez la gagner, cette boîte vide, car nous avons la boîte vide, hein, n'hésitez pas évidemment, eh bien venez dès maintenant sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Est-ce que vous êtes prêts? Tout le monde monte sur son cheval. Allez. Et attention, c'est Pitbull maintenant en version Texas, tiens, avec Kesha et Timber, bienvenue sur Fun. Et Pitbull à l'instant sur Fun, c'était avec Kesha et c'est Timber surtout. Venez foutre le bordel tous les soirs. Fun Radio. Ouais, et il y a des messages qui arrivent aussi. Il y a Youssef qui dit je l'ai sur mon tel depuis deux jours, je la kiffe, le dernier son de dernier titre de Kesha. Merci à toi de me faire découvrir. Avec plaisir, Youssef. Il y a Saphir aussi qui dit continue à nous mettre du son lourd comme ça, je suis à l'armée et de garde toute la nuit, il me faut des forces. Bisous à l'équipe, c'est Saphir. Merci Saphir. Et bah merci d'être à l'écoute de Fun aussi, Saphir. Si on m'offre, ah oui, parce qu'on avait demandé aussi, c'est on va faire les appels de Toff après minuit pour faire chier le monde. Donc si vous avez des numéros de gens qui sont encore debout à ce site, toph@funradio.fr. Surtout ceux qui sont un peu chauds, hein. Oui, pas, que les gens qui sont sympathiques, qui vont dire des choses gentilles. Exactement. Qui vont montrer leur amour. Voilà, par exemple, qui vont dire ça, quoi. Une grosse salope. Voilà, où ça? Ouais, elle m'habite sur ton front. Voilà. Et ta mère la pute, est-ce que je la baisse tous les soirs, sale bâtard? Voilà, par exemple, quoi. Voilà des gens dans cet état d'esprit-là. Plein de paix et d'amour. Et d'ailleurs, Toff, je lui ai proposé d'appeler des gens dans quelques minutes pour voir ce qu'ils seraient prêts à faire. Les 8 choses que les choses que les gens préfèrent au sexe. Voilà, qu'est-ce qu'ils préfèrent par rapport au sexe? Eh bien, on va les appeler dans quelques instants. Et puis, je vous avais demandé votre avis aussi, là. Si on m'offre la Abarth Punto Evo, je nique pas pendant une semaine. Bisous à tous, je commence tout à fait dans la bonne humeur. Bon, écoute, très bien, mais Fiat, c'est la vieux rôle, là, non? Non, il y a la nouvelle. Il y a la nouvelle. Ça vaut qu'un 15-20 000. Hein. D'accord, ok, je sais pas. Et pour 15-20 000, je veux bien paniquer pendant une semaine. Oui, d'accord. Et Guillaume qui dit, nous, les Canadiens, on adore le bacon, mais on pourrait pas se passer de sexe. Vous êtes poche à dire ça. J'imagine, vous êtes fou à dire ça. Vous ou... êtes poche, dis. Bah, vous êtes... Ah, mais Guillaume, ça veut dire quoi, vous êtes poche? C'est quoi l'expression? Non, mais en même temps, entre le bacon et le cul, je m'excuse. Et c'est dans l'enquête, hein, 43% des Canadiens sont prêts à abandonner le sexe pour du bacon. Hein. C'est pas nous qui l'avons inventé. Hein. Bah non. Et Julien qui dit, vite, vite, le chéri, je peux te faire cocu, je kiffe. Et la PS4, super la boîte vide. On est prêt là, chaud, chaud. Eh bah ouais, on va se faire le chéri, je peux te faire cocu avec Jennifer dans quelques secondes. Et puis, je vous rappelle que si vous voulez choper la PS4, évidemment, la boîte vide, évidemment. Hein, parce que nous, on vous offre la boîte vide, mais on l'a vraiment. Hein, pas comme ceux qui pensent offrir des PS4 qui n'ont pas. Donc la PS4, la boîte vide ou la Xbox One, la boîte vide également. On vous l'offre maintenant. Vous allez sur le Facebook pour nous rejoindre. facebook.com/michaelofficiel. Et avant le chéri, je peux te faire cocu, on accueille encore une fois Ruben avec nous maintenant là pour la colle. Ruben, t'es là? Ouais, ouais, je suis là. Bon, avant le chéri, je peux te faire cocu, Ruben. On va se refaire un petit coup la colle là. Hein, ok, pas de problème. Bon, alors, allez, c'est parti. Vas-y, répète, Ruben, pour gagner un PC portable. Pas de problème. Alors, PC portable, évidemment, qui se trouvera lui dans la boîte. Attention. Hein. C'est pas une boîte vide de PC portable, c'est un vrai PC portable qu'on vous offre. Vas-y, répète, Ruben. On me sent, mais on ne me voit pas. Qui suis-je? On me sent, mais on me voit pas. Qui suis-je? Il y a Lucas qui proposait un paix. Non. D'accord. Il y a Jack qui dit proposait un fantôme ou une odeur. Non. Non plus. Damien qui proposait de l'huile essentielle. Non. L'amour pour Stéphanie. Non plus. Il y a Charles qui dit on me sent mais on ne me voit pas, un P ou un nain. Quel rapport avec un... Non. Jordan qui propose un parfum, le souffle. Non. Le monoxyde de carbone. Non plus. Le son. Non. Non, il y a Poops qui dit aussi je te donne la réponse mais garde-la pour toi, c'est une grenouille qui fait caca. Non plus. Non mais je l'ai pas gardé pour moi, t'as vu, mais bon, en même temps c'est pas la bonne réponse. Bon, bah si vous avez la bonne réponse, vous, à vous de jouer, le PC portable sera peut-être pour vous. Et puis profitez parce que hier on était là de 20h à minuit, donc forcément il y a plus de gens. Là maintenant, minuit et demi, vous êtes à la cool. Hein, donc si vous voulez gagner votre PC portable, vous avez plus de chances que le dimanche soir, puisqu'il y a moins de monde forcément. Donc vous envoyez simplement M-I-K-L, les 4 lettres, espace la réponse, au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Ruben? Ouais. On me sent mais on ne me voit pas. Qui suis-je? On donne la réponse avant minuit 30 et je rappelle que si quelqu'un trouve la bonne réponse et qui décroche quand on l'appelle, c'est lui qui gagne. Et si jamais personne ne la trouve, Ruben, c'est toi qui pars avec le PC portable. D'accord? Nickel. Attends, on t'emballe pas, c'est pas fait encore. Hein. Ouais, voilà. on On me sent mais on ne me voit pas. Qui suis-je? Vous envoyez Mickaël la réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. C'est aussi simple que ça. Bon, il y a les teubés de la télé qui vont débarquer, les appels de taf, et puis on va se faire le chéri, je peux te faire cocu. Hein. Principe du jeu est très simple, pour gagner des cadeaux, il faut piéger votre copain ou votre copine. Vous lui faites croire, par exemple, eh ben, que vous êtes tombé sur un mec, par exemple, en boîte, qui vous a proposé de coucher avec vous, bah, juste un soir, comme ça, voilà, vraiment juste un soir. Et donc, comme vous êtes plutôt une fille cool ou un mec bien, eh ben, vous appelez votre copain ou votre copine pour lui demander l'autorisation. Voilà, normalement. Comme avec Jennifer qui est avec nous là. Salut Jennifer! Salut Jennifer! Salut! Ah, Ça va. Bon, t'appelles pourquoi? Bah en fait, j'aimerais faire à mon mari un chéri, est-ce que je peux te faire cocu? Ah, très bien, tu as choisi la bonne radio, la radio qui a lancé le chéri, je peux te faire cocu, je tiens à le rappeler. Et nous allons donc jouer maintenant. Alors le principe du jeu, c'est très simple, il va falloir que tu appelles ton mec en l'occurrence, à moins que tu sois une femme qui aime les femmes. Non, je suis une femme qui aime les hommes. D'accord, ok, très bien, parfait. Et bah tu vas lui faire croire que t'as rencontré un mec, en l'occurrence moi, Michel, grand, beau, fort, ouais, intelligent, bien sous tout rapport, gentleman, beau gosse, enfin bref, la totale. Hein. Ok, pas de soucis. Bon, est-ce qu'il est plutôt du style à s'énerver relativement rapidement? Ouais, je pense que... Alors au début il va me dire c'est une blague, tout de ma gueule, je pense. Ouais, mais t'inquiète pas, une fois qu'il va m'entendre, il va plus trouver ça drôle. Et bah là je pense qu'il va gueuler quoi. Ça va très bien. Alors vous savez, depuis la semaine dernière j'ai trouvé mes nouveaux sons avec les nouveaux amis de Tof. Hein. T'es une grosse salope. Voilà, c'est ça, enfin il y en a plein hein, qui va prendre. Et ta mère la pute, est-ce que je la baisse tous les soirs, sale bâtard? Voilà, enfin bref, tout est là. J'adore celui-là. Ouais. Je le veux celui-là. Donc voilà, tout est là, évidemment, il n'y a pas de problème. Alors, on va y aller. Vous avez des enfants ou pas? Vous habitez ensemble? Ouais, on habite ensemble et on a 3 enfants. Ah ouais, vous êtes bien. Ah ouais, 27 balais, Jennifer, t'as pas chômé toi, hein? Ah non, j'ai commencé, j'avais 18 ans. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, eh ben écoute, on y va Jennifer, on appelle ton mec, il s'appelle comment? Ludovic, très bien. Donc moi c'est Michel, on est chez moi à la maison. Et puis à un moment, bah, je vais mal te parler. Enfin bref, normal quoi. Moi ce que je suis un gentleman, mais un peu un connard aussi. Allez, on y va, on l'appelle, bonne chance. Merci. Vas-y Jennifer. Oui, allô? Oui, mon cœur, c'est moi, ça va? Oui, toi? Oui, ça va. En fait, il faut que je t'avoue quelque chose. Tu sais, il y a 15 jours, quand je suis sortie avec Angel ou Titi,

Bah oui. De toute façon, c'est ça que ça sert, les gonzesses, hein. Faut pas se leurrer. Il y a de la poussière dans sa maison. Ouais, ben on s'en fout, hein. Bah justement. Si, ça sert à élever les enfants, ça sert à bouffer, ça sert à pomper, ça sert à tout, quoi, voilà. Ah, bah, ça va, ouais, bah, dis, je m'excuse, Monseigneur Dieu. Oh, je m'excuse, Monseigneur Dieu. Mon beau Michel que j'aime par-dessus tout. Bon, mon beau Michel que je... Voilà. Non, que j'aime par-dessus tout. Mon beau Michel voilà. Que j'aime par-dessus tout. Mon bon Michel que j'aime par-dessus tout. Bon, Ludovic. Oui. Bon, fais-moi un poème et on arrête là. Non, mais, c'est bon. Enfin, je vais te faire des conneries. Bon, c'est bon, tu peux me la repasser? Ah, je te la repasse, attends une seconde. Oh, pardon, excusez-moi. T'as trouvé un vrai pauvre. Bon, ouais, mais il est pas mal physiquement, en fait. Il y a pas plus physique. Ouais, mais je me disais, au bout de 10 ans, on pouvait un peu s'amuser dans notre vie de couple, quoi. C'était un peu pour pimenter le truc. Bah, va te faire enculer, connard. Oui, bah toi aussi, va te faire enculer. T'as que ça à foutre, tête de mort. Mais tu m'écoutes, là, au lieu de répondre à leur à ces conneries, là. Espèce d'enculé, va. Ouais, bah, toi aussi. Ouais. Bon, je sais pas combien vous êtes là-dedans, mais... Bah, on est assez nombreux, là, Ludovic. T'es sur Fun Radio, là, c'est Mickaël. Non. Mais si. Oh, ça va bien. Ça va, Ludovic? Oui, ça va. Eh, mais mec, moi, je l'aurais insulté, l'autre connard qui me demande de lui dire Dieu. Moi, je lui aurais mis une patate. Bah oui, mais il est pas en face de moi, il est que au téléphone. Ah oui, c'est vrai, effectivement, oui. Donc, tu peux me redire Dieu, s'il te plaît? Dieu. Ah, très bien. Finalement, c'est un bon Jennifer, hein, faut le garder. Hein, ouais. Il est pas mal, hein. Non, il est pas mal, effectivement. Un peu mou. C'est vrai, ouais. Mais il était sous le choc, c'est possible. Ouais, bon. Ouais. Bon, ben merci en tout cas, Jennifer Ludovic, on vous envoie votre écran plein, LED Full HD, bref, tout le bazar, d'accord? Ok, bah, merci. En plus, j'avais déjà entendu ça à la radio, mais bon... Ah, en plus, Ludo, donc t'as vraiment aucune excuse. Hein. Oh là là, je roule souvent de nuit. Ah ben voilà. J'entends ces trucs-là et puis... Eh ben voilà, très bien. Bah, écoute, t'as vu, heureusement, n'empêche finalement que tu nous l'as pas dit parce que sinon t'aurais pas gagné l'écran, ça aurait été con. Bon, ouais. Allez. C'est moi qui s'est fait piéger cette fois-ci. Eh ben voilà, salut Ludo. Ouais, salut. Bon, et puis si vous voulez, il y a quand même un truc sur lequel je voulais revenir, c'est le fait qu'il avait picolé un peu, non? On dirait, ouais. On dirait qu'il avait un peu le vin rouge. Moi, hein, j'ai pas osé demander, mais... Mais on aurait dit, oui. En fait, après. Bon, il y a plein de messages, il y a Choula qui dit « Un peu soumis sur les bords, le mari », il y a Tony qui dit « Juste terrible, ça t'appelle, Stéphanini, fais-moi un poème, quel tueur, ce Michel, quel casse-couille, ouais. » Julia aussi qui dit « Oh non, mais le gars subit de ouf, mort de rire, il s'est vraiment excusé. Je m'excuse, monseigneur, mort de rire, il est culte, celui-là. Il y a Mesutozil qui dit « Monseigneur, mort de rire. » Kawaii qui dit trop mignon, tout ça pour qu'on touche pas, on touche pas sa chérie. C'est vrai, mais elle était pourtant sa nue à mes côtés. Hein. Ouais. Ah, il faut le savoir. Il y a Maïdig qui dit la réponse à la colle, c'est la douleur. Non, c'est pas ça, je pense, Maïdig. Benji qui dit le mec, presque il dirait s'il te plaît de pas baiser ma meuf, s'il vous plaît. Il y a Julie qui dit ça, c'est un mec mort de rire. Megumi qui dit excès de mollet sous le vin rouge, peut-être. Bah voilà, c'est ça, exactement. Le mec répondait à tous les samples, mort de rire, c'est Soon Soon. Vous êtes complètement fou, Mickaël. Continuez comme ça, c'est Romain, pas Romain. Il y a Chupli de rire, c'est Poupette. Julie qui dit ah, comme il a dit, tu vas te soulager tout seul, Michel. Oui, là, ce soir, clairement, oui. Je pense qu'effectivement, on est au taquet. Léa qui dit, il n'est pas net, c'est des barres. Et Ludovic qui dit, je suis plié en deux, là, trop mal au ventre. Et Miss Mello qui dit, un des rares chéris, je peux te faire concu qui ne se finit pas en orgie vulgaire. Il était très cool, le type. Oui, bah, écoute, on fait avec ce qu'on a. D'ailleurs, ouais. Si vous voulez jouer, on remettra le couvert la semaine prochaine. Si vous voulez gagner vos cadeaux, il y avait des écrans plats ce soir. On aura également des caméras numériques, si vous voulez, la semaine prochaine. Et bien, vous envoyez tout simplement maintenant un mail, Sandro, sandro@funradio.fr. Ou alors vous appelez le standard de Fun 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Merci pour votre patience, Romain, Émilie, Charlie, Anaïs. On se met le son d'Avicii et on reparle avec vous juste après, d'accord? Pas de problème. D'accord. Parfait, merci. En plus, c'est bien de garder Anaïs et Émilie dans le standard. Hein. Vu qu'on a fait le tour du propriétaire, oui, tout à l'heure, mais on a, oui, vu que c'était quand même plutôt agréable de les garder. Je préfère vous garder à mes côtés, Anaïs et Émilie. Voilà. Bah, avec plaisir, les filles. Alors que Charles et Romain, je m'en fous. Hein. Autant être franc. Autant être clair. Non, bah, attends, et physiquement, vous êtes quand même bien moche par rapport à elle, quoi. N'est-ce pas? Bah, on est d'accord. Allez, on écoute Avicii sur Fun. Feeling my way through the darkness. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. C'est le numéro à composer, hein, si vous voulez nous appeler, n'hésitez pas surtout. On est là jusqu'à 2h du mat tous les soirs, hein, du lundi au jeudi de 23h à 2h du mat. Et bien sûr le dimanche soir de 20h à minuit. Il y a Gabriel qui dit: je trouve que vous êtes méchant avec Toff là. Non, je déconne, c'est possible de donner un coup de peine à sa gueule. C'est Gabriel, bien sûr. Voilà, dans sa gueule. Il y a Léo aussi qui dit: le mec il se pisse dessus. Léa qui dit: je peux te demander un service, Ludovic? Non, je veux pas, Mickaël. Relou, je comprends pourquoi elle veut aller voir ailleurs. Bah oui. Et il y a Reader qui dit: il est relativement calme le mec quand même, hein, dans le chéri je peux te faire cocu. Et Erwan Fun Radio qui dit: le mec il crache sur sa meuf limite. Bah ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Ça fait partie des relations sexuelles. Exactement. Et avant de reprendre Anaïs, Charles, Romain, Émilie, puis Ruben également, il y a Mike aussi qui est dans le standard dans quelques minutes. Et bien on va faire un petit appel maintenant. Ah. Premier appel de la soirée et on va faire le... Les, comment on appelle ça, les teubés de la télé aussi, on est à la bourre. Les teubés de la télé, donc après l'appel évidemment. Ah, donc j'ai reçu un mail de Florian Lèche qui nous disait qu'il avait 8 choses que les gens préfèrent au sexe. Donc c'était des sondages, notamment 43% des Canadiens qui sont prêts à abandonner le sexe pour du bacon, 39% des Américains qui préfèrent renoncer au sexe plutôt qu'à leur plat préféré. C'est des ouf. Ils sont ouf quand même. Et donc du coup, bah, on a reçu pas mal de numéros de téléphone ce soir. Donc on va appeler le premier, hein. Je sais pas où on va, mais on va appeler, c'est sûr. C'est parti, Toff, t'es prêt? Allons-y. Allez, est-ce qu'on va rencontrer de nouveaux amis? Bah j'espère. J'espère en tout cas. Bon, c'est parti, on y va. Bougez pas, Anaïs et Émilie, les filles, bougez pas. Hein. Mademoiselle? Oui. Ah voilà, donc je disais bougez pas. Allez. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir madame. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir s'il y avait quelque chose que vous préféreriez faire à part faire l'amour. Non, mais ça va pas bien, vous êtes une cinglée. Que ça a à faire de proposer de coucher avec les gens à ce temps-là? Je vous ai pas proposé de coucher, je vous ai demandé ce que vous voulez faire. Plutôt là, que franchement, vous raccrochonnez, je vais le faire, regardez. On l'a mal vu, si je puis me permettre. Non, mais c'est vrai, hein, radiophoniquement parlant, on l'a mal vu, on le rappelle. Bon, elle avait l'air un peu perturbée, je pense qu'elle a mal compris la question. C'est surtout ça le souci. Allez, hop, on rappelle. Oui, allô? Oui. Oui, excusez-moi, mais je crois qu'on s'est pas bien compris. Moi non plus. Oui, parce qu'en fait, moi je vous ai demandé, est-ce qu'il y a quelque chose que vous préférez faire plutôt que de faire l'amour? Allô? Et voilà, et donc c'est ça que je voulais savoir. C'est à quel but? Bah c'est juste pour savoir. Donc vous avez que ça à foutre, c'est notre vie. Ah oui, ça là-dessus par contre on est d'accord. Bah vous savez, vous allez sur internet, il y a des sites de rencontres, il y a des nanas complètement barrées qui répondent à ce genre de questions, complètement stupides. Oui mais je veux pas vous rencontrer, enfin sauf si vous insistez, mais moi je vous demande juste de ce que vous préférez plutôt que de faire l'amour. Bah vous allez sur internet, les gens vont vous répondre, ils ont autre chose à faire. Moi je sors du travail, ils ont autre chose à faire. D'accord, et sinon combien vous mesurez? Maman dans ta gueule, je mesure. Et votre poids? Ah non, elle est partie. Bah, hey, vous avez été vachement plus sympa les filles quand Toff vous a posé la question, hein. Ah bah ouais. Non mais vraiment vachement plus cool, alors que vous auriez pu dire aussi eh ben va te faire enculer ou maman dans ta gueule, etc, etc. Vous avez été cool, mademoiselle, c'est bien. Bon, alors revenons donc à notre problème avec Anaïs là, qui a couché avec le mec d'une fille qu'elle côtoie. Il y a Charles qu'on a eu également, qui lui aussi l'a fait, mais lui il a eu la chance de récupérer une des meufs quand même. Il s'appelle Adeline et qui n'ose pas nous parler, hein Charles? Ouais. Non, elle veut toujours pas. Elle veut toujours pas, qu'elle est relou. Ah là, je suis sur la radio. Ah, elle veut pas. Bon, et Romain également, qui est là de Nîmes, là. Salut Romain. Salut. Comment ça va? Ça va et vous? Bah tranquille, hein, Romain, plutôt bien. Bon, Romain, toi tu voulais aussi réagir à Anaïs. Est-ce que t'as aussi été trompé? Est-ce que tu as trompé? Est-ce que t'as été l'amant? Bref, explique-nous tout. J'ai trompé. Ah, c'est mal. Ah, bien. Bienvenue au club. Et ils sont contents. Ils sont contents. Bienvenue au club et c'est parti. Bon. Bienvenue sur Adultère FM. Vous avez trompé, n'hésitez pas, venez témoigner. Bah ouais, il y a Kawette aussi qui dit: mon mec me trompe, je peux vous dire que je le bute, que je bute les deux, mais surtout lui d'ailleurs. Bah c'est vrai aussi, hein. C'est vrai qu'en même temps, si votre mec ou votre meuf vous trompe, c'est pas la peine d'aller taper la gueule de l'autre. Sauf si, comme Anaïs, vous le saviez pertinemment dès le début. Parce qu'après il y a des mecs ou des meufs qui vont mentir. Non, je suis célibataire, vraiment, t'inquiète. Donc là après tu peux pas en vouloir, ouais, au mec ou à la meuf évidemment. Bon, alors du coup c'est quoi l'histoire de Romain? Comment ça s'est passé chez toi? Bah en fait je suis militaire et j'étais en Vigipera de décembre dernier. Garde à vous! Montpellier. Garde à vous! Oh, se lever des couleurs minables. Respectez-le, le respectez-le. On lève des couleurs, monsieur. Soldatov. Tu lèves les couleurs, Romain, là? On va passer par les armes. Train, allez, hop, on lève. Allez, rompez. Bon, alors, on t'écoute maintenant. Vas-y, Romain. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à une soirée sur Montpellier. Ouais. Moi, j'étais en quartier libre. D'accord. Et c'est soir, chaud les soirées à Montpellier. Eh oui. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Et je rencontre une femme avec son mari. Et elle me demande, elle me propose de rentrer chez elle pour, pour faire l'amour. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai couché avec elle pendant que son mari dormait sur le canapé à côté. Oh, t'es sérieux, tu te fous de nous T'es sérieux? Ouais, c'est sérieux. Oh, mais t'es vraiment. Mais merde! Il y a des mecs chelous, hein. Moi, ça m'arrive aussi un truc comme ça. Mais moi, c'était pire, c'était j'étais à la gare, j'attendais. Il y a une meuf qui vient m'accoster tout. Pas trop moche, plutôt. Trop moche. T'as vu, je suis réaliste. Pas trop moche, ouais. Pas trop moche, et t'es. Elle doit être dégueulasse. S'il dit pas trop moche. Déjà, quand il dit qu'une meuf est pas mal, c'est quand même souvent avec un jeu, mais alors quand il dit pas trop moche, j'ose pas imaginer le résultat. Elle était pas mal. Ouais. Elle était pas mal, donc elle vient me voir, elle me propose d'aller boire un café et tout. Je me dis, putain, ça y est, beau gosse. Et tout, j'arrive à serrer une meuf. Il s'est réveillé en fait, et il avait la trace nocturne dans son lit. Il a craché dans son caleçon, franchement. Franchement, je crois que j'aurais préféré. Et donc on va boire un café. Et puis là, donc elle me dit, ouais, voilà, je te trouve mignon, nanana, nanana. Ah, mon Dieu, mais elle était bourrée. Attends. On salue la Ligue Braille qui nous écoute tous les soirs de plus en plus nombreux, merci à vous. Ou alors elle voulait le piéger pour lui soutirer ses deniers. Pire que ça, elle me dit, oui, voilà, en fait, je suis avec mon mec, et donc c'est là que tout un rêve s'écroule. Ah oui, bah oui. Et donc elle appelle, elle fait signe, genre un type et tout, mais genre 60 ans, tu vois, qui arrive. Et elle fait, voilà. Et là, il dit... Ouais, toi, je vais te mettre quelque chose dans le cul, genre. Non. Et donc elle me dit, ouais, voilà, donc c'est mon mec, et voilà. Te faire enculer au PD. Son kiff, en fait, c'est de me voir me faire baiser par d'autres mecs. Vas-y, va te faire enculer, Cola. Et donc ça m'a un peu refroidi, je suis parti en courant. Sans déconner. Mais t'as pas fait, Tof? Bah ouais, c'est fait. Ça, je croyais que t'étais un rebelle, ouvert à tout. Allez, ouais, à l'époque j'étais jeune, j'étais pas comme aujourd'hui. Oh, j'aurais défouraillé. Aujourd'hui, je pense que je la défouraille. Mais pas chez elle. Parce que je sais pas s'il y a des caméras et tout, mais j'aurais fait à l'hôtel. Ouais, genre à l'hôtel, ouais, moi j'aurais. Ça vous est déjà arrivé, vous, Anaïs, Charles, Romain, Émilie, de vous faire accoster comme ça par un inconnu dans la rue pour du sexe? Non. Jamais. Bah toi Romain, quasiment, hein, parce que ouais. Hein, c'est à dire que niquer la meuf d'un mec alors qu'il est dans le canapé, faut quand même avoir les couilles, hein, pour le coup. Bon, c'est vrai que t'es militaire, d'accord, mais quand même, faut avoir les couilles. Oh, c'est des choses qui arrivent. Ah oui, non, mais d'accord, mais bon, attends, on va prendre l'avis d'Emilie aussi. Alors, c'est quoi ton histoire, toi, Emilie? Mais moi, j'ai été cocu. Oh, ma bonne chérie. Oh, ma chérie, viens là que je te console. Allez, bah, viens sur mon épaule. Et pourquoi t'es pas parti plus haut que le cul? Hop. C'est drôle, ça. Ah. Oui. Hop là. Ouais, ça passe bon. Crème. Heureusement, il y a Sandro qui a rigolé. Bon, alors, Émilie, donc t'as été cocu. Pourtant, on a fait un tour du propriétaire tout à l'heure avec Émilie, ouais, qui est quand même plutôt bien roulé. Et c'est bizarre que t'aies été cocu. Ouais, moi, j'aurais pas osé la faire cocu. Ah ouais. C'est bon. Ça, bien sûr. Ça, le jour où Toff ne mettra pas une meuf au cul, il se sera passé un truc. Bon, alors vas-y, Émilie, là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en plus, il m'a pas trompé qu'avec une seule fille. Apparemment, j'ai su après qu'il m'avait trompé avec plusieurs filles. Ouais, mais... Quel enculé. Bah, est-ce que le mec s'appelait Christophe? Non, pas du tout. Ah, d'accord, ok. Parce que je pensais éventuellement avoir un rapport, mais. Non, mais tu sais, qui trompe une fois, trompe plusieurs fois. Hein, ah, bah oui, ça, c'est certain. Disait l'éléphant quand il retourne. Ouais. Bon, et donc, vas-y, Émilie, alors, vas-y, continue. Oh non. Et donc son ex, elle n'arrêtait pas de me dire il te trompe. Au début je voulais pas la croire et à force elle m'a mis le doute et donc je lui ai dit mais vas-y dis-moi la vérité, t'inquiète pas, je te pardonnerai, on oublie tout et il a avoué. Ouais, donc ça tu nous l'avais dit tout à l'heure, mais par contre tu nous avais pas dit qu'il l'avait fait avec plusieurs meufs. Oui, je l'ai su qu'après ça. C'est au final j'ai parlé avec son ex et c'est elle qui m'a tout raconté quoi. Ce qui fait pendant 5 ans. Mais est-ce que l'ex... toutes les nanas? Ouais, l'ex elle savait ça, elle savait le dossier ou pas, ou elle pensait que. Oui. Oui, elle savait. Oh putain. Elle, ça la dérange pas. Elle s'est même remis avec lui après, donc. Ah oui, d'accord. Donc elle en avait rien à foutre, hein, pour le coup. Très d'accord, ok. Ah ouais, bah très bien. Bah écoute. Mais le pire, c'est qu'il avait 34 ans, quoi. Donc faire ça à son âge. Ça n'a rien à dire. Regarde-toi, il a l'âge du Christ depuis 33. Bah 33, ouais, bah c'est ça. Et au final, c'est toujours un connard et ça n'a pas changé. Hein. Ouais, mais a priori, en tout cas. La grande question est de savoir pourquoi vous allez toujours vers le connard. Oui, exactement. Alors qu'il y a des mecs bien qui sont là, qui galèrent, alors, et vous êtes toujours chez les trous du cul, les filles. Comment ça se fait? Comme pourquoi des mouches vous, à merde. Pourquoi vous êtes attirés par des connards? Est-ce qu'il y a un aimant? Je sais pas. Ah, j'en sais rien, oui, je dois les attirer. C'est fou quand même, hein. C'est mais fou. J'en ai retrouvé un bien depuis. Hein. Ah, bah voilà, nous voilà rassurés. Oui. Enfin, oui. Jusqu'à ce que tu nous appelles en disant « Ah, quel enculé, il m'a trompé !» Non, je le connais bien. Ah bon, bah écoute, bon, on sait jamais, il faut se méfier toujours. Il y a Stéphanie qui dit « Vous vous en prenez tous à Anaïs, mais elle a trompé personne. » Bah, j'ai rien dit. Non mais j'ai rien dit sur Anaïs, j'ai juste dit que moi, si par exemple, il y a une meuf qui vient m'aborder, je sais qu'elle est maquée, soit elle dit bah voilà je quitte mon mec et après on va se mettre ensemble, on peut faire un truc, soit il se passe rien, enfin tu vois, et maman ne fais pas à quelqu'un d'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Oui. Alors que moi je préfère que la meuf elle vienne me dire j'ai un mec, c'est juste pour ce soir et on se verra plus. Mais c'est ça nasse. C'est encore différent quand c'est juste pour un soir, mais quand c'est une histoire et que tu sais ça commence à se construire et que le mec ou la meuf elle a deux plans, ça me paraît bizarre quand même. Enfin bon, c'est naze. Bah moi je trouve aussi, mais bon. Ouais. Eh bah merci en tout cas d'être passés. Anaïs. Mika, oui. Attends, Anaïs, t'es avec quelqu'un là actuellement ou pas? En couple? Bah enfin, est-ce que t'es avec quelqu'un quoi? Non. Non, bah, on va t'offrir un petit sextoy, Anaïs, comme ça tu pourras t'amuser. Non, merci. Oh, tu veux pas de sextoy? C'est pas grave, non. Anaïs, hein. C'est gentil, mais non. Y a pas de mal, il y a plein de filles qui l'utilisent, c'est pas... Moi j'en veux bien, hein. Ce n'est pas sale. Et qui on veut, hein, Émilie? Oui. Alors que t'as un mec. Non, ah d'accord, en fait, mais donc oui, il est pas gentil, là la semaine. Mais il n'est pas bon au lit, c'est ça que t'essaies de nous dire? Non, il est très bien, mais il vient que le week-end. Alors du coup la semaine il faut qu'elle fasse l'entretien. Ah bah c'est voilà. Ça du coup. Bah oui. Bon écoute, on va t'enfiler hein, Emily, un petit sextoy alors. Pourquoi tu veux pas Anaïs? T'aimes pas? T'as jamais essayé ou? Bah ça m'intéresse pas. Et attention, un sextoy, celui qu'on vous offre, c'est les sextoys sexy, hein, c'est pas le Big Rabbit 45 cm et de 14 cm de diamètre. C'est pas la canette de coca qu'on vous offre. 14 cm de diamètre. Non mais c'est pour expliquer. C'est impossible. Non mais c'est vrai, c'est pas ça que je vous offre quoi. Donc des fois que tu t'es inquiété, Anaïs, t'inquiète, c'est un truc bien sexy. Style canard quoi. Comment s'appelle le truc qu'on offre d'ailleurs? Ça s'appelle le Ziggy Bunny. Le Ziggy Bunny, exactement. Voilà. Faire par passagedudésir.fr. Exactement. Bon, eh ben Émilie, on va t'en offrir un, il n'y a pas de problème. Merci. Gros bisous, Émilie. Gros bisous. Salut Romain, salut Charles. Salut, à la prochaine. Oui, Romain. C'est possible de faire une dédicace? Bah vas-y, il y a une personne, hein, que tu connais la règle, vas-y. C'est pour tous mes collègues qui sont dans les véhicules en train de m'écouter. Très bien, et eh ben écoute, le message est passé. Salut à toi Romain. Bisous. Allez, à bientôt. Puis on a Bruno également qui est avec nous là. Bonsoir Bruno. Salut Mika. Comment ça va? Impeccable. Bon, on fait la colle dans un instant, la réponse avec Ruben, hein, donc bougez pas de là pour ceux qui ont joué. Et toi t'appelles du Mans, Bruno, tiens, comme Charles qu'on a eu tout à l'heure là. Ah alors, oui, peut-être, je sais pas, j'ai pas entendu. Enfin, non, là, je suis pour Mans, Charles aussi, mais bon c'est pareil. Bah écoute, c'est pas grave, faut aussi, hein, faut aller à l'aéroport. Qu'est-ce que tu fais à l'aéroport? Non, je suis chauffeur routier. Écoute. Ah, tu passes par là ou t'es à l'aéroport là? Ah oui, effectivement. Attends, et moi aussi je suis chauffeur routier, hein, qu'est-ce que tu crois? Attends, mais c'est vrai hein. Ah oui. Bon, c'est un gros routier. Hein. Moi c'est un 3000 tonnes. Ah vache. Et qui flotte en plus. Bon alors Bruno, c'est quoi ton histoire par rapport à Anaïs? Est-ce que t'as déjà été trompé? Est-ce que tu as trompé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi qui ai fauté. Ah bah c'est mal. Ouais, ça dépend. Ça dépend. C'est vrai. Bon ouais, alors ouais, vas-y, explique-nous pour voir si ça dépend. Ça dépend des circonstances, voilà. Bon après il y a l'âge peut-être aussi qui fait que je peux peut-être me permettre de parler comme ça quoi, mais bon voilà, 40 ans, ça fait 13 ans que je suis avec ma femme, il y a un moment donné où ça a peut-être choqué quelques personnes, mais on a fait le tour quoi. Non, disons que quand par exemple tu vas souvent manger au Quick, il y a un moment t'en as peut-être marre de manger le Giant. C'est ça. T'as peut-être envie de bouffer, je sais pas moi, un Big Mac, par exemple, ou autre chose, voilà, t'as envie de changer, t'as envie d'essayer quoi. Quick. Non mais peu importe, mais après tu vas peut-être te dire ah bah tiens je vais essayer le Big Mac et puis peut-être que tu vas te rendre compte que finalement le Giant il est meilleur, ouais. C'est possible, ça. Donc au final tu testes pour voir et puis tu te dis non finalement c'est bien chez moi. Et bah là ouais, là c'est pas forcément le cas quoi, là c'est pas forcément le cas. En fait le début de l'histoire c'est que j'ai retrouvé un pote quasiment 20 ans après. Ouais. Un pote d'enfance quoi. Il était une fois, tu sais. Ouais. Once upon a time. Non, je vais faire court. Et puis les retrouvailles, c'était la fiesta à gogo tous les week-ends quoi, pour essayer plus ou moins de rattraper le temps perdu qu'on voilà quoi. Et puis de fil en aiguille, voilà, je me suis rapproché un peu plus de sa femme et puis un peu plus. Non, puis, bah, quel enculé, t'as été te taper la meuf du mec que t'as récupéré alors que c'était un ami d'enfance. Bravo. Attends, tu pouvais pas aller voir ailleurs sans déconner quoi. Tu mérites un coup de pelle dans la gueule. Voilà. Impeccable. De l'autre côté pour égaliser. Bien sûr. Voilà, je te brûle la tête. Tu as mérité, mec. Tu as mérité. Non, mais sans déconner. Oh, ça se fait pas. Oh. Bon, et alors, bah, il s'est passé quoi? Mais l'un comme l'autre, en parlant de moi et d'elle, quoi. Si on avait ce qu'il fallait à la maison, on n'aurait pas été chercher ailleurs, quoi. Je pense que ça, à un moment donné, il faut que. Alors, ça, je suis pas d'accord. Non. Non, je suis pas d'accord en tant qu'expert de la question. Ouais, en tant qu'expert de l'enfume. Non, mais c'est pas parce que ça se passe pas bien ou bien à la maison, c'est juste que t'as envie de voir autre chose, point. Mais non, mais dans ce cas-là, toi, t'as des. C'est un peu violent ce que je veux dire, mais va voir des prostituées, phrase. Quoi. Non, mais si c'est juste pour tirer un coup. Ouais, mais ça suffit pas, ça. Non. Mais mec, tu couches avec la meuf de ton ami d'enfance, quoi. Ouais, non, ça par contre, je pense pas. Mais derrière, ça s'est pas fait comme ça. On a tu l'as fait par derrière, en plus. Oh, mais quelle porte. c'est la seule porte que je me suis interdit pour le premier rendez-vous, ça. Oh, bah, c'est déjà ça. Ah, monsieur, pour le premier rendez-vous, hein. Monsieur est un gentleman. Il y a un message qui est arrivé qui dit « Si une meuf me trompe, je lui dévisse la tête et je lui chie dans le cul. » Dans le cou, pardon. Dans le cou. Ah ouais, lui, il est chaud, lui. Hein. Il est dégueulasse, même. Faut qu'on l'appelle pour faire une petite enquête. Je pense qu'on peut en avoir des nouveaux messages avec ça. Ah, il aime ça, Polo. Hein. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Et Bruno, et comment ça s'est terminé avec ton ex-futur ex-pote? Avec lui, en fait, on a eu juste une conversation. Il a préféré clore la situation. Quoi. Enfin, sans déconner. Ça t'étonne? Ouais. Ouais, j'étais un peu étonné, ouais, d'ailleurs. Bien sûr. Mais voilà, enfin, les plus cons encore, c'est eux, quoi. Voilà, c'est les cocus, quoi. Parce que du coup, ils pardonnent. Ouais. Ils pardonnent, mais à côté de ça, ils s'aperçoivent très bien qu'il n'y a plus de sentiments, quoi. Bah, de mon oui. côté, comme elle, de son côté. On n'a plus de sentiments envers nos conjoints. On est dans des prisons plus ou moins. Enfin, eux nous emprisonnent dans leur prison à eux, quoi. Et en fait, on est là, on est prisonniers. Personne ne veut nous lâcher, quoi. Toujours en contact sur Facebook, quoi. On discute énormément tous les soirs. Non, mais il y a un moment, prends ta responsabilité. Tu dis, voilà, bon, ben basta, maintenant on vit ensemble. Ou alors, t'arrêtes et puis c'est fini. À l'heure d'aujourd'hui, le plus gros de mes problèmes, c'est mes enfants. Ah oui, après, ouais. Non, c'est pas un problème. S'il y a des moutards. Non, mais après, oui, voilà, c'est ça. Mais c'est juste que tu vas pas te pourrir la vie. Bon, on va être un peu sérieux, mais tu vas pas te pourrir la vie pour tes gosses. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire ouais, que, je sais bien. Non, mais c'est pas parce que t'as des gosses que tu dois t'obliger à rester avec une meuf ou avec un mec que t'aimes pas. Ou que t'aimes plus. Ou que t'aimes plus, ouais. Non, mais voilà, moi je préfère voir mes parents séparés mais heureux que de les voir ensemble malheureux. Enfin, tu vois, c'est la mentalité des nouvelles générations, tu vois. Enfin, je veux pas passer pour un vieux con, quoi, mais ça laisse toujours des traces, c'est toujours des séquelles chez les enfants. Non, mais il y a plein de trucs qui laisseront des séquelles, t'inquiète pas, ils en verront d'autres. Hein. Non, mais. Sûrement. Et si t'étais mon père, je t'en voudrais plus de t'être foutu de ma gueule jusqu'à mes 18 ans, au final, me rendre compte, d'imaginer la famille géniale, alors qu'en fait, au final, ils peuvent plus piffer, et de toute façon, ça va péter un jour ou l'autre, plutôt que dès le début, se dire, bon, bah voilà, c'est fini, ça arrive, fille qui a 14 ans s'en rend très bien compte, quoi. Bon, bah voilà, c'est-à-dire qu'il y a un moment, on vit ta life, et puis ils seront contents, toi aussi, et puis pense à eux, c'est-à-dire que Noël, ils auront double cadeau, anniversaire, ils auront double cadeau, ils auront double cadeau pour tout le monde, pour tout, c'est bien, non, franchement, c'est cool. Hein. Ouais, vu de ce point de vue-là, ouais. Mais oui, les parents séparés, c'est la vie, toi, il a pas connu ça, et c'est dommage, non, mais moi, j'ai le truc. Mais au final, c'est pas mal non plus, hein. Ouais, mais t'as double cadeau. Ouais, d'accord. Pour peu que t'as encore les grands-parents, alors là, quadruple, là, t'es au top. Hein. Ouais, mais vu qu'elles sont pleines de merde de retour, ça vaut son prix. Eh les gars, vous coupez 2 secondes, il y a 2 secondes, c'était moi l'enculé, vous êtes des vrais avares sur les cadeaux, quoi, ce chapeau. Ah oui, mais attends, mais c'est normal, il y a un moment, il faut bien qu'ils aient une petite compensation quand même, c'est normal, c'est normal. Bon, bah merci en tout cas, Bruno, d'être passé. Ouais, hein, bonne route, hein. C'était cool. Allez, salut. Merci à toi, Bruno, et à bientôt sur Fun. Salut. Ciao. On va récupérer Anaïs et Eric. Bah, restez là, parce qu'il y a Eric qui voulait aussi donner son avis de Limoges, là. Ruben, vite fait, encore la colle. On n'est pas en avance ce soir. Ouais, on doit encore faire d'ailleurs les teubés, là. Les teubés, on va les faire dans quelques minutes. Bon, allez, fais péter la colle une dernière fois. Et on vous laisse encore 5 minutes pour vous inscrire, les 5 dernières minutes. Vas-y, Ruben. Alors, on me sent, mais on ne me voit pas. Qui suis-je? On me sent, mais on ne me voit pas. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L, les 4 lettres, espace la réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. On proposait du parfum. Non. Non, on proposait également la chaleur ou le froid. C'est Manu du 10. Non plus. Alors, on proposait également l'amour ou le nez. Non. Alors, l'énigme de ce soir, c'est Gaëtan Lacolle, on le sent, mais on ne voit pas qui suis-je. Pensez à l'âge. Non. Non plus, c'est pas ça. Et alors, pour la colle, je dirais l'haleine. Et continuez comme ça, vous êtes géniaux. C'est Linda. Merci, Linda. Gros bisous. Non plus. Non plus. Alexandre qui proposait une présence. Non plus. Bon, bah d'accord, ok, bah tant pis alors. Hein, bon, si vous avez la bonne réponse, il vous reste 5 minutes maintenant. Vous allez sur sur les SMS par exemple, hein, vous tapez Mickaël espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. On me sent mais on ne me voit pas, qui suis-je? Et vous avez également l'énoncé, vous pouvez participer sur le Facebook de l'émission. facebook.com/Mickaël officiel. Ruben, à tout à l'heure, enfin dans 5 à minutes. Allez, dans 5 minutes, bouge pas de là, dans 5 minutes on va te reprendre. Et puis je vous rappelle, parce qu'il y a un message de Canvant qui dit: moi je veux une boîte Xbox One, qu'on a toujours évidemment les boîtes Xbox One, enfin la boîte Xbox One, boîte vide bien sûr, et la PlayStation 4 également, en exclu total du total du monde entier, de tout l'univers, de toutes les galaxies, de toutes les planètes réunies, même sur d'autres systèmes solaires. Hein. D'autres systèmes solaires, nous sommes qu'ici. Ouais, c'est en exclusivité. Voilà. Moi je trouve que c'est trop de pression pour nous. Ouais, on aurait pas dû faire ça. C'est vrai, voilà. Donc on vous offre la boîte vide de la PS4 et de la Xbox One. Vous pouvez voir la photo d'ailleurs sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Bah, parce qu'on a eu oui dire apparemment que d'autres chaînes proposaient des boîtes également. J'ai dit, bah non. C'est pas normal. Il y a que nous qui les avons. Voilà. Bon, nous on précise qu'elles sont vides les boîtes pour le coup. Hein, donc voilà. Quand même, on est quand même un minimum honnête effectivement. Donc si vous voulez gagner votre boîte vide PS4 ou Xbox One, en exclu total évidemment. facebook.com/Mickaël officiel. On vous attend. Vous faites un like et tirage au sort avant minuit, promis. On aura le top tweetos également et Crewella qu'on écoute. C'est Live for the Night sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Elles seront au Starfloor, Crewella notamment, avec Basto également. C'était Live for the Night à l'instant sur Fun. Hello. Mickaël, nos limites, 23h, 2h sur Fun Radio. Et on est en direct évidemment. D'ailleurs, je vous ai posté un truc cet après-midi là. On va bientôt faire l'émission en direct de plein de villes en France, en Belgique. Et puis avant de démarrer notre tour, on voulait savoir dans quelle ville vous voudriez qu'on vienne en premier. Sachant qu'on va essayer de faire un maximum évidemment tout au long de l'année. Mais dans quelle ville, par quelle ville doit-on commencer? Donc tous vos messages sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Partagez avec vos amis également. Et puis on vous préviendra évidemment dans quelle ville on doit aller. Alors il y a Thomas qui demandait qu'on aille à Toulouse. Il y a Issam de Liège qui proposait évidemment qu'on aille à Liège. Corentin qui dit à Nancy. Avec Nico il y a de la place. Il y a Sandra qui dit à Grenoble. Maël qui dit à Auvers-sur-Oise. Dunkerque bien évidemment pour Marion. Il y a Namur également pour Maxime. Bruxelles pour Raël. La Louvière pour Mike. Valenciennes pour Isa. Il y a Verdun pour Tom. Bordeaux pour Anne-Laure. Caen également pour Arthur. Montpellier pour Fred, ce serait génial. Hotman qui propose Bruxelles également. Rumilly devant le Quai des Arts entre Aix-les-Bains et Annecy, c'est Franck. Toulouse aussi pour Anthony. Il y a Charleroi pour Alicia, etc. Marseille également pour Gwendoline. Khalifa qui proposait Marseille également. Valérie à Charleroi, etc. etc. Bon, continuez, on fera un petit topo, on verra comment ça va se passer pour savoir dans quelle ville on va faire l'émission en direct de chez vous pour la première de notre Mickaël Tour. Notre grande tournée. On va commencer par Acapulco. Ouais, Honolulu, ça peut être pas. Ou la Réunion, hein, bêtement. Hein. Ouais. Enfin, bêtement, au moins ça parle pépère, français. Quoi. Voilà, on est pépère. Puis, on commence chez nous, quoi, c'est bien. Bon, il y a Nano qui dit: c'est possible que les gens en top tweet aient leurs photos sur votre page. J'ai pas compris, Nano, en top tweet. En fait, t'avais un. Ah, le top tweetos. Ouais, dans le top tweetos. Ah, oui, pourquoi pas, Nano. C'est juste que vous allez voir souvent Let's Be Freaks, quoi. Puisqu'il est souvent numéro 1. Donc, employé du mois, Let's Be Freaks. Ouais, c'est ça. Elle aura sa place de parking. Bon, donc, du coup, en parlant de top tweetos, on va faire un point également sur le top tweetos. Donc, les auditeurs les plus influents ce soir avec le hashtag Mickaël. Donc, vous mettez un maximum de messages avec le hashtag Mickaël. Et alors, top tweetos, comment ça se passe là? Ça se passe bien ce soir. Bon, numéro 5. Ah, pardon. Numéro 5 c'est Nanou, très bien. Numéro 4 pour l'instant, il reste 1h15. Numéro 4 quoi? Vinléo. Numéro 3, c'est nouveau ça? Non, il était déjà là hier, ouais. C'est juste qu'on savait pas si c'était Yewell. D'accord, numéro 3. Rafa, très bien. Numéro 2. God bless Holly. Ok, wow. Number 1. Let's be freaks. Bon, bah, continuez. Si vous voulez choper la place de Let's be freaks, il vous reste une heure et quart là. Vous allez sur le Twitter de l'émission, vous mettez un maximum de messages avec le hashtag Mickaël. Et puis, bah, peut-être que vous serez top tweetos, élu le meilleur auditeur de la soirée. Il y a Rich aussi qui dit venez à Namur, Mickaël. Bah, pourquoi pas? On va essayer de passer de façon partout. Benji qui dit le temps passe tellement vite en votre compagnie. Avant, je passais des heures au téléphone avec mon ex, c'était relou. Oh, eh bah, voilà, bienvenue. Kawel qui dit venez à Rennes. Bah oui, on va essayer aussi. J'ai 39 ans, c'est la deuxième fois que je suis l'amant d'une femme mariée, c'est top de niquer la meuf d'un autre. Oh l'enculé. Et Poupette qui dit bonne chance pour votre parcours dans nos villes. C'est Mickaël. C'est Poupette, pardon. Merci Poupette. Et Gabriel qui dit ouah, ce soir c'est fun bâtard. Les mecs, vous abusez à prendre les femmes des potes. Rien de plus sacré que l'amitié. Et puis Tony qui dit petite dédicace à Mickaël et à toute l'équipe. Merci Tony. Tous vos messages, évidemment, vous les balancez sur le Facebook, facebook.com/Mickaël officiel, bien entendu. Et puis nous allons parler maintenant de nos amis de la télé. Les teubés de la télé. Est-ce que tu regardes souvent la télé, Anaïs? Ah bah oui, là je suis en train. Ah t'es en train? Ah bah dis donc, ça va pas pour nous. Non non, mais je vous écoute toujours. Ah bon, ça va, d'accord, c'est le principal. D'ailleurs pour alors. Ça qu'elle comprend jamais les émissions, c'est parce qu'elle laisse la radio allumée, bah, et elle met l'image à la télé. Et est-ce que tu regardes Confessions Intimes, mon émission préférée, en tout cas une de mes émissions préférées? J'adore, mais tant mieux. Alors, dans cette grande émission qui est Confessions Intimes, justement, nous avons une embrouille pour une statue de Claude François. Oh, mais je te le rendrai que grand. Putain, je vais péter un câble. Quand t'arrêteras. J'arrive, va arrêter. Alors t'arrêtes après. Après, ouais. Tu vois mon bus? Non, je le fous à la poubelle. Oh putain, alors je voudrais bien voir celle-là. Tu veux parier? Ouais, bah, Paris, t'as perdu. Hein. De toute façon, c'est moi qui l'ai payé. Et je m'en fous pas mal. Je te relâche ton rond, mais c'est la dernière fois. Tac. Vous un coup, je te rends plus. Bah, bah, touche ça sur toi. Oh putain. Ah, ils étaient au top, hein. T'avais vu ou pas, toi, Anaïs? Non, j'avais pas vu. Oh putain, ils sont en train de se tabasser, là, pour la statuette. Ah ouais, non mais en plus ils ont une bonne tête les deux. Ah bah oui, complètement barré quoi, complètement barré. Et puis dans toute une histoire, on a un mec qui a eu sa première relation sexuelle après 40 ans et on entend bien que ça le travaille un petit peu quoi. Depuis des années. Et ça marche pas dans les discothèques. J'ai jamais rien rentré de sérieux. C'est élégant comme expression. J'ai jamais rien rentré de sérieux quand même. Rentré de sérieux. Oh, le mec il était plus qu'au taquet même. Bon, on va terminer avec la colle là, parce qu'on est à la bourre. Ruben. Oui. Bon, allez, on appelle le gagnant ou la gagnante là, c'est parti. Je rappelle que si quelqu'un décroche maintenant et a la bonne réponse à la grande question du soir, donc la colle de ce soir, c'est lui ou elle qui repart avec le PC portable, sinon c'est toi Ruben. On y va. C'est parti. Allô? Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, comment tu t'appelles? Jordan. Salut Jordan, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio là, il y a Ruben qui a une question à te poser. Alors, on me sent mais on ne me voit pas. Qui suis-je? Le vent? Ouais. Hey! Bien joué. Eh ben bravo Jordan! Merci. Eh ben t'es en train de dormir ou pas là? Ouais, un petit peu. Un petit peu, bah désolé, on t'a dérangé, on va te filer un PC portable, sinon tu raccroches, on le file à quelqu'un d'autre. Non, non, c'est bon. Ah bon, d'accord, ok, très bien. Bah monte ta joie. Eh bah voilà, oh bah, en même temps, il t'a moitié endormi, Polo. Bon, ah. Bah PC portable pour toi, Jordan, bravo. Et puis bah tu peux remercier Ruben, hein. Eh ben bah, merci beaucoup. Parce qu'en parce que le pauvre la Ruben, il a passé toute la soirée là dans le standard et puis au final que dalle. Et l'autre il dormait, il se la kiffait. Bon ben bravo Jordan, tu restes au standard, on te repasse Sandro, on prend tes coordonnées, on t'envoie le PC portable plus vite possible, d'accord? D'accord, merci. Salut à toi, à bientôt Jordan et Ruben, bah tu reviens quand tu veux, on va quand même te filer un pack fun hein. Ok, c'est bon, gentil. Allez, je t'en prie. Salut Ruben. Bye, ciao. Ciao, et puis on rejouera évidemment demain pour les PC portables. Demain à partir de 23h sur Fun Radio. Est-ce qu'on fait encore un petit appel? Ah oh, oui. Allez, un petit appel puisque... Bah oui, un petit appel. Ça fait longtemps que je me suis pas insulté. Bah, il y a Florian de Liège qui nous avait envoyé un mail avec les 8 choses que les gens préfèrent au sexe. Par exemple, 25% des étudiants deviendraient célibataires si cela pouvait rendre leur sac de cours plus léger. Mais improbable quand même. Complètement taré. Hein, c'est quand même improbable. Et alors il y avait quoi aussi, 46% des femmes préfèrent ne pas faire l'amour pendant 2 semaines plutôt que de ne pas avoir accès à internet. C'est ton cas Anaïs? Non. Non, ah bon d'accord. Non. Et alors tu vas me dire si c'est pareil pour toi. 21% des femmes seraient prêtes à ne pas avoir de relations sexuelles pendant 1 an si leur vieillissement pouvait être ralenti. Ah oui, oh là, là, là ouais. Ah là ouais. Ouais. Ah ouais. Vous avez vu comment vous êtes? Ah non mais c'est comme ça, hein. Faut vous avez vu comment vous êtes. Bon, bah donc du coup, on va appeler des gens au hasard, hein, des gens que vous avez, enfin des numéros que vous nous avez envoyés sur le mail de Tof, la toph@funradio.fr. Si vous connaissez des gens encore debout à cette heure-ci, etc., bien sûr, n'hésitez pas à transmettre le numéro à Tof qu'on puisse les appeler. Bah oui. Comme cette personne que nous allons appeler, je ne sais pas du tout chez qui nous allons aller, mais nous y allons y aller. On va lui poser la question de savoir ce qu'il serait prêt à mettre de côté. Enfin, s'il est prêt à mettre le. Allô ? Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir ce que vous préférez faire à faire l'amour. Ah bon, bah je pense qu'elle a mal compris la question. On va la rappeler. Raccrocher hein. Au nez, après. Oui. On rappelle cette charmante dame. Allez. Oui, excusez-moi, mais vous avez raccroché, vous n'avez pas répondu à la question. Oui, vous savez quelle heure il est ? Oui. C'est quoi la question là ? Bah en fait, je voulais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose que vous préférez faire plutôt que de faire l'amour ? Vous faites chier les gens pour avoir des questions à la con ? Mais c'est pas une question à la con, monsieur. Je vous pose juste une question. Vous me répondez ce que vous préférez ou ce que vous préférez pas. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre ? Bah c'est juste pour savoir. Bah, désolé, au revoir monsieur. Bah ça vous fait quoi de répondre à ma question ? Ça m'emmerde. Bah, pas du tout monsieur, là vous faites votre... Non, vous êtes de mauvaise foi. Eh ben non, j'ai pas envie. Bah, oui d'accord, mais bon là, vous avez pas envie, à un moment il faut faire un effort. Bah non, j'ai pas envie de faire un effort pour vous. Vous connaissez dans l'idée. Bah justement. Je suis en train de regarder mon film là, vous m'emmerdez. Bah oui. Mais... Vous comprenez le français là ? Bah oui, je comprends le français, mais bon, enfin... bah alors je vous raccroche, merci, au revoir. Mais non, répondez à la question d'abord. Là, vous me faites vraiment chier là. Mais pas du tout, monsieur, c'est vous qui perdez votre temps. Allô ? Bah il est parti. Ça vient le je vous raccroche. Ouais. Je vous raccroche, il a juste oublié au nez. Bon, on va quand même le rappeler, hein. Il nous a invité à rappeler. On rappelle encore un petit coup, c'est parti. Allez hop là. En plus, il regardait son film, on va savoir ce qu'il regarde ce sorcier. Oui, excusez-moi, mais si vous perdiez pas votre temps à raconter votre vie. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué ? Oui, ah, oui, bon. Peut-être. Alors rappelez-moi encore une fois. C'est Zorro ? Oui. Et je vais porter plainte à la gendarmerie. D'accord. Mais répondez à ma question et comme ça je rappelle pas. Oh merde, on avait Zorro au téléphone en plus, c'est con ça. Attends, bon, on le rappelle encore un coup. Ah, c'est là. Lui qui a demandé. Hein. Ouais. L'appel masqué peut être démasqué. Bah oui. Allez. Oui, c'est vous qui avez demandé que je vous rappelle, hein, monsieur. Non. Ah si. Si vous me rappelez encore une fois, je vais porter plainte à la gendarmerie. Bah oui, mais... Donc vous m'avez rappelé, demain, j'irai porter plainte à la gendarmerie, ils retrouveront votre numéro par la force des choses, et vous mettrez face à la justice. D'accord. Et sinon, pour répondre à ma question... Je veux pas répondre à votre question. Bah oui, mais enfin bon, là maintenant qu'on va être devant la justice, tout ça, vous pourriez au moins me répondre à la question. Non, non, bah non. Hey, je le vois bien le mec quand même, tu sais. Il devra répondre devant la justice. Oui, je porte plainte. Ce monsieur m'a téléphoné 3 fois. Oui, et donc je voudrais qu'il soit jugé, qu'on lui coupe la tête. Son appel doit être démasqué par la force des choses. Oh là là là là. Mais il y a des gens quand même qui répondent parfois les trucs improbables. Ah, c'est Zorro. Assez exceptionnel quand même. Putain, Zorro il est cool. Bon, Anaïs. Oui. Bon, attends une seconde, on était perturbé par Zorro là qu'on vient d'avoir au téléphone. Un appel masqué peut être démasqué. Attention. Ça vaut bien la peine d'être sur liste rouge. Eric qui voulait également nous parler. Bonsoir de Limoges. Comment ça va, Eric ? Salut l'équipe, ça va bien avec vous ? Oui, salut. Ça va. Est-ce qu'il y a des jolies filles à Limoges, Eric ? Ouais, ça va, ouais. Et ça la porcelaine, elle commence pour moi. Non mais on s'en fout parce que on va bientôt faire l'émission en direct d'une ville, puis on va faire un tour, hein, mais on sait pas par quelle ville commencer. Donc je me dis qu'à Limoges, peut-être que s'il y avait des jolies filles. Non mais commence par Limoges, t'as tout gagné là. Bah ouais, c'est mais en même temps. C'est la meilleure des villes, hein. C'est une ville étudiante, hein. Voilà. Bah oui, je sais. Bon, en même temps, Anaïs, pour le coup, on a fait un tour du propriétaire, elle a l'air plutôt sympa, mais t'as Grenoble. Ouais mais c'est pas mal Grenoble, hein. Moi ouais, j'aime Grenoble, c'est pas mal. Mais c'est peut-être mieux d'aller plutôt en hiver au pied des skis, au pied des montagnes. Au pied des skis. Ah ouais, il y a des petites stations sympas hein, pas loin de Grenoble. Ouais, c'est vrai. Ouais. Pas loin. Bah ouais. Bon, enfin bon, on verra. T'en mort. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? T'en mort. Qu'est-ce que t'es parti foutre à Grenoble au pied des stations, des petites stations de ski ? Mais parce qu'on avait été à Orcières avec Toff, on est passé par Grenoble. Ah non, mais parce que tu le connais lui. Bah il est oui, toujours mais frais sinon il des... y a le Grand Saint-Bernard aussi qui est pas mal à côté de Grenoble. Génial. C'est bon, un grand chien, c'est ça ? Ouais, non, ouais. C'est une petite station avec un tonneau. C'est une petite station très sympathique. Ouais, bah, super. Tu mérites à être connu. Ouais, ouais. Bon, du coup Eric, toi tu voulais parler de l'histoire d'Anaïs. Et il y a beaucoup de gens qui ont réagi, Anaïs, comme t'as pu le remarquer. Donc il a couché avec le mec d'une fille qu'elle côtoie, donc. Et donc je vous avais demandé si vous aviez déjà été trompé, si vous aviez déjà trompé quelqu'un alors que vous connaissiez la personne. Bon, Eric, sois le bienvenu. Quelle est ton histoire ? Ben moi, en fait, ça fait maintenant, ça va faire 10 ans que je suis avec une personne. On s'est mariés l'année dernière, en fait. Ouais. Et voilà, et moi, ben, ça fait... ça va faire 2 ans que j'entretiens une relation avec une autre personne, en fait. Attends, ça fait 10 ans que t'es avec la meuf et ça fait 2 ans que tu te fous de sa gueule. Tu t'es marié avec elle l'année dernière. S'en foutre de sa gueule, parce qu'en fait, la personne avec qui j'entretiens la relation est au courant de tout ce qui se passe dans ma vie et on a mis des choses au clair dès le départ, quoi. Bon, attends, parce que juste pour être sûr que j'ai bien compris. Donc, t'es avec une meuf depuis 10 ans. Voilà. Ça fait 2 ans que tu vas voir ailleurs. De temps en temps, on va dire. Bon, enfin, peu importe, mais ça fait 2 ans que tu vas de temps en temps voir ailleurs. Et voilà. Ta meuf le sait. Non, elle le sait pas. Ah c'est l'autre qui le sait. Voilà, c'est ma, voilà. Ma et maîtresse, tu t'es marié il y a combien de temps? Pardon? Tu t'es marié il y a combien de temps? Il y a 1 an. Mais c'est improbable. Pourquoi tu t'es marié si tu vas voir ailleurs? Bah en fait on s'est marié plus parce que bon déjà on s'entend bien voilà tout ça mais on avec les polices d'impôts hein, parce que ça coûtait moins cher. Alors du coup nous on s'est marié hein. Jean bouffe ouais, On va dire c'est plus vis-à-vis des parce que bon c'est assez compliqué c'est plus sur les papiers ou autre chose quoi voilà. Quoi? Oui c'est pour les papiers. What? Ouais. Voilà. Quel papier? Bah allez non, c'est pour en fait, faire des économies pour, C'est d'impôts. Pour des suites de succession et tout ça. Oh voilà, ouais, mais mec tu te maries pas pour ça. Ah bah, moi je l'aime bien ma femme, hein. Moi j'y suis. Bah oui, mais je l'aime bien, la pauvre. Mais pourquoi tu la trompes? Elle est pas belle, elle est pas bonne au lit, elle est frigide. Non, c'est pas ça, c'est que... non, en fait, c'est que. Mais elle fait mal à bouffer avec qui, ouais, peut-être. La personne avec qui, en fait, j'entretiens une relation depuis 2 ans, elle est mariée aussi. Hein. Oh là là. Oh, hey, c'est du sale. Style. Eric, il va être du style à dire. Ah non mais moi attendez mais moi je suis amoureux de ma femme et tout mais vous comprenez on a des enfants et moi je peux pas tolérer que la femme qui embrasse mes enfants me suce la bite. Ouais c'est ça. Voilà. C'est ça Eric. Non mais c'est pas ça mais en fait ce qu'il y a c'est qu'avec la personne avec qui j'entretiens une relation, on trouve des choses qu'on trouve pas dans notre couple actuel en fait. Alors que moi j'en aurai rien à foutre. Bah, non mais... Ouais c'est un peu dur à expliquer mais c'est ça en fait, c'est qu'on trouve des choses dans notre relation en fait Mais cherche, même... eh ben, si t'as trouvé des choses avec l'autre, cherche-les avec la première. Mais en fait t'es attiré On a déjà cherché mais on trouve pas la même chose. Mais tu es polygame. Ouais bah écoute, je sais pas. Bon écoute, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi Anaïs, toi qui es dans le métier? C'est franchement bizarre. Dans le métier De la tromperie. Cochonne quoi, de la cochonne qui trompe quoi. Dans le métier de la tromperie. Non, c'est pas un métier, ça m'a révélé une fois. C'était une façon de parler, Anaïs, c'est pas un métier, c'est pas un métier. Si tu préfères. C'était une vanne, Anaïs. Quoi qui est passé par là. T'inquiète. Ah, voilà. Je trouve ça quand même bizarre. Bah oui, c'est quand même particulier. Enfin, tu te maries pas avec quelqu'un que t'es en train de tromper. Bah oui c'est non là c'est ouais. Bon, après il y a des trucs plus bizarres que ça moi oui, je trouve. Oui mais non mais oui bah il y a toi déjà. Mais non mais c'est vrai. Oui tu parlais de trucs. Mais oui c'est ça. De choses même. Oui voilà oui. Bon bah écoute et Mike est là aussi bah il nous appelait pas pour ça à la base hein, mais tu trouves pas ça bizarre toi Mike? Bonsoir à toi. Bonsoir. Ça va bien? Ouais ça va. Bon ça tant mieux. Même. Bon bah très bien bah, bienvenue à toi Mike. Donc toi tu nous appelais pour les relations longue distance mais on va en parler. Mais t'as écouté un peu ouais. Eric et Anaïs là? Ouais, j'ai entendu ça. Tu trouves pas ça bizarre après, le coup d'Eric? C'est chelou quand même. C'est bizarre, hein. Ouais. Un peu, c'est vache, je trouve, je dirais. Bah oui, surtout que pour la meuf, là, voilà, elle est mariée depuis 1 an, elle est mariée, elle est heureuse peut-être, et puis bah l'autre, il a fait ça pour les papiers. Ouais, voilà, bah en même temps, on rencontre de ça tous les jours. Hein. Non, mais voilà, sachant mais après... Sachant mon origine, en fait, je connais très bien tout ça. Mais, que Mike, attention, quand il dit pour les papiers, pour c'est, les impôts, pas, hein. C'est pour les impôts, tout le bordel. Pour c'est pas pour genre c'est une étrangère ou t'es un étranger, Eric. Oui, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour les impôts. Ouais, d'accord, ok, bon, bah très bien. D'ailleurs, le fisc au téléphone qui va t'appeler, Eric. Hein. Y a pas de problème. Voilà, nous, contre 10% de l'amende, on balance le numéro, nous. Alors, oh, on est comme ça, alors, et toi, va témoigner, il a vu des choses. Oh, oui, t'inquiète pas, nous, on va témoigner. Hein. Faux témoignage, oh, ça, si on peut gagner 10%, nous, on prend. Ouais. Ah bah oui, ça, de toute façon. Ah non, mais c'est vrai. On est prêt à tout. Hein. Non, mais autant être franc. Hein, autant être franc parce qu'en plus de toute façon maintenant on est quand même on pèse. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Voilà. C'est-à-dire on est quand même on pèse tu vois dans le business quoi. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Voilà donc autant j'adore. Vous dire qu'il faut pas faire les malins avec nous parce qu'on a le bras long. Bon bah écoute bah merci Eric en tout cas d'être passé hein. Y'a de rien, merci à vous l'équipe. Et tu reviens continuer comme ça quoi. Eh bah c'est gentil Eric, merci à toi et passe une bonne soirée à l'écoute de Fun, merci. À bientôt. Ciao. Je te fais des gros bisous Anaïs également. Oui, est-ce que je peux faire une petite dédicace? Allez, vas-y. Je voudrais aider à Mimi Jolie, à mon Kiki, Allô, Anaïs, c'est allô. Une personne normalement la règle. Hein. Ah, c'est une personne. Yes. Répression de la fraude. Parce que attention, mais vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Ah oui. Il faut faire attention à ces conneries. Ouais. Pour à Lola et à Flo, et voilà. Très bien. C'est-à-dire que la meuf, tu lui dis une et elle t'en prend derrière. Et elle enchaîne. Putain, on dirait l'État avec les taxes. Bon, Anaïs, gros bisous à toi, Anaïs. À bientôt. Gros bisous, bonne ciao. Soirée. Et merci d'être passé. Gros bisous. Bon, ben, n'hésitez pas, les autres. Hein, si vous voulez parler avec nous, vous êtes les bienvenus. 01 42 48 5000, 02 851 4x0. Et Julia qui dit, le dernier numéro, c'est pour la Belgique. Julia qui dit, Mickaël, vous savez qu'un appel masqué peut être démasté. C'est magnifique. Vous savez qu'il peut être démasqué. Ah oui, effectivement. Stéphanie qui dit aussi quel tueur, j'adore. Et Léa qui dit Zorro au téléphone, mort de rire. Un appel peut être démasqué, il est fort le mec. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Ah bah oui. Et Ludwig aussi qui dit à Montréal, Mickaël, c'est super, c'est une destination de fou. Bah j'y suis allé, je trouvais ça pourri. Mais. Non mais. Comment tu lui as cassé son truc, toi? Mais non mais. Attends, mais je donne mon avis. Mais, je vais y retourner. Parce que parce qu'il faisait pas beau tout ça, donc voilà, je veux bien y retourner pour voir un petit peu. Deuxième avis, c'est vrai, j'ai fait Miami la première fois, j'avais trouvé ça pourri, et la seconde fois je trouvais ça cool, donc je me dis pourquoi pas. Pourquoi et pas. Au final aujourd'hui j'aime bien et j'y retourne avec plaisir, donc voilà, on verra. Henri aussi, ah non, il y a Violaine qui dit coucou Mickaël, big bisous. Bah avec plaisir Violaine. Et Henri qui dit mort de rire le mec. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Oui, et Lydia également qui dit agent de sécurité dans les Vosges, je bosse de nuit, vous êtes top, continuez comme ça. Coucou aux agents de sécu et aux maîtres chiens vosgiens. Et bien à tous les autres aussi d'ailleurs, hein, ceux qui bossent la nuit, les boulangers, etc. etc. Et Fabienne qui dit Mickaël, plein de mecs ont une queue à la place du cerveau, c'est bien connu. Bah surtout toi, c'est un peu le ministre. Bah c'est moi j'ai ministre, pas de cerveau, il faut le savoir. Voilà, avec deux grosses couilles. Exact. Mais attention. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Et Megumi aussi qui dit moi je préfère les saucisses, la saucisse au bacon. Quoi? Je vais trop loin. Ok, je sors. Non Megumi, tu as le droit. Il y a pas de problème. Et Claim également qui dit aussi chut. Moi je rêve d'une bifle. Ah très je bien. Je peux. Voilà, pas de problème. On va faire d'autres appels dans quelques minutes. Mike, toi tu voulais parler des relations longue distance, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. Oui, attention. Hein. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Ouais. C'est comme on parle de relations longue distance, c'est tant jamais. Bon, on va revenir avec toi, Mike. Et t'as vu qu'on offrait des boîtes vides PlayStation 4 et Xbox One? Ouais, j'ai vu ça. C'est pas mal du tout. Hey, c'est la folie totale. Toi, tu rêves d'une boîte vide, toi, j'imagine. Ah bah bien sûr. Ah bah bien sûr. Bah d'ailleurs, si vous voulez la gagner, la boîte vide, facebook.com/michaelofficiel, tirage au sort dans moins d'une heure. Mike, tu bouges pas? On revient avec toi. Juste après le son de Basto avec Dance With Me maintenant sur Fun Radio. La bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël No Limit. On est là jusqu'à 2h sur Fun Radio. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Why don't you dance with me? C'était Basto à l'instant sur Fun Radio avec Dance With Me. Basto d'ailleurs qui sera d'ailleurs au Starfloor, hein, DJ qui a confirmé par Burkrewella. On aura la chance de les voir tous bien sûr au Starfloor et peut-être vous aussi, en tout cas j'espère. Mickaël. Mickaël No Limit, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio bien sûr. Et attention, je vous rappelle qu'il y a toujours cette grosse information. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Ah bah oui, mais attention, il y a Julia qui dit venez à Lyon. Bah ouais, j'aimerais bien aller à Lyon, c'est cool Lyon. Lucas qui dit j'ai toujours pas eu mon message de bienvenue. Comment ça, t'as pas eu ton message de bienvenue? Je peux être gratté, gros con. Bah voilà, Lucas. Il y a Henri qui dit préfère écouter Fun Radio avec Mickaël. Bah merci, Henri. Et Julien qui dit lol, je suis contre le bacon au caribou alors. Bah oui, c'est parce qu'on était tombé sur un mail de Florian de Liège, ouais, qui nous avait dit les 8 choses que les gens préfèrent plutôt que de faire l'amour. Et donc, du coup, bah, on va encore appeler quelqu'un, Mike. Hein. Ouais, tu connais personne debout encore à cette heure-ci, toi, par hasard? Ah non, même ma copine là, elle s'est endormie. Merde. Elle attendait que je passe, mais elle s'est endormie. Non. Si. Oh, vous savez quel qu'un scandale. Appel masqué peut être démasqué. Ah bah oui. Est-ce que vous le saviez ça, qu'un appel masqué peut être démasqué? Bon, on va appeler un autre gars ou une autre meuf maintenant des numéros qu'on a reçus. Bon, on va voir si on tous a encore de la chance. Tous les super-héros peuvent bien se tenir. On va tout démasquer, oui, nous. Exactement. Zorro, exactement. Batman, vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Oui, ça peut arriver. Bon, on y va, Mike, et puis on parle des relations longue distance juste après. Il n'y a pas de souci. Allez, Tof, t'es prêt, on appelle? Je suis prêt, bon, je suis prêt. Vérifions ce que les gens préfèrent faire à la place de faire l'amour. Hein. Qu'est-ce qu'ils seraient prêts à échanger, à prendre plutôt que de faire l'amour? J'ai du mal avec cette question. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Vous savez qu'un appel... Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir s'il y avait quelque chose que vous préférez plutôt que de faire l'amour. Ouais, mettre ma bite dans ton trou du cul. Non mais ça c'est pareil monsieur, c'est faire l'amour. Oh non, c'est pas mal hein. Oui, c'est pas mal, mais ce n'est pas la question que je vous ai posée. Je vous demandais s'il y avait autre chose. Hein, plutôt que de faire l'amour, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimez faire? Ouais, ce serait avoir des gosses comme des couilles de téléphoner hors des numéros privés, en fait. D'accord. Mais ça répond pas à ma question. Ça, déjà... Non, mais si, c'est une bonne réponse. Avoir des couilles entre les jambes, oui, pour appeler avec un numéro qui n'est pas un numéro masqué. D'accord. Mais je vois pas ce que ça change pour répondre à ma question. Ben voilà, pour moi, c'est une bonne réponse, déjà. Bah, moi, je trouve pas, hein, monsieur. Un peu de coronet, c'est juste ça. D'accord. Mais si vous voulez, je vous donne mon numéro, vous me rappelez, on s'en fout. Ouais, si vous voulez, ouais, y'a pas de soucis. Bon, alors, 01... Non, mais 01, y'a pas un 06 par là? Un 06? Ouais, votre numéro perso. Bah, si vous voulez, mais je vois pas l'intérêt. Et voilà, c'est qu'il n'y a pas de couilles, c'est tout. Bah non, c'est pas ça. Bah si. Non. Parce que moi, à part te démonter à toi, ou à démonter ta gonzesse, ou à démonter toute ta famille, je vois pas ce que j'ai d'autre intérêt que ça. D'accord. Bon, allez, je vous donne mon numéro, mais c'est parce que vous insistez, hein. Ouais. Donc 06... Ouais. 34... Ouais. 62... Ouais. 26, 28... D'accord, ça c'est la ligne anti-relou de Fun Radio. À part ça, tu me prends pour un con. Abruti. C'est vraiment un pour abruti, mon pour vrai. À oui. Part ça, il n'y a pas d'autre réponse. Bah non, mais là un c'était... Numéro, un vrai numéro, bah, un numéro de quelqu'un qui a des couilles. Ça c'est une grosse tapette, une grosse lavette. Non, mais je peux pas donner mon numéro là, après, sinon ah, je... Ah oui, d'accord, pour emmerder les gens, là, c'est facile, mais pour avoir des couilles et donner son numéro, là, par contre, on se la ferme. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a trop de gens qui pourraient l'entendre, et donc, du coup, ça me gêne. D'accord, ok, ouais. Donc, mais peut-être... Fait, peut-être je peux parler à ta femme. T'as rien d'autre à branler, mais ma femme, pourquoi? Tu veux quoi? Que je te démonte la gueule, quoi? Non, je voudrais juste savoir comment elle est, quoi. Non, mais pourquoi faire? Bah, juste pour savoir. Je fais non, juste un petit non. Tour du propriétaire, puis elle te repasse, quoi. Ouais, mais tu vois, ma femme, c'est une bonasse par rapport à la tienne. C'est vrai, mais combien elle mesure? Ouais, mais elle mesure un mètre, ça suffit. C'est la bonne hauteur pour tailler des pipes. D'accord, et combien elle pèse? Ouais, mais au moins 130 kilos, ouais. Ah ouais trop, elle bouge pas, après. Ah non, ouais, c'est... Elle... toi, t'aimes bien taper dans le boudin, quoi. Ah ben oui, mais ouais, au moins je tape dans quelque chose par rapport à toi, mais oui. Bon... Ça passe sur ma mère, hein. D'accord. Bon, c'est pas que je m'ennuie, non. Mais on... Non, mais moi non plus. Moi non plus, ça m'intéresse d'ailleurs. On pourrait rester un petit moment. Normalement, c'est pas moi qui paye l'appel. Bah moi non plus, donc... C'est chic, ce con. Ah ouais, c'est super. Alors, et là, à part ça, c'est quoi? C'est un truc à la con, une émission à la con, c'est quoi? Sale con. Allô? Ah, il est parti. Non, je suis pas parti. Hein. Ah, pardon, je croyais. Vas-y, va te faire enculer, casse-toi. Ah oui, mais en plus, je suis peut-être versatile, j'aime ça un petit peu, me faire enculer aussi. Ah, c'est vrai? Et moi, je vais baiser ta mère, non? Ouais, mais ma mère, mon père et tout. Hein. Et ta mère la pute, est-ce que je la baisse tous les soirs, sale bâtard? Ouais, mais ma mère la pute, tu l'as... Eh, au moins ma mère, tu vois, si c'est une pute, au moins elle sert à quelque chose, elle sert à vider les couilles à ton père, tu vois? Tu peux la gratter, gros con. T'as rien d'autre à branler, après moi, j'y peux rien. Elle va te faire enculer, au clochard. Ah merde, il est parti. Oh merde, il y avait ça, le Prasada qui dit qu'il connaît le numéro de la ligne anti-relou, c'est un fan de Fun. Oui, bah c'est ça, ouais. Shuna qui dit 2 mois que je vous écoute et j'aimerais bien voir mon message de bienvenue de l'équipe. Bien sûr, Shuna, bah avec plaisir. Comment ça se fait que t'as pas encore eu ton petit message de bienvenue? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Allez hop, on va t'en mettre un petit, tiens. Vas-y, va te faire enculer, connard. Voilà, voilà Shuna, avec grand plaisir. Et la roue du bonheur aussi, la route du bonheur qui dit mon échappatoire à la médecine, vous faites délirer. Tini qui dit, vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Ah bon, sans déconner. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? En plus il le dit avec son air un peu de ces genre Jean-Yves Laramène, quoi. D'avocat, hein. Un peu d'avocat, ouais. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Bah, je ne savais pas. Je viens de l'apprendre, figurez-vous. Donc et si puis, on a un appel masqué, on peut le démasquer. Exactement, c'est... Et il y a Kawet qui dit, au moment où ça répond, Mickaël, passe à l'enregistrement, t'aurais pu tout faire niquer encore. Oui, j'ai failli, hein, pour le coup. Heureusement, j'ai coupé très rapidement. Bon, voilà. Et puis Tommy aussi, qui a envoyé message, qui dit, viens à Mulhouse, vous allez vous éclater, je vous fais visiter la ville. Ah bah écoute, Tommy, pourquoi pas. J'aurais préféré que ce soit une meuf qui nous fasse visiter la ville, mais après, pourquoi pas, hein, wow. Y a pas de problème. Et Léa qui dit, vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué, c'était magique. Grosse information du jour. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Bah, je ne savais pas. Et Youssef qui dit, peux-tu faire un remix? Vous savez qu'un appel peut être démasqué, s'il vous plaît. je pleure de rire. Bah, il faut que ça rentre dans la musique, mais je vais essayer de vous mettre ça. Et Raphaël qui dit aussi tout le monde a son message de bienvenue et pas moi, ça va pas le faire. Mais si, je t'en mets un, t'inquiète pas là. Ferme ta gueule, gros bâtard. Ben voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus la meuf du Nord en plus, c'est ça qui est bien. Ah, la meuf du Nord. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Ah bon, je ne savais pas. Bon, allez, je pense que je vais saouler tout le monde avec, avec ça. Ouais. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Ouais, bon, on va le savoir maintenant, c'est bon, on a compris. Bon, allez, on fera d'autres appels tout à l'heure et puis Mike, on parle avec toi maintenant. Ouais, je suis toujours là, bon, je suis toujours là. Bah, j'espère bien. Eh, hey, Mike, tu savais que... Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Bah, avec mon métier, oui, je le savais. Ah, tu fais quoi dans la vie? Moi, je travaille... Enfin, je sais pas si j'ai le droit de le dire après, parce que je travaille à SFR. Ah, ça tombe bien. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. À ce qu'il paraît, ouais. Non, paraît. Et donc il a raison alors, oui. Le monsieur, là? Malheureusement, oui. Non. Eh, hey, ah, tu peux m'avoir un forfait moins cher? Parce que je suis en train d'essayer de changer d'opérateur là, mais. Ouais, en plus, le pire, c'est que tu peux passer à ma boutique, y a pas de souci, je t'accueillerai les bras ouverts. Ah, mais... Ouais, mais sans ristourne. Ouais. Ah non, moi, sincèrement, si je peux, je fais. Eh ben, ouais, mais si tu peux, c'est ça qui m'inquiète toujours, c'est si je peux. Oh, bah, t'as vu, j'ai pas pu là. Bah, ouais, mais mec. Non, en général, mes clients, ils repartent. Déjà, ils ont smile, toujours. Et bah, écoute, et bah ouais, non, moi je veux et pas le smile, moi je veux le big forfait mais le moins cher. On veut un tarot et moi je veux un nouveau iPhone, donc je suis voilà. Client SFR monsieur. Ah bah tu sais quoi, on va passer avec Toff et Polo parce qu'on veut tout changer et on veut moins cher. Et parce qu'en plus moi je viens de t'apprendre un truc, Mike. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Hein, attention. Non mais attention, sérieusement, attention. Bon Mike, c'est où ta boutique à Paris? Moi sur les Champs-Elysées. Ah bah c'est pas à côté de la radio en plus, c'est sérieux. C'est dans la boutique sur le coin là? Ouais. Ah putain, et deux fois je suis passé devant, il y avait trop bon, ça m'a saoulé, il fallait prendre un ticket, je me suis dit, c'est bon, casse-toi. Tu passes là-bas? Ouais. Tu passes là-bas, bah regarde. Et la meuf à l'accueil, je lui dis... Vous savez qu'il y a un appel masqué, peut être démasqué. Je lui dis ça, je rentre direct ou pas? Non mais je lui demande, c'est pour savoir. Pour savoir. Bah on passera... Je sais pas, ça dépend c'est qui. Ah écoute, on passera demain du coup, Mike. Y a pas de souci. Bah, bon par contre, passe dans l'après-midi. Bah oui, bah t'inquiète pas, le matin je dors, hein, je te le dis direct. Ouais, moi aussi je vais dormir demain matin. Bah voilà, parce qu'en plus maintenant que j'ai appris que... Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Alors là, évidemment, ça a changé toute la suite de ma nuit, quoi. Toute la suite de ma nuit. Bon, sinon Mike, tu nous appelais pourquoi? Eh bien parce qu'en fait... Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Ah bah je ne savais pas, non. Ah bon Mike? Ah ouais, bah ce qui paraît, non, je savais pas non plus. Non, ah bah voilà, très bien. T'as eu ton message de bienvenue déjà au fait? Non, toujours pas, c'est ce que j'allais te demander. Ah bah voilà. Bah ferme ta gueule, gros bâtard. Oh non, pardon, excuse-moi, je l'avais déjà mis celui-là, autant pour moi. Attends, je vais t'en mettre un autre. Je vais t'en mettre un autre. Lequel je peux mettre? Un bien gore. Ouais, voilà, ah bah parfait, bien crado. Elle habite où ta meuf? À Clermont-Ferrand. Parfait. On va faire chier ta meuf, là, on cule ta meuf, mais lâche-moi les couilles, là. Voilà. Il était pile poil bien mis là celui-là. Bon alors, celui-là, ouais. Les relations longue distance. Ouais voilà, en gros c'est simple, ça va faire 2 ans là, dans un peu moins de 10 jours, hein. Je suis avec ma copine. Ouais, oh. Combien de temps? Un peu moins de 10 jours. Un peu moins, ouais, donc c'est-à-dire rien quoi. Non, ouais, ça fait... voilà, quasiment rien. Ouais, ok. Attends, ça fait 2 ans que t'es avec. Bientôt, ouais, 2 ans. Oui, d'accord, pas. Ça fait dans 10 jours, ça fera 2 ans. Ah, je croyais que ça faisait 10 jours que t'étais avec ta copine. D'accord. Non, dans 10 jours, ça va faire 2 ans. Ok, très bien. Bah, anniversaire alors, du coup. Ouais, voilà, anniversaire. Donc, on était en train de se faire un petit truc en plus. Là, on est en train de chercher des petits trucs à faire pour nos 2 ans, justement. Donc, D'accord. Ouais, donc, écoute, tous les mecs qui sont passés avant qui te proposent de la tromper. Oui, c'est une idée. Ah. Et si vous voulez faire un film pour nous, on a reçu une nouvelle caméra, on vous la montrera, une belle Canon. On peut venir, hein, si tu veux Mike, hein. On fera ça dans la boutique SFR. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. D'ailleurs, il y a Kawhi qui dit, oh putain, il va nous saouler avec son appel masqué qu'on peut démasquer. Ah, bah, Toff déguisé en téléphone. Et qui baise un autre téléphone. Voilà, ça peut être drôle ça. Bon bref. Et moi donc... je propose qu'on fasse des soirées téléphone. Ah ouais, on va se marrer sur téléphone. On va bien se marrer. Bon sinon, relation longue distance Mike, parce qu'on a perdu le fil là. Donc presque 2 ans, ouais. ça fera 2 ans dans 10 jours avec ta meuf. Elle habite à Clermont-Ferrand, voilà. Toi à Paris et puis. Et bah tout simplement en fait je me tâte un petit peu à descendre à Clermont pour faire quelque chose avec elle quoi. Mais c'est sûr qu'après j'ai toujours un petit peu peur parce que voilà, j'ai tous mes amis, j'ai toute ma famille. Bah, ah mais tu veux descendre à Clermont-Ferrand y vivre? Voilà. Ah bah non, et notre forfait. Non mais mec, attends, on va partir tout de suite. Non, il est con, attends, lui. Pour une fois qu'on connaît quelqu'un, c'est tellement une galère de joindre des gens là dans les trucs de téléphonie. Maintenant mais qu'on connaît quelqu'un, faut pas partir. T'es un ouf, jamais. Ah bah non. Reste chez nous, dégage là. Et pourquoi est-ce qu'elle qui elle vient pas? Parce que elle, c'est un peu compliqué. Ah. Elle a un autre mec. Ouais. Non, pas du tout. Enfin, si ça serait ça, je pense que ça aurait été vite fait l'histoire. Je pense que je serais déjà descendu casser la gueule à 2-3 mecs. Oh là. Bon, et puis en bonne et due forme, hein. Bien sûr, enfin, évidemment, dans les règles de l'art. Voilà, je me présente avant. Oui, bien sûr. Bonjour, je suis Mike et je te pète la gueule. Hop là. Voilà. L'affaire est pliée. Bon. Et donc voilà, mais en fait après c'est un peu compliqué parce que voilà, je devrais tout quitter, donc mon travail, mes amis, ma famille, et voilà, c'est comme de l'appréhension. Et nous de trois aussi. Futurs bons clients. Oui. Aussi en plus. Ouais, et ouais. Donc en gros, tu sais pas si tu dois y aller ou si tu dois pas y aller. Voilà. Bon, t'inquiète pas, écoute, t'as appelé la bonne radio, on va te convaincre de rester là. Non mais dites-nous sérieusement si vous avez déjà eu des relations longue distance, venez nous en parler maintenant. Tiens, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 pour la Belgique. Est-ce que vous avez déjà eu des longues distances un peu dans le même pays, ou des longues distances genre vraiment loin, genre votre mec ou votre meuf aux États-Unis, ou enfin je sais pas moi, vraiment loin pour le coup. Parce que bon, là encore ça va, Mike, tu travailles, tu peux encore te permettre d'y aller un week-end en train, tu vois, ou elle remonter ou un truc comme ça. Bon, s'il était voilà. aux US, en Asie ou n'importe où, c'est quand même plus compliqué déjà. Ah oui, c'est sûr, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Là, l'avantage, c'est que grâce quand même à mon travail, j'ai quand même un week-end sur deux. Ah oui, exactement. Quand même. Donc ça me permet de descendre ou elle de monter. Comme ça, moi, on peut se voir tous les 15 jours. Tu lui as fait un forfait ou pas? Elle en avait déjà un. Ah, d'accord. Ouais, elle lui a fait un illimité sur son numéro. Ah oui, full illimited. Le mec relou avec son forfait. Là. C'est-à-dire que tous les autres appels lui coûtent les yeux de la tête, mais pour l'appeler lui, c'est gratuit. C'est free, totalement. Non, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit, je voulais dire. Voilà. Bon, Mike, bah, reste avec nous. On va reparler avec toi dans quelques minutes. Les filles, appelez-nous 01 42 48 5000, 02 851 4x0 pour venir prendre la parole, en fait, tout simplement. Hein, prenez le contrôle de fun. On est là. Il y a un son que tu as envie d'entendre, Mike? Oh, il y en a plusieurs, vous passez sincèrement. Tous les sons que vous mettez, je les kiffe. Donc, oh, de nous sucer, c'est toi, plaisir. Mike. Ah non, Mike. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Paraît-il, hein. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste. Bon, qu'est-ce que tu préfères? Il y a Dubs. Ouais, vas-y. Sincèrement. Bah, celui-là, il est bien. Ah, il déchire. Bon, alors sinon, j'ai aussi Backer Matt. Non, je préfère Dubs quand même. Tu préfères Dubs, d'accord, ok. Ouais. Sinon, j'ai aussi. Qu'est-ce qu'on peut mettre également? Calvin Harris. Non, je préfère Dubs quand non. même. Non, alors je t'en propose encore un au cas où. Ok, vas-y. Bon, allez, sinon, j'ai aussi celui-là, tiens. T'es même pas capable de le mettre en entier. T'as pas envie, Mike, de toute façon. Bah, non, vas-y, dis oui, juste pour rire. En même temps, il fait 45 secondes vas-y, dans la machine. Vas-y, mets-le. Non, mais il fait 45 secondes. Bah, je voulais mettre 30 secondes. Tu vas faire beau sur les routes, le lundi au soleil. Ah. Merde. Lundi au soleil. Va faire chier ta meuf, là, on cul ta meuf, mais lâche-moi les couilles, là. Sale con. Lundi au soleil, on serait mieux dans l'odeur des foies. Ah, t'as été coupé, mon con. Ah, on était bien là ou pas là? On était au top. Ouais, ma bite d'un bon top, le remix. Ah oui, voilà, c'est ça, oui. Tu disais quoi, Mike? Au top, le remix. Ouais, plutôt pas mal, hein, plutôt pas mal. Bon, bah, on se met Dubs alors, hein, puisque tu l'as choisi, on se le met maintenant là. Hop là, c'est parti. Dubs maintenant avec Tsunami sur Fun Radio. Bouge pas, Mike, on parle des relations longue distance avec toi. Et puis avec vous toutes et vous tous, vous êtes les bienvenus. Vous appelez Fun 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. C'est Dubs maintenant. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Le son à l'instant de Tsunami sur Fun Radio, c'était Dubs que vous avez découvert sur Fun, bien sûr. 23h, 2h. Michael. Ferme ta gueule, gros bâtard. No Limit sur Fun Radio. Et j'ai pas oublié aussi l'auditeur qui a demandé un son déconne tout à l'heure. On le mettra avant 2h du mat avant de partir. Si vous voulez écouter un son particulier, déconne évidemment, vous demandez hein, hashtag Mickaël sur bleu. Twitter. C'est Caca Bleu qui avait demandé. Bah ouais. Voilà Caca Bleu, tu vois, j'ai pas oublié, je t'ai pas oublié. Il y a Tony qui dit demande à Valentin s'il savait pour l'appel masqué qu'un appel masqué pouvait être démasqué. Oui, c'est vrai que j'ai pas pensé à demander à Valentin, effectivement. Je suis quand même relativement con, je mérite une claque. Voilà, parce que c'est vrai que je n'ai pas demandé à Valentin, mais on va lui poser la question, hein. Oh, eh ben alors Valentin, tu peux aller faire foutre, tu le demanderas à Valentin. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Ah d'accord, ok, très bien, mais je ne savais pas. Comme ta gueule, connard. Oh dis donc, ça va hein. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Comme ta gueule, connard. Oh. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Va te faire enculer maintenant. Bon d'accord, ok, très bien, on n'ira pas plus loin. Il y a Céline qui dit moi j'ai pas eu mon message de bienvenue. Comment ça t'as pas eu ton message de bienvenue? Bah tiens voilà. Et dans ton cul, oh, connard. Voilà, c'est comme ça tout simplement, Céline. Audrey qui dit j'ai rencontré mon chéri en composant un faux numéro, ça fait maintenant 5 ans qu'on est ensemble, lui vit à Melun et moi à côté de Perpignan. Ah bah dis donc, plutôt tranquille Audrey. N'hésite pas, appelle-nous au standard là, 01 42 48 5000 qu'on sache un petit peu comment ça s'est passé. Il y a Mini qui dit aussi avec une musique pareille, demain t'es viré. Ah Claude François, non t'inquiète, de toute façon les boss ils ont peur de moi. C'est, apparemment c'est ce qui va sur Twitter. C'est ce qui est indiqué sur Twitter, j'ai vu ça, on a Toff qui gère les tweets et il m'a dit ça. Ah ouais grave. Apparemment non, les courbes le disent. Oh là là, tout le dit ici. Et qui raconte n'importe quoi. Il y a Ted qui dit j'ai déjà eu une relation longue distance, elle était à La Réunion, moi à Paris, au bout d'un an on a cassé. Ah bah moi j'aurais cassé mon contrat, j'aurais été à La Réunion Ted. Hein. Le Praceda qui dit moi je dis c'est se jeter dans la gueule du loup, mais bon c'est lui qui voit. Et puis l'INSEE qui dit moi non plus j'ai pas eu mon message de bienvenue. Et donc vous êtes nombreux hein, à débarquer là, vous avez pas tous eu le message de bienvenue, bon ben ça arrive. Espèce de petit pili de merde, va. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Qu'est-ce qu'il est con celui-là. Ah il m'a fait marrer. Bon, retour avec Mike dans quelques minutes. On fait encore un appel, attends parce qu'il y a aussi Déborah, Lydia, bonsoir les filles. Salut. Bonsoir. Comment salut. Ça va mesdemoiselles? Ça va. En forme, qu'est-ce que vous faites la soir? Ah. Alors moi je suis Lydia, je suis du côté d'Épinal dans les Vosges, je suis agent de sécurité, donc là je suis Ah oui, toi qui avais envoyé le message pour passer un message à tous ceux qui étaient gardiens, tout ça, etc. Tout joli d'ailleurs. Et Déborah, voilà. 23 ans d'Amiens. Oui, combien mesures-tu? Oh merde, Toff. Attends. Tu sais qu'un appel masqué peut être démasqué. Ouais, mais c'est pas grave. Je m'en fous. Alors combien tu mesures, Déborah? 1m69. C'est quoi cette voix de cochon? 1m69, ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais pendant que tu lis ça? Je me caresse. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Alors, combien pèses-tu, Déborah? 55. Quel est ton tour de poitrine? 85 des chiens. Non. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Oui, je préfère avoir des plus petits, mais bon. Et la taille, mais non, mais nous pas, hein. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36. Ah oui, il arrive hein. Je suis déjà en bout des bras. Ah bah oui, et puis bien évidemment les Vosges. Oui, et puis bien évidemment on s'en branle. Bonne. Le pire c'est que j'imaginais que j'aurais le droit à ça. De quoi Déborah? Je pensais pas qu'elle allait avoir le droit à mon casque démasqué. Oh bah, pourquoi pas? Et t'as même le droit à ça? Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Qu'est-ce qu'il est relou Zorro là, qu'on a eu au téléphone tout à l'heure, il était énorme. Bon, du coup les filles, attends, on va vite refaire un petit appel avec un petit peu de ballon sur Zorro à nouveau, on sait jamais. Hein. On y va. Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire quoi pour à vous séparer du sexe, mais contre quoi? Oh, alors, c'est pas possible. Lydia. C'est impossible. Ah, tu pourrais pas te passer de sexe? Ah non. Ah bon, non. T'es un mec actuellement ou pas? Oui, mais il est pris. Comment ça, il est pris? Eh ben, il a une femme et des enfants. Mais alors, vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Tout à fait. Ah, tu le sais. Bon bah c'est le principal, écoute. Hein. Ouais. Bah voilà. C'est bien parce que t'aurais pu réagir sur le sujet d'avant, toi, Lydia. Hein. T'as débarqué trop tard. Hein. Ouais. Bon, c'est pas grave. Bon, et toi Déborah? Pareil, je peux pas. Tu peux pas? Non, même pour le vieillissement et tout ça, je peux pas. Ah, ok, mais pourquoi? Combien mesures-tu, Lydia? Non, bah, tu l'as déjà faite. Lydia, non, c'est Déborah. Non, Lydia, non, c'est vrai. Alors, Lydia, moi, combien mesures-tu? 1m47, 43 kilos. Mais... Il faut grandir maintenant. Ah oui, il faut grandir maintenant. Non, c'est parfait. Pour 90B et je mets du 34. Non. Ouais, qu'est-ce qu'elle est bonne. Lydia, on fait l'amour quand tu veux. Bah quand tu veux. Elle est bonne, Lydia. Oui. Lydia, est-ce que tu as déjà vu un monsieur tout nu? Ça m'arrive de temps en temps. Ça t'arrive, bien écoute, j'ai envie de dire tant mieux. La vraie question, c'est la dernière fois que t'as fait l'amour, c'était quand, Lydia? Il y a 15 jours. Ah, quand même, 15 jours. Et la vraie question, c'est... Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Tout à fait, ça arrive, ouais. Ah, je vais vous saouler avec ça, parce que ouais, ça me fait marrer. Bon, il y a un jour, ça a plus me fait rire, je l'enlèverai. Hein. Mais Tout à l'heure, tu t'es bien fait niquer quand même, hein, avec le numéro anti-relou, il t'a bien eu le gars, quoi. Ouais, mais c'est tough, hein, ouais. Ouais, mais enfin, j'avais que ça à lui donner, donc... Bah oui, c'est tough. Mais si tu veux, la prochaine fois, je donnerai ton numéro, je le voyais dans le standard. Ah bah oui, tiens, c'est une bonne idée. Ouais, bah ouais, c'est sympa, ouais. Mais de toute façon, tu risques rien, hein. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Mais exactement. Ouais. Bon, on fait encore un petit appel, les filles, vous restez là? Ouais. Bon, il y aura Logan aussi dans quelques minutes, Mike également, et puis bah c'est parti, hein, direction. L'appel donc pour... je sais pas chez qui on va, on verra bien. On va voir si qu'est-ce qu'ils sont prêts à échanger contre du sexe. Enfin, l'inversement plutôt. Hein, oui, c'est de faire de sexe contre quelque chose. Voilà. Bon, on y va en appel. Allez, c'est parti. C'est parti. Ouais. Est-ce que vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Non. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Oui. Oui, bonsoir madame. Bonjour. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir ce que vous préférez faire à faire l'amour. Je vous emmerde. On va dire pas le rapport. Bah non, mais moi non plus. C'est-à-dire que c'est dingue. On est même pas encore. Elle est pas mal, celle-là. Non mais elle aurait répondu ça. Elle aurait répondu ça à la limite à la fin. Tu sais, quand on lui a pris la tête trois fois déjà ou quatre fois. Bon, je comprends. Mais au premier, on rappelle les filles. Ouais, rappelez là. Ah, tu peux le faire, Déborah, mais avec une nouveau ta voix habituelle. Mais c'est ma voix habituelle. Non, mais genre. Ah ouais, il faut le rappeler. Ouais. Oh, oui, s'il vous plaît. Parfait. Tu vois, ça motive vachement plus. On le rappelle. Allez, c'est chaud, là. Encore. Allez, on rappelle. Encore. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Bonjour. Oh merde. Oh merde. Un appel masqué peut être démasqué. Ah bah oui, là, on s'en est bien rendu compte. Putain, dommage, encore. Dommage. Bon, on appellera d'autres. Ah, tu veux encore, Lydia? Ah ouais. Tu veux qu'on rappelle encore un ailleurs? Ah ouais, on peut essayer. Ouais. Dis encore. Encore. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Vous le saviez ça ou pas? Ouais. Non, après, malheureusement, ouais. Ouais. Bon, je vais vous prendre la tête, je vous ai prévenu. Bon, on rappelle encore un coup alors. Enfin, pas là, encore mais. Un petit coup. Je vous mets encore un petit coup, les filles. Ah ouais, avec plaisir. Allez, je vous mets encore un petit coup. Ouais, ça c'est bon. Ah, il pleut. Bon, tu vois, c'est trop gentil. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir s'il y avait quelque chose que vous préférez faire plutôt que faire l'amour. Vous êtes qui, là? Moi, je suis Toff. Ah ouais, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Comment vous avez eu mon numéro de téléphone? En fait, par un truc magique, mais vraiment, et c'est un procédé hyper compliqué, de en fait rentrer un nom dans un site internet et ensuite ça s'appelle l'annuaire et ça donne des numéros de téléphone. Enfin, un truc. Ah ouais, d'accord. Ouais. Non, mais moi je suis mariée, j'ai des enfants, non. Oui, mais je vois pas le rapport. Ah bah si, mais me contactez plus. Attends, Irène, Alexandre, je suis comme ça là. Oui, non, mais en fait, parce que moi je vous ai demandé s'il y avait quelque chose que. Je vais vous passer quelqu'un. D'accord. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Hello? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Voilà, j'étais avec votre femme et en fait je lui demandais s'il y a quelque chose que vous préférez faire plutôt que de faire l'amour à deux. Oh, ouais, mais vous êtes là, il me fait chier. Alors qu'il avait picolé aussi, comme dans le chéri, je vais le faire cocu. Ah oui, mais je suis chier. Bon, on va le rappeler, les filles, hein. Ouais. Vous voulez que je vous remette un petit coup? Vous voulez que je vous remette un petit coup? Un petit coup. Ouais. Allez, je vous remets un petit même coup. Un gros coup. Ouais, avec plaisir. Et on en fait 2-3. Vous inquiétez, c'est ma tournée, c'est moi qui régale. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, excusez-moi, on a été coupé, j'ai pas eu votre réponse. Oui, mais vous avez eu comment le numéro? Alors, comme j'ai expliqué à votre femme, je l'ai eu par un procédé très complexe. Qui a nécessité plusieurs grands mages et physiciens pour pouvoir l'avoir. Hein, ça s'appelle l'annuaire. Ah ouais, les pages jaunes. Voilà, enfin blanche parce que vous n'êtes pas dans les pages jaunes, mais enfin c'est un détail. Ah ouais, les pages blanches. Voilà, celle-là. Ah ouais. Ouais. Mais ça répond pas à ma question tout ça. Et raccroche, bah c'est ouf quand même. Bon, bah, on rappelle, je vous remets encore un dernier coup les filles. Encore un dernier coup. Allez, c'est la tournée. Bon, allez, je vous remets un dernier coup par derrière. Ah oui, c'est bon, je l'ai. Non, c'est bon. C'est reparti. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Oh le relou. Alors, personne ou quoi? Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Je pensais pas que j'aurais eu le temps. Oui, excusez-moi, mais vous avez encore accroché, vous n'avez toujours pas répondu à la question. Et vous voulez savoir quoi? Mais je veux savoir ce que vous préférez faire plutôt que de faire l'amour. Ma femme ne sait pas. Votre femme... Je vous l'appelle? Oui, si vous voulez. Mais enfin, je l'avais au début, donc en fait, si vous pouviez vous mettre d'accord sur qui va répondre, on gagnerait du temps, quoi. Bah, je vous la passe et après, elle vous repassera, oui, comme ça. Comme ça, on garde la boucle. La boucle est bouclée. Oui. Oui, voilà. Donc, j'étais en communication avec votre mari, à qui j'expliquais que donc je vous avais demandé si, enfin, ce que vous préféreriez faire plutôt que de faire l'amour. Un voyage. Eh ben voilà. Vous voyez que vous savez répondre. Oui. Eh ben voilà, c'est tout. Ben, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne nuit. Au revoir. C'est dommage, vous avez déjà coupé, les filles. Dommage. Putain, c'est dingue ça. Bon bah désolé pour le dernier coup, hein, ils ont répondu là, ils ont répondu. Ouais. J'étais assez surpris d'ailleurs, hein, cela dit. Hein. Julia qui a envoyé un message sur le Twitter qu'il est aussi mort de rire, elles sont énormes les auditrices avec leur encore. Ah, allez les filles, allez encore. Encore. Oh oui, vas-y. Oh là là, vas-y, continue. Tiens, vas-y, tiens, prends ça, chaleur. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Bon, il y a Migoumi qui dit Lydia, je la kiffe, mais faut qu'elle arrête avec, car les mecs de l'équipe vont être à l'étroit dans leurs pantalons là. Et Fabrice qui dit vous êtes des grands malades. Et Stéphanie qui dit Polo, Mickaël et Polo vont rêver de Zorro cette nuit, mais non. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Et encore Julia qui a envoyé un message qui dit je suis en train de penser que moi non plus, je n'ai jamais eu mon message de bienvenue. Julia, comment ça, t'as jamais eu le message de bienvenue? C'est dingue ça. On va t'en mettre un maintenant, un petit message de bienvenue. Là, attention, c'est parti. Je te mets dans le cul, c'est bon maintenant. Et toi Lydia, t'as déjà eu ton message de bienvenue? Allez hop, c'est parti. Ah, mais t'en as déjà eu un ou pas? Parce que pas deux fois. Eh ben non, hein. Ah bon non, vas-y, roule. Eh ben écoute, roule, t'inquiète. Encore toi, oui, je sais encore, t'as compris. Allez vous faire foutre. Voilà, oui, c'était pas mal, effectivement. Et bon, alors, toi aussi t'en veux un, Déborah? Oui, mais un bien encore, comme la semaine dernière, là. Mmh. Oh là là, d'accord. T'es une grosse salope. Ah bah oui. Voilà, ça te va ça ou pas? Nickel. Parfait. Avec et Déborah, si tu as 5 minutes, va sur polo@funradio.fr et mets-nous des photos. Ouais. À moyen. Une grosse salope. Mais tu savais que. Tu savais qu'un appel masqué peut être démasqué. C'est grave. Moi, je vous suis sur Instagram. Enfin, je suis nickel. Ah, mais c'est bien, Déborah. Tu suis les meilleurs. Tu as raison, Déborah. Ouais. Bah, moi, je suis jalouse. Un petit coup de pelle pour Déborah. Là. Oui, d'accord. Voilà. Mais et les filles, est-ce que vous êtes sur l'Instagram, le Twitter et le Facebook de l'émission? Et non. Bah alors Lydia, t'es sérieux? Un coup de pelle dans ta gueule. Non mais alors. Bah comment ça se fait Lydia? Allez, encore une bosse. Ouais bah oui, encore une, oui, mais tu mérites jusqu'à ce que t'aies créé ton compte Facebook. Eh ouais, mais j'ai pas internet, hein, désolé, moi je vis à l'ancienne encore. Ah oui, mais enfin dans les Vosges, évidemment. Allez, Lydia, bah ouais, on est pas connecté. Bah ouais, ça c'est, je remarque ça, effectivement. Les SMS c'est avec des signaux de fumée chez elle. Ouais, c'est ça, ouais, c'est en morse. Bon, et alors. Boulot. Oui. Bon, les filles, dans un instant, vous voulez écouter quoi comme son? Il y a un son comme ça que vous kiffez ou pas? Non, ce que vous voulez, ça fera plaisir. Ok, d'accord, très bien. Ouais, et toi, Déborah? Avicii, vous l'avez passé? Avicii, encore? Oh, mais j'ai pas suivi. Ok, bah, ce que vous voulez alors. Ouais. Bah, écoute, on m'avait demandé, il y a. C'est quoi? C'est Caca Bleu qui m'avait. Des Econ. C'est qui m'avait demandé le son d'Econ et Eminem. Ça vous va ça? Nickel. C'est pas mal, non? Ouais, moi j'aimerais bien un petit sextoy en cadeau si c'est possible. Oh la cochonne. Hello, directement. Ouais. Hey, on n'a pas terminé les filles, vous avez pas encore parlé de Mike là. Je suis un sextoy, je peux venir chez toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, mais, et Déborah, Lydia, c'est une vraie chaude. Hein. Déborah, ouais, complètement, ouais. Déborah, Lydia, restez là, il y a Logan également. Logan? Oui. Par contre, ça va pas être possible, hein. Comme t'es mineur, tu peux pas rester dans ces discussions. Hein. Ah non, je suis désolé. On est obligé de rester entre adultes consentants. Ah, voilà, c'est ça. Donc là, il y a maman, c'est... Bon, tout le monde au lit, maintenant. Ah ouais, musique, là, bah, carrément, on peut pas... Bodou blib, bobo gip, bodoa da, do da, doa ma... Oh la vache. Allez, génial. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Bon, on revient dans quelques minutes. Hein, Logan, Déborah, Lydia, Mike, vous bougez pas? Ouais, ça marche. Bon, c'est Caca Bleu qui l'avait demandé le son des connes Eminem. avec Smackdat. Bon, à tout de suite, on vous reprend dans quelques minutes. Et bienvenue si vous voulez débarquer, c'est Mickaël No Limit et j'ai toujours la boîte de la PS4 à vous offrir et de la Xbox One sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel, on vous attend. Alors, ça vous a plu les filles? Ah, nickel. Nickel, bon, nickel. Parfait. Lydia, on a quelqu'un qui voulait absolument te parler. Ah bon? Ouais, bon, un mec, d'accord. Un vrai. Ouais, un vrai. Un vrai, on ouais. A Mamadou avec nous là. Salut bon, Mamadou, ça va ou quoi? Salut, ça va ou quoi? Salut ça Mamadou va, tranquille. Toi tu voulais parler à Lydia Mamadou avant qu'on récupère ouais, Mike. Ouais, voilà, je voulais parler à Lydia moi. Vas-y, bah, vas-y, Mamadou, Lydia, Mamadou, les présentations sont faites. Eh, hey, Mamadou! Attends, moi je pense que ouais. Mamadou doit d'abord dire pourquoi il appelle et après il drague Lydia. Ouais, mais attends, justement. Il appelait pour un sujet. Ouais, hein. Mamadou, est-ce que tu savais que. Vous savez qu'un appel masqué peut être masqué? Relou. Tu sais. Ah, tu sais galère, Mickaël, tu galères, t'es une galère, toi. Bon, Mamadou, attends, je vais ouais. D'abord laisser la surprise. Parle d'abord à Lydia, on parlera de ton problème après. voilà, non, ça y va. Allô. Ouais, salut. Ouais. Ça va ou quoi? Ouais, ça va et toi? Ouais, tranquille, tu m'as l'air excité ce soir, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai l'air excité maintenant? Je suis normale, hein. La vie est belle. Ah, t'es toujours comme ça en plus? Eh ben oui. Putain, ça me donne encore deux fois plus envie de te rencontrer. Ah bah ben ouais, mais faut que tu prennes tes mains mon coco, hein. Ah ouais? Ah ouais, parce que... Un appel bon. Masqué peut être démasqué? Voilà, ouais, en plus, ouais. Ah ouais, en plus. Ouais. Mais t'inquiète pas, c'est moi, je vais te démasquer alors. Ouais. Bah ma foi, ouais. Hein, essaye, hein. Ah Mamadou, tu vois, t'as pas la manière, alors regarde, moi, je vais essayer. Ça va, Lydia? On a aimé, toi, mon chéri. Mais oui, en pleine forme. T'as envie ouais. Que je te démonte ce soir? Bah écoute, bah viens me rejoindre. Hop, t'as vu? Hop là! Et voilà, bingo, mec! Ouais, bien joué. T'es trop balèze, Mickaël. Quelle est bonne! Toi, tu la veux deux fois. Quelle est bonne! Mamadou, il est pas dur parce que les doux. Oh mon dieu, c'était du mal. T'inquiète pas, Mamadou, il est dur. Ah oui, ça c'est sûr. Bon, Mamadou, toi t'aimes le sexe, mais c'est quoi ton problème? Moi, mon problème, c'est que ma meuf, voilà, moi j'aime le sexe et elle aime ça, mais différemment quoi. C'est-à-dire différemment, je comprends pas. C'est-à-dire que moi j'aime bien le sexe anal et elle, voilà. Ah et elle, il aime pas. Ah elle aime pas trop ça, ça lui bon, fait mal. Oui, c'est ouais, des calibres tas, c'est quoi le calibre du Mamadou? Ah c'est du calibre 12, hein, c'est du lourd. Hein. Ouais mais est-ce qu'il faut dévisser avec une clé de 19? Mamadou, un conseil, ouais. Nous on connaît bien Rocco. Enfin on a plus ouais. Son numéro mais on l'a connu et il propose... Qu'est-ce qu'il propose, sauf à chaque fois? Rocco, il a dit il faut préparer un anal. Voilà. C'est le plus important, c'est qu'il faut la préparer un anal. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, Mamadou, reste avec nous. On va parler avec toi dans quelques minutes. Là, reste là. En attendant, il y avait Mike quand même qui était là. Et il faut quand même penser à notre forfait SFR qui va nous faire ah de oui, magra pense, là. Bon, ah bah oui, c'est vrai, c'est ça. Bon, Mike, donc toi, tu t'étais engagé. Hein, donc on a le full illimité pour gratuit, c'est ça hein. On verra ça demain. Ouais. Moi, j'en veux bien aussi, moi. Oui, bah Lydia, dis donc. Hein. Bah ouais. Envoie-nous des photos nues et après on en reparle. Bon, Mike, toi tu parlais des relations longue distance et donc il y a Déborah qui avait appelé pour réagir à ça. Hein. Déborah, donc 23 ouais. Ans d'Amien. Est-ce que t'as déjà vécu des relations longue distance toi? Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Hein? Non, je suis en plein dedans. Ah, t'es en plein dedans là? Ouais, dans la relation. Oui, j'ai compris, oui. On va avec vous. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et du coup, en fait, justement, il y a quelques mois, j'habitais sur Paris encore. Ouais, c'est dommage d'être partie, Déborah, si vite. Ben, je suis encore repartie parce que justement, je connais mon copain depuis 2 ans. Il est coréen. Ah, il est coréen? Mais du nord ou du sud? C'est Kim Jong-un. Ça va, c'est on l'a fait tout le temps. Ouais, j'imagine, ouais. Note, en même temps, s'il était du Nord, il serait jamais venu. Hein, mais bon, on souhaite. Donc, vas-y. Ouais. Et du coup, en fait, je l'ai rencontré sur Paris, donc ça fait 2 ans maintenant qu'on est ensemble. Et lui, il est reparti. Il est dictateur. Bah voilà, en fait, c'est le fils caché de gens. Et en fait, donc, il est reparti il y a quelques mois, enfin, il y a 6-7 mois, en Corée du Sud pour faire son service militaire. Ouais. Oh, mais quelle misère! Mais il a fini. Ah ouais. Et, D'ailleurs, il vient sur Paris là, la semaine prochaine. On pourra venir vous faire coucou si vous voulez. Avec plaisir, Déborah. Sans dictature. Ouais, alors. Par contre, les mecs sont pas autorisés à rentrer dans les studios de fun. Oh. Ah, mais non. Oh. C'est l'odeur, nous on n'aime pas les hommes. On laissera sur la porte, Maria. D'accord, oui, on le laissera sur la porte, oui, d'accord, qui en fera ça. Clouette, on la cachera. Non, mais on plaisante, évidemment, ouais, vous non, serez les bienvenus, Déborah, il n'y a pas de problème. Bon, et donc, du coup, dans la relation longue distance, on était où là? Bon, bah, du coup, là, ça fait 2 ans, ça va faire bientôt 2 ans aussi, et on va aller tous les deux s'installer à Toronto. Là, je pars, sympa, je pars en décembre. Ouais. Et ce qui est tout à fait logique, hein, puisque donc on a une Française et un Coréen, ils vont s'installer à Toronto. Voilà, donc c'est-à-dire logique. Logique. En plus, c'est super bien. T'as déjà été au moins, Déborah, là-bas? Mais justement, je suis allée à Montréal. Ah, ça n'a rien à voir. Mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est pourri. En plus, je me suis pété le coude. Ouais, enfin, ça, c'est pas de la faute de Montréal, hein, mais bon. Moi, le temps quand même. Enfin bref, donc j'ai retourné. Et ouais, à Toronto, j'ai déjà fait et c'est cool, quoi. Ah ouais, franchement, moi j'ai adoré. D'ailleurs, on passera 30 visites, hein, Déborah, si tu peux nous héberger gratos. Nous. On verra. Ah non, attends, non, mais attends. Qu'il la radio. Le dictateur, il doit bien avoir une 3-4 villes. Eh oui, voilà, c'est ça. Tout dépend si on t'accueille la radio, Déborah. Voilà, tout à fait. Non, mais ça, de toute façon, tu viens quand tu veux, il n'y a pas de problème. Même si tu nous invites pas après à Toronto, c'est pas un problème. Mais en revanche, à Toronto, pas de soucis, ouais. Et je rappelle que Polo organise toujours des visites nocturnes. Hein. Oui, tout de la radio, bien entendu. Hein. Visite un peu particulière, on vous explique ça, évidemment, oui. Sur le contrat que vous signerez. Bon, bref. Et donc, du coup, toi, Déborah, tu conseilles quoi à Mike? Est-ce qu'il doit aller jusqu'à Clermont-Ferrand ou est-ce qu'il reste chez lui? Il fait quoi? Mais moi, je lui conseille d'y aller, puisque ça fait 2 ans, c'est pas comme si c'était une relation assez récente. Parce que moi, je suis dans son cas aussi. Enfin, je suis dans son cas s'il part, puisque moi, je quitte tout, justement. J'ai tout quitté pour, en quelque sorte, mon copain. Et du coup, je pense que c'est une expérience à tenter de toute façon. Parce que même si jamais ça échoue... Tu rentres. Quoi? Bah, tu peux rentrer, quoi, si jamais ça part en couille. Ouais, ou même, moi, je peux rester là-bas, de toute façon. Oui, aussi, accessoirement, ouais. Mais ce qu'elle a oublié de dire, parce que bon, Déborah est une fille bien élevée, Mike, c'est que effectivement tu dois te barrer, mais pas sans nous avoir filé le forfait. C'est vrai, gère d'abord le forfait, ensuite tu peux partir l'esprit libre. Exactement. Ouais. Et toi, et toi Logan qui est avec nous de Dax là, salut Logan. Salut. Ça va bien? Oui. Bon, très bien. Ça va, t'es pas choqué par les propos là? Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Non, ça c'est une remise en question de tous les fondements de la société. Hein. Ah, mais ça c'est la grande question de la soirée. En parlant de masque, Logan, tes parents t'ont appelé comme ça par rapport à Wolverine ou pas? Non, par rapport à Alicia. Par rapport à Wolverine. Bah d'accord, ok, très bien. Bah c'est mieux hein, que par rapport à Dacia Logan. Ah oui, bon. Bon, on l'a déjà fait. Ouais, bah, j'imagine. La voiture du pauvre. Bah du pauvre, non, mais bon, elle est pas chère quoi. Bon, alors Logan, donc tu voulais dire quoi toi par rapport aux relations longue distance? Bah, quand on a... J'en ai vécu une pendant 2 ans et demi. Ouais. Entre et vous bah, moi, j'étais en Bourgogne avant et elle au nord Pas-de-Calais. Ah oui, il y a un peu de marge. Et vous vous étiez rencontrés où? Pendant une convention à Paris. D'accord. Bon, ok. Une convention de quoi? Parce que... Le Japan Expo. Ah, Japan Expo, d'accord. Bon, et donc, du coup, après, comment ça s'est passé? Bah, on parlait en contact, puis après... On a perdu le contact. T'as un peu perdu de vue parce qu'elle répondait plus. Et quand elle t'appelait en numéro masqué? Non. Ah. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Parce que sinon, moi, je connais un mec, il a le bras long. Hein. Ah oui. Ah, et si vous cherchez des numéros masqués, à démasquer, etc., il n'y a pas de problème. Moi, il y a Mike qui bosse chez SFR. Ah, mais je viens de les quitter en plus chez SFR. Ah non, Logan, non, c'est pas bien. Hein. Il faut que tu reviennes avec nous. Ah, ouais. Je suis en train de faire revenir tout le monde pour avoir un prix de groupe. Ah bon, bah alors ça va, ouais, très bien. Il va se faire virer. Mais non, au contraire. Bon, et Logan. Oui. Du coup, tu conseilles quoi, Mike? D'y aller ou de pas y aller? Bah, qu'il fonce. Ah, il fonce. Bon, ouais. D'accord. Et toi, Lydia? Bah, écoute, qu'il fonce hein, aussi. Parce que bon, s'il attend à distance, à mon avis, il s'est un petit peu mort, quoi. Oui, bah c'est ça. Donc, Mike, faut y aller à un moment. Hein. S'il a rien à perdre, bah tu comptes, et puis si ça va pas, bah il revient quoi. Oui, ou pire, mais tu peux. Voilà, ouais. Tu peux te faire muter à la limite, comme il y a des boutiques, comme t'es chez SFR, tu peux muter, il y en a partout en France. Non, c'est un peu. Des filles, il y en a partout, hein. Ouais, des filles, il y en a partout aussi, Lydia, c'est vrai, mais bon. Mais donc, voilà. Mike, tu disais que c'était compliqué le travail là-bas. Quand on trouve la bonne aussi, après, c'est un peu compliqué de. De changer. Ah mais t'emballes pas, Mike, hein, t'emballes pas. Ouais, mais t'as quel âge ? Attends, il a 23 ans. Il a 23 ans, mais Mike. Ah ouais, non mais attends, t'es tout jeune, t'as la vie devant toi. Qu'est-ce que tu peux chercher là, quoi ? Mais oui, parce que Mike, je te le dis directement, dans quelques années, tu vas nous rappeler pour dire que t'es en kiff sur l'autre meuf. Hein, ouais, donc, oui. La bonne, ce sera pas. Hein. Mais bon, en même temps, ça peut faire un kiff. Ça peut faire un kiff de quelques semaines, mois, années. Ouais. Non, voilà. Mais ça se trouve, c'est la bonne avis. Vas-y, mec, vas-y, n'hésite pas. De toute façon, si t'essayes pas, tu sauras pas. Et moi j'ai 22 ans et demi, je rêve de trouver la femme de ma vie. Bien sûr, évidemment, 22 ans et demi plus toutes les taxes qui vont avec. T'as pas trouvé Lydia? Non mais je pense que Lydia veut pas de moi là. Ah mais ouais, c'est peut-être aussi, c'est peut-être. Bah, merci Logan en tout cas d'être passé. Moi on m'a toujours dit pas de couilles, pas d'embrouille. Pas de couilles, pas d'embrouille. Merci Lydia pour cette. Et moi, on m'a toujours dit également que. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Ouais. Ça, c'est ce qu'on m'a toujours dit, en tout cas depuis une heure et demie. Bon, ben merci en tout cas, Logan, d'être passé là. Merci à toi. Tu reviens quand tu veux sur Fun. Hein. Pas de problème. À bientôt. Je peux passer une dédicace. Allez, vas-y, il y a une seule personne. Hein. Vas-y, vas-y. Bah oui, je fais une dédicace à Fabien, qui est là depuis un an. Très bien. Beaucoup aidé. Et bah voilà, bah le message est passé, Logan. Merci à toi d'être passé, à bientôt. Au revoir, Logan. À bientôt. Salut, Logan. Ciao. Salut, Logan. Hey, Déborah et Lydia, ça vous ferait kiffer, vous, de gagner la boîte vide de la PS4 et de la Xbox One? Ce serait la folie, quoi. La boîte vide, oh, putain, les radins, ouais. Bah, c'est pas les radins, elle est pas sortie encore. Quand elle sera sortie, on vous l'offrira. C'est mais parce que, tu vois, elle est... Ouais, je veux bien, alors. Voilà, elle est pas sortie. Alors, il y en a qui se pavanent de l'offrir avant tout le monde, mais au final, ils peuvent pas, parce qu'elle est pas sortie. Moi, je veux bien. Je veux bien PC, moi, vu que j'en ai pas, je veux bien PC. Attends, Bah moi, je voudrais bien gagner au loto. Non. Et pourtant, regarde, il se passe rien. Oh, les radins. Scandaleux, hein, scandaleux. Et moi, je veux bien démasquer un appel masqué. Ouais, voilà, exactement. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Ah oui. Donc, tirage au sort pour la PlayStation 4 et la Xbox One. La boîte vide, bien entendu, hein, puisque nous sommes honnêtes. Eh bien, vous allez pouvoir la gagner dans moins de 5 minutes sur Fun Radio. Il faut simplement aller sur le Facebook de l'émission maintenant. Facebook.com/Mickaël officiel. Tout simplement, vous faites un like et puis on vous tire au sort dans quelques minutes. Il y a Stéphanie qui dit oh, le polo, il est romantique. Il y a Kawet qui dit si il est amoureux, laissez-le partir. Julia qui dit Mamadou la classe, oui c'est sûr. Youssef qui dit Mamadou il y va fort. Il y a Timmy qui dit la photo de Déborah ce serait cool. C'est une chaude. Ah non, je suis pas chaude. Je suis juste ouvert d'esprit. Mais tu as une petite voix coquine. Ah t'appelles ça l'esprit toi? Ouais. Ah, moi je fais pas ça comme ça. Ouais mais j'ai une tête de fille toute sage, hein. Ouais, t'as une tête de fille sage. Ouais mais tu sais c'est en général c'est les pires, hein. C'est comme les McCain, hein, ceux qui en mangent le moins. Exactement, ouais. Et il y a une fouine qui dit je serais une meuf blonde avec des bêtes seins. Vous m'auriez déjà retweeté, donné un coup de pelle. Bah non, une fouine, qu'est-ce que tu racontes? Le poussel, tu vas te le prendre, tiens, justement. Tiens, prends-le le coup de pelle. Dans ta gueule. Et un deuxième, et en plus de ça. Vous savez qu'il y a un appel masqué qui peut être démasqué. Voilà. Il y a Snorky qui dit aussi je n'ai pas eu non plus mon message de bienvenue. Pourtant, je lui ai demandé 4 fois, je suis déçu. Oh, Snorky, il y a du monde, je peux pas le mettre à tout le monde non plus, hein. Je peux pas dire tout le monde. Comment je fais pour dormir la nuit sans toi? Oh non, il est pourri celui-là. Je vais t'en mettre un autre. Elle va te faire enculer au clochard. Et comme tu l'as demandé depuis longtemps, eh ben je vais te le remettre complètement. Ah, t'as été coupé, mon con. Eh ben viens, moi je te coupe entièrement. Espèce de petit pili de merde, va. Amène-toi, tu vas voir un petit peu, je t'accroche derrière ma voiture et je te fais courir jusqu'à Fouriane. Tu vas voir un petit peu si tu vas plus mettre de chaussures pendant toute ta vie. Espèce d'enculé, va. Il était sympa. Elle est trop bonne. Elle est trop bonne. Ah, lui, c'était une ferme. Ah bah lui, il était plutôt la cool, ouais. Il y a Maxime qui dit Déborah, elle a une voix de téléphone rose. Ah bon? Ah ouais. Ouais. Ouais. Comment? On reconnaît l'habitude, mec. Je, hein, quand même. Je ne savais pas. Comment ça, j'ai une voix de téléphone rose? Je comprends pas. Non, je comprends pas. Non, je comprends pas. Moi non plus. Ah non, moi non plus, je comprends pas. Il y a Megumi, je suis d'accord avec Polo, Déborah et Lydia, elle m'excite un peu. Ah oui, mais Megumi, elle aime les femmes qui aiment les femmes, entre autres. Allez, recto verso comme tof. Il faut faire un truc à 4. Hein. Bah oui. Et Rémi qui dit, vous l'avez eu comment le numéro? Quel numéro? Celui-là? Non, c'était le mec qui avait... masqué peut être démasqué. Celui-là? Non, c'était pas celui-là, c'était l'autre avec l'annuaire. L'annuaire. Ah, avec l'annuaire, oui, d'accord. Bah, c'est parce qu'il y en a plein qui nous donnent le numéro de téléphone, en fait, tout simplement. Et il y a Fanny aussi qui dit, je suis nouvelle, je peux avoir un message de bienvenue. Mais bien sûr, Fanny, allez, tiens, voilà. Merde, il y a marre. Espèce d'enculé, va. Oh, celui-là, on vient de le mettre. Attends, je vais t'en mettre un. Hop là. On va faire chier ta meuf, là. On cule ta meuf, mais lâche-moi les couilles, là. Voilà, Fanny, avec plaisir. Bienvenue à toi. Et Caroline qui dit, ça fait plusieurs fois que je demande de bienvenue. Encore? Bah, bienvenue aussi pour toi, hein. Attention. Vous vous faites chier. Non, ça, c'est quand même un message de bienvenue sympa, mais bon, quand même. Alors, attends, je vais t'en mettre un nouveau, tiens, voilà. Je vous emmerde. Voilà. Et Léo qui dit je veux un message de bienvenue aussi, bah ça va être la soirée. Et après on va pas en faire toute la soirée non plus, hein. Tu fais chier que cette espèce de con. Et ben voilà, tiens. Et puis Axel aussi qui est arrivé. Et ça fait plusieurs fois que je vous écoute et je veux pas eu mon message de bienvenue. Bon, allez, c'est le dernier. Après, c'est. On ferme boutique là. Après, c'est plié. Espèce de pourri de bâtard. Voilà, et Nina qui dit allez, paye ta boîte vide, beau gosse, va. Ben bien, oui, ben, hey, qu'est-ce que tu crois, Nina? Ben, on va se le faire dans un instant, l'appel, tiens. Ben, du coup, Mike. Ouais. On se retrouve demain à la boutique? Ouais, y'a pas de soucis. Non, mais on vient, hein, vraiment, hein, Mike. Hein. Et tu fais un truc. Y'a vraiment pas de soucis. Ah, viens vers 14h30. Il n'y a pas de souci. Ah non, 14h30. Bon, écoute, on voit en antenne, mais un peu plus tard. Ok. Non, parce qu'en plus, je t'ai quand même appris que... Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Ah bah oui, attention, c'est la grosse information du jour. Hein. Je te donnerai toutes les informations pour savoir ça. Non, on veut un forfait moins cher et un téléphone en... Gratuit. Voilà, on va aller chez SFR et on va avoir un forfait free. Enfin, gratuit. D'accord. Bon, merci Mike, merci d'avance, on vous remercie encore cordialement. Ouais. Par contre, dis-moi, est-ce que il y a moyen de gratter un petit pack fun quand même? Évidemment, deux, je t'en offre deux. Comme ça, tu en as un pour la main gauche, un pour la main droite. Voilà, bah oui. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Bah oui. Alors, le deuxième, il est pour ma copine. Alors, si tu veux. Réveillé juste pour nous écouter. Oh, oh bah voilà, et bah la copine, mignon. On va même t'envoyer un petit vibromasseur, un petit god. Mais oui, et on va vous en envoyer un aussi. J'imagine que Lydia et Déborah, vous êtes chaudes à mort ou pas, hein? Ah ouais. Bon, bah, très pourquoi bien. Pour les godes. Non, j'en ai déjà, moi c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, tu es le big monster, Déborah. Ah, très oui. Bien. Ah, bah, à côté de ça, on peut pas rien faire. Ah, hein, ça, c'est. Ah, bah, moi, je ne compte pas, alors je m'occupe. Quand elle te dit que c'est une cochonne. Bon, ah, oui. Quand est-ce qu'on se voit, là? Parce que là, je peux plus, là. Non, mais après, surtout. Elle est plus cochonne que moi. Ah, ouais, mais moi, j'en ai pas, moi. Mais le pire, c'est qu'après, elle dit. Comment j'ai une voix de téléphone rose? Oh là là. Bah, Dieu, t'as la lumière. Elle prend pas. Elle a la lumière. Ils doivent faire 40 cm là. Eh, nous, on a un marteau piqueur. Ah ouais, exactement, ouais. Allez, mets-toi. C'est pas ton Big Monster, ça. Ah, je veux celui-là, je le veux. C'est pour moi, je veux. Bon, c'est pour moi, je veux celui-là. Bon, bah, Déborah, je te fais des gros bisous. En tout cas, tu reviens quand tu veux. Bah, tu passes avec ton mec, y'a pas de problème à la radio, sans souci. Ouais, bah fin du mois alors. Eh bah écoute, je te laisse gérer ça avec Sandro au standard. Ok, ça roule. Salut Débo, gros bisous Lydia, on va t'envoyer ton petit vibromasseur. Le Zippy Bunny au faire part. Passage du désir.fr. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Également. Bon, bah, vous voulez pas rester Lydia. Jusque 8h là? Vous voulez pas rester jusque 8h là? Moi je vais m'ennuyer là. Jusque 8h, comment te dire? Si je vois des connards à 6h. C'est pas que tu comprends. Non mais. C'est pas que... Bah, un de ces quatre, on fera jusqu'à 6. Un de ces quatre, mais plutôt le 5. Ah, c'est cool. Voilà. C'est cool. Bah, écoutez, continuez comme ça. Vous êtes vraiment super. Ah, merci. C'est bon moment. Mais vous aussi, les filles, vous étiez superbes. On veut les photos. Ouais. Voilà. Plein de gros bisous. Je vous embrasse. Salut les filles. À bientôt. Et à demain, Mike. Hein. À demain, la boutique. Ouais. Hein. Bon, on passera. Y a pas de soucis. Salut, Mike. Ciao à toi. Bye. Vas-y. Bye bye. Ciao. Bon, Mamadou. Ouais. Bon, on te reprend demain, ça te dérange pas? Big Monster. Ah, ça me dérange pas, mais Lydia sera plus là, Lydia. Ah bah non, mais de toute façon, Lydia elle a pas envie de toi, mec, hein, comme ça c'est clair, les choses sont pliées. Hein. Lydia préfère mettre un god que utiliser un vrai homme. Bah. Mais excuse-moi, t'avais pas une meuf, Mamadou? Ah oui, c'est vrai ça, non? Bah non, je suis polygame, moi. Ah d'accord, ok, très bien. Bon, bah, attendez, chez nous les Maliens, on est polygame de père en fils. Mais oui, bien sûr. Bon, ça y est, j'ai trouvé mon excuse, je suis malien. Voilà. Bon, voilà, Mamadou, on te récupère demain et on parle de ton problème, d'accord? Y'a pas de soucis. Salut Mamadou, bah c'est une bonne nuit. Un bisou à toute la France. Eh ben on embrasse tout le monde. Salut Mamadou. Bon alors top tweetos et puis le gagnant également du cadeau exceptionnel puisque nous effectivement nous sommes honnêtes. On vous offre la boîte vide de la PS4 et la boîte vide de la Xbox One en exclu total mondial, interplanétaire, intersidéral. Ouais. C'est-à-dire qu'on en parle apparemment, on est numéro 1 sur Mars. Sur le Twitter de Jupiter. Ouais c'est ça, il paraît. Voilà, ouais. C'est on le Jupiter, exactement, on est top Terre. Voilà, top Twitter, top voilà jupe. C'est ça, top jupe. On est en top jupe. Ah on pèse les gars. Ah oui bah attends, qu'est-ce que tu crois? Ouais. Bon alors du coup, top Twittos, justement, quels sont les 5 auditeurs, quels sont les 5 meilleurs auditeurs de la soirée? Les 5 auditeurs les plus influents, numéro 5. Safraja. Numéro 4. Morgan 88S. Morgan 88S, très bien. Numéro 3. Rafa. Rafa numéro 2. Nanu, très bien. C'est Clem en fait, c'est ça pas Je sais pas parce qu'en fait je peux pas non. le voir ça. Ah, Nanu, tu vois c'est que pas ça. Ah non, parce que je confondais avec une autre alors. Attends. Bon, et numéro 1 Bah, comme d'habitude. Bah, let's be freaks. Et non, et Nanu. Un appel masqué peut être démasqué. Ah, bah oui, tiens, effectivement, oui. Et Nanu, c'est Nanu. Eh bah, Nanu, c'est Nanu Naya. Eh bah, voilà, bah, très bien, parfait. Bon, bah, bravo en tout cas. Donc, alors. C'est Nanu Naya, c'est ça ouais. Nanu Naya. D'accord, Nanu Naya, très bien. Bon, eh bah, voilà, bah, très bien. Bon, eh ben bah, le top tuto, c'est terminé. Reste plus que le tirage au sort maintenant, hein. Ouais. Oh, Caroline qui dit merci pour le message, mais genre, vous. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Non! Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Ah bah je savais pas moi, putain, mais merci bon, Caroline là, putain, on vient de découvrir, je vais nous apprendre un truc là. Merci beaucoup Caroline. Bon, allez, c'est parti, tirage au sort maintenant, on appelle le gagnant ou la gagnante là pour. Enfin les, parce qu'il y en a deux, il y a une boîte PS4 évidemment, vide bien entendu, et une boîte Xbox One vide également, puisque les deux consoles sortiront que à la fin du mois de novembre, donc ne croyez pas ceux qui vous disent qu'ils vous en offrent en exclu, puisqu'ils ne peuvent pas. Hein, ouais. C'est comme si je vous disais que je vous offre la PS9. Ouais. C'est ou l'iPhone 8. Ouais, je vous offre l'iPhone 8. Bon, vous l'avez gagné aujourd'hui, mais vous serez livré dans 6 ans. Hein, donc c'est sympa, mais bon, ouais, ça marche moins bien quoi. Bon, allez, on appelle maintenant le gagnant, la gagnante. C'est parti. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche, elle repart ou il repart avec la boîte de la console vide, bien sûr. Mais vide, hein, y a rien. Allô. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Pierre. Salut Pierre, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. Ouais, je sais. Ah bah très bien, t'as fait ton like sur le Facebook? Ah bah bien sûr. Bon, est-ce que tu veux gagner en exclu total interplanétaire la nouvelle boîte de la PS4 ou ouais, de la Xbox One? Bien sûr. Tu veux quoi? Tu veux la Play ou tu veux la Xbox? La Play. La Play, ah bah bravo. Merde, Bibo qui a parti tout seul. Oh putain, c'est énorme. Oh là là, putain. Mec, t'as trop de chance. De quoi tu dis? C'est trop bon. Ah t'as vu un peu là putain, on n'est pas des enculés nous hein. Non jamais. On bah, est honnête. Depuis 2 semaines, 3 semaines à peu près, vous êtes pas des enculés. Hein. Eh ben bah, sois le bienvenu hein. C'est le pourri de bâtard. Eh bah... Merci. Avec plaisir, avec plaisir. Bah, attends, reste là, on va appeler l'autre qui a gagné. Mais du coup la Xbox One, lui, c'est une boîte vide. T'excites pas. Ah ouais, c'est la boîte vide. Hein. Alors attention, ouais, on va appeler maintenant. Sais, c'est pas grave. Non mais c'est très bien. C'est une salope déco. Oui bah exactement. Et tu l'auras en primeur. Yeah. Parce qu'on va te l'envoyer dès demain. Alors, mais il faut que ça décroche là. Allez. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 06. Bon attends, on va lui laisser un petit message là. On en a un autre ou pas en stock là? On va essayer d'appeler. Je peux trouver ça. Bah trouve ça. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Non, on va le faire. Une ouais. fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, salut, c'est Mickaël. Bah, on t'appelait parce que putain, t'es passé à côté de la Xbox One là. Ouais, enfin, la boîte vide là. Oh là là, quel drame, la catastrophe. Mais oui, une cata. Bon, bah tant pis, bah tu retentes ta chance quand tu veux. En tout cas, il n'y a pas de problème. Bon, du coup, on va tirer quelqu'un d'autre au sort hein, sur le Facebook. Tu pourrais, mais non. Attends, on va d'abord. Non, sois pas gourmand, mec. Deux boîtes vides, c'est mais quand oui, même énorme. C'est ça. Attends, on peut pas se permettre. Pas de boîte vide. Rappelle-moi juste ton prénom, j'ai oublié de le noter. Pierre. Pierre, voilà, c'est ça. Bah reste là, Pierre. Attends, on va appeler maintenant le deuxième éventuel gagnant, là. Attention. Je rappelle que c'est la boîte vide de la Xbox One qu'on vous offre. Hein. Il gratte deux boîtes vides. Ah bah, fou, il veut deux boîtes vides, il est fou. Sérieux, quoi. Les mettre sous le sapin, là. Mais oui. Drôle. Allô. Allô. Bonjour, comment tu t'appelles? Anissa. Anissa, c'est ça? Oui. Très bien. Anissa, t'as quel âge? 21 ans. Anissa, tu sais ce que tu viens de gagner? Ouais, je suis en train d'écouter. Eh ben voilà, la boîte vide de la Xbox One. Je ne crois pas. Je me suis gagné. La boîte vide. La boîte vide. La boîte vide. La boîte vide. Eh ouais, parce qu'on n'est pas des connards, nous. Je peux pas trop crier, donc bon. Non, mais t'inquiète pas. C'est pas un souci, y a pas de problème. Bon, ben voilà, la boîte vide de la Xbox One, elle est toute belle, elle est là. Regarde, là, c'est la PS4. Ah ben, merci beaucoup, franchement. Et la Xbox One, elle est là. Ah, elle est trop belle. Et t'as vu, ça sonne super. Pas pareil hein, les deux boîtes. Ah non, c'est pas pareil. Bah, c'est on pas sent le même vraiment la différence de console. Ah oui, bah, franchement, ouais, ils ont bien travaillé et tout sur le truc. Et donc, ça c'est pas mal. Et vous voulez qu'on vous la dédicace ou pas, tant qu'à faire? Allez, pourquoi pas mais... bah, vous pouvez dire non si vous voulez pas qu'elle baisse de. Tu vois, que le tarif baisse, ouais. que sa valeur baisse. Non, hein. Elle va prendre de la valeur. Ah bah, je sais pas. Bon bah d'accord, ok. Bon. Bon on le fera alors, y a pas de soucis juste, Anissa et Pierre. Juste Nina avant que tu partes. Cool. Non c'est Anissa. Anissa pardon. Ouais, combien Nina mesures-tu sur Facebook mais c'est Anissa en vrai. Ah d'accord, ok. D'accord, donc combien mesures-tu? Voilà. 1m65. Combien pèses-tu? 45 kilos. Il faut manger maintenant. Hein. Non, pas du tout. Allez, ah si, il faut manger. Après. Ça va. Quel est ton tour de poitrine? 85B. Et c'est bon. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 34. Oh là là. Bonne. Bonne. Ah oui. Tous les jours, ça. Ah bah, on le dit tous les jours, ouais. Ça. Écoute, là, c'est comment ça la ramène. Bon, bah, Nina, bah, bravo à toi. Et Nina, tu savais que. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Ah oui, je le savais, je l'ai entendu toute la soirée. Ah bon, je comprends pas. Il y a une autre radio qui nous copie encore? Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Je ne savais pas. Bon. En tout cas, vous m'avez régalé. Bon, bah, c'est gentil, oui. Nina, c'est gentil. Ben voilà, on va te récompenser avec la boîte de la Xbox One. Donc en exclu total, la boîte vide, bien sûr. Et puis, bah, toi, Pierre, ouais. La PS4. Hein. C'est bien la boîte de présentation hein, ouais. que toutes les autres radios ont également été piquées à la FNAC. Il y a bien marqué réservé là maintenant, etc., etc. Voilà. Donc voilà. Donc je vais avoir un truc qui n'est pas sorti encore. Exactement, voilà. En exclu total. D'accord. Et ça part au courrier ah, demain. Je vais faire des jaloux là, dis donc. Ah bah je te confirme. Attends, tu vas pouvoir te la ramener. Ouais, c'est hein. La vie. Ah, tu vas te la ramener. Tu vas te la ramener, moi je te le dis. Ah bon, ouais, mais... là je me sens plus là. Tu m'étonnes. Merci à vous deux en tout cas les filles. Pierre merci et Alice et Alissa. Gros bisous hein. Merci à vous. Salut, ciao. Bon, c'est gentil Pierre, on est content que vous soyez là tous les soirs aussi d'ailleurs. Nous aussi, ça nous fait plaisir. Bon, salut à vous deux, à bientôt. Ciao. Il y avait Fred également de Marseille là, oui, il y avait du monde encore là. Et bah oui, mais enfin 2h08 et les standards sont encore remplis là. Non, il y a Fred également qui est là. Salut Fred. Salut. Ça va Fred? Ouais, ça va bien. Tiens, tu savais que... Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Ah non, je savais pas. Non. Ah merde, bah, tu vois, on te l'apprend. Bon, du coup, Fred, on devait te prendre ce soir, on n'a pas eu le temps. On peut te reprendre demain, t'as le temps ou pas? Ouais, mais assez tôt alors. Bah ça dépend, tu veux parler de quoi? Bah, d'une petite histoire qui m'est arrivée, et puis bah... D'accord, eh ben on va te reprendre plus tôt alors, pas de problème ouais. Fred. Bon, bah c'est cool. Bon, bah à ça demain marche. Fred, hein, désolé hein. Yes, à demain. Salut Fred, ciao à toi. Bah merci en tout cas tout le monde d'avoir été là ce soir. Vous avez été nombreux ce soir, plein de nouveaux qui ont débarqué sur le Twitter. Merci à Denis aussi qui était là, ça va me faire la nuit Mickaël, vous êtes excellent là. Chez Kenzo, dormez bien. Yalilou également qui était là, il y avait Cédric, bonne soirée, reste comme tu es, bonne chance pour ton forfait demain. Bah t'inquiète. Hein. Il est toujours là Mike. Hey, tu es en train de gérer sur le forfait là? Ouais, toujours. Bon, parfait. T'as rentré les coordonnées déjà dans la machine? Ouais, les coordonnées sont ouais, là. Tout est là. Bon, bah écoute, alors bah c'est parfait. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Mais très bien, on va gérer ça demain, justement. Il y a GTR aussi qui était là. Il y avait Tony qui est un bon, lui. Il tweet beaucoup comme GTR d'ailleurs. Ludovic aussi. Il y avait également Léa. Il y avait Vartek également. Il y avait Emily qui était là également. Moi, je veux bien tweeter, mais mes tweets passent. Pas personne peut m'aider, mais s'il passe Emily, t'inquiète pas, regarde, je viens de le lire, t'inquiète pas. Léa qui était là également, donc comme je l'avais dit, David également, et puis plein d'autres, hein, tous les nouveaux sur le Facebook, sur le Twitter, merci beaucoup en tout cas. Salut à Mike, à demain. À demain, ouais, y a pas de soucis. Allez, salut Mike. Bon bah nickel, et ben nous on revient demain en pleine forme à partir de 23h sur Fun Radio avec demain du football évidemment. Demain c'est dernier jour pour les qualifications de la Coupe du Monde avec la France qui va jouer, la Belgique qui va jouer mais qui va s'amuser puisqu'elle est déjà qualifiée. Le Portugal qui a fait de la merde la fois passée donc qui va devoir un petit peu travailler un petit peu également ce soir. Enfin demain, ouais. Bon, non, ce soir. Et on suivra évidemment tout ça en direct pour vous sans aucun problème. À demain 23h. Michael. No. Limit. Tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Exactement, oui. D'ailleurs, j'ai presque oublié le générique, dis donc. Ah bah oui, merde. Attends, sans générique, on n'est pas dans la merde. Alors, générique. Générique. Oui. Non, je l'avais pas sous la main, le générique. C'est parti. Il va faire avec nous, le générique. Ah, le générique. Allez, générique. Enculé. Ferme ta gueule de merde, toi, l'enculé. Tu bouffes des bites, teuf te sucer, toi, l'enculé. T'es un enculeur, t'en nuques ton oncle. La fin du gomme de pain. Ferme ta gueule de merde, toi, l'enculé. C'est toi qui enculé ton oncle. T'es un enculé. Dormir, bien manger. T'as vu ton oncle toute la journée. Vous savez qu'il y a un appel masqué, vous êtes démasqué. Qu'est-ce que je pêche? Je vous t'emmerde. Ouais, mettre ma bite d'un bon trou du cul. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Quel cochon! Que veux-tu? Ils sont canadiens. Je vous t'emmerde. Toi l'enculé. Toi l'enculé. Ça te l'enculé. Ouais. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Suce ma bite. Eh ben voilà, Lilou. Eh ben Lilou qui se barre. Il faut savoir que Lilou, donc, qui fait le standard dans Love in Fun, elle a tous les soirs, elle se barre, elle revient vers 2h pour faire ça, et puis elle se recrase de nouveau. C'est quand même un truc de fou. Ah, quel professionnalisme, exactement. On voit qu'elle a commencé chez nous quand elle était toute petite et qu'on l'a bien éduquée. Elle n'était qu'une enfant à l'époque. Ah bah oui, elle était toute petite, évidemment. Bon, la pleine forme ce soir, alors avec JB chez 6h. C'est ma bite. Je ne savais pas que Bruno disait ça. Non, ça se fait pas. Respecte Bruno, toi je te pète la gueule, ça se fait pas. Je vais de suite envoyer un message à Bruno pour dire écoute l'extrait à 2h12. C'est chaud. Je pense qu'il y a de quoi faire. Je pense qu'il y a de quoi faire. Bon, le passer un bon week-end, JB ou quoi? J'étais sur la Côte d'Azur. Non. Ah, il est blindé, JB. Hein. Putain, lui, il est blindé. Lui, hein. Les meufs, si vous voulez un mec, là, il est bon parti. Hein. Ouais. Il est blindé, c'est-à-dire qu'il y a de l'oseille qui sort ses poches. Le beau gosse de la night. En exactement. Plus. C'est-à-dire qu'en fait, il est tellement blindé qu'il bosse la nuit gratos, sa femme. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais, je suis bénévole. Ouais, il est bénévole, exactement. Et même, pour... je paye une cotisation. Voilà, c'est pour passer son temps. En fait, il est comme ça, quoi. Bah, tiens, mais JB, tu savais que vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Bah, je l'ai appris ce soir. Ah, t'as vu? T'as bien fait d'écouter l'émission. Hein, ouais. Comme quoi, hein, Mickaël de Limite, ça apprend des choses. Oui, c'est la culture. Oui, exactement. Voilà, plus c'est la cul que le ouais, tueur. Plus la cul que le tueur, effectivement, oui. Bon, bah, bonne nuit avec JB. Puis après, l'avantage avec JB la nuit, c'est que vous faites la proc comme vous voulez, vous demandez. Hein. Ouais, il change tout. Twitter, voilà, vous mettez le hashtag, c'est quoi? C'est JB la nuit, c'est ça? Non, ce soir, on va changer. Ça va être JB Fun Radio Couche avec Selena Gomez. Ouais, autant dire qu'il sera jamais au top 8, hein, donc comment vous il dire sent que... balayeux qui change toute la prog. Voilà. Non, ce soir, faites JB et le boss de fun. Ouais. Voilà. Non, jamais je ne détendrai Jérôme. Bien évidemment, bien entendu. Au grand Jérôme. Ouais, oui, il va faire une prière tous les soirs. Bon, allez, bonne nuit, on va se quitter avec quoi d'ailleurs au fait? Bah Selena Gomez, non? Eh ben, Selena Gomez, oui, si tu veux, ouais, Selena Gomez maintenant, c'est parti. On écoute tout de suite avec Slow Down. Tu la dégommes? Tu veux vraiment te taper Selena Gomez? T'as entendu? Non. Tu la dégommes? Ouais, dégommes. Selena Gomez. Je sais pas quoi faire, moi. Quoi? Bah, je sais pas. Moi, je pense que Jérôme, il doit sévir à un moment sur ça. Ah ouais? Il y a un moment, il faut punir des gens, quoi. Quoi? Et cette vanne t'aura coûté le Selena Gomez. Oh. On va s'écouter Jessica. Ah bah, elle a pas de chaise, elle, alors. Ou alors, elle en a une centaine, tu vois, on sait pas. Je quitte ce studio. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué?